Bonjour, c'est Flore Bernard. Le podcast que vous allez écouter est sponsorisé par Big Flo. Big Flo, c'est un mec sympa et il a sponsorisé cette émission. Donc merci à lui. Si vous cherchez quelqu'un de sympa, bah, je vous conseille Big Flo. Big Flo, l'être humain il sympa. Du Flo de Cast. Ça pue sa mère. Podcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui oh bonsoir, oui. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un Floodcast comme à l'accoutumée où je suis accompagné de trois invités et de mon fidèle co-host. J'ai envie de dire, pour tu rigoles, t'es mon Bernardo en fait quelque c'est part. C'est ça. ouais. Qui parle plus. Un sous-fifre. Ouais. trois invités donc autour de la table. La première, vous avez pu la voir sur Twitch pour entre autres géoguesser comme Jaja. Sur YouTube, elle participe au collectif Le Vortex, produit par Arte. Mais elle a aussi sa chaîne YouTube Angle Droit dans laquelle elle explique la justice nique sa mère. On lui souhaite le ministère dans 5 ans. C'est Florence d'Angle Droit. C'est pas très sympa de lui souhaiter le ministère. Pense à la thune, Florence. Pense à la ouais, thune. Ouais, je vais y penser. Si Twitch était un festival de musique de province avec un jeu de mots, comme le Nancy Fassol qu'on embrasse, il serait un groupe de ska qui jouerait entre les Fatal Picard et la rue Quétanou. Mais moi je dis la rue Quête parce que je me lave pas les pieds. Il chante, il compose, il speedrun, c'est Mister MV. C'est magnifique, quelle introduction. Vous l'avez découvert sur YouTube avec une émission qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. C'est le Lord que l'on reçoit ce soir. Il est à GeoGuessr ce que les Beatles étaient au rock'n'roll. C'est Antoine Daniel. Bonjour à tous. C'est un très très beau compliment. C'est moi. Très, très beau compliment. Il sait qu'il n'est pas très académique. Il ne vit bien qu'à travers la polémique. Lui, son train-train, il est plutôt électrique. Il garde rien. Il préfère qu'on s'explique. Il est un agitateur, un provocateur, un animal. Son nom, c'est Adrien Méniel. Merci. Oh là là. J'avais reconnu dès les premières paroles, malheureusement. Moi aussi, oui. Petit Jean-Pascal. Qui aussi se marre beaucoup là-haut avec Coluche et les proches, hein, bien sûr. Exactement. Pour commencer, donc, le petit jeu qu'on a plagié aux grosses têtes, c'est le jeu des actualités. Le jeu des actualités, alors quel type de bière a été commercialisé récemment au Canada ? Type de bière un peu particulier, un peu chelou, mais qui apparemment serait exactement comme de la bière normale. Attends, ça je sais ou pas ? Tu ne sais plus rien, Adrien. Oublie ce que d'accord, je t'ai dit okay. Par texto. Parce que j'avais dit, en gros, on dit tout aux gens. On est transparent. On est complètement transparent. On n'a aucun secret avec notre public. On a peut-être eu des petites galères sur le podcast d'avant. Et j'avais dit à Adrien, ouais, ça t'embête si je reprends 2-3 questions. Il m'a dit. Je ne jouerai absolument pas le jeu, non. Vous m'entendez ? Non, il m'a dit, ça t'ennuie si je remets deux questions de la dernière fois et tu fais semblant de chercher. Ah, j'ai dit, non, tu peux les mettre, mais je vais pas faire semblant. Cette question en fait-elle partie ? Et bah du coup, aucune. Non, du coup, il n'y en a plus. Donc, du coup. Je n'ai fait que réinventer. Il a été vexé c'est comme bon. Un pou et il a dit, bon bah tant pis. J'y ai passé la nuit, mais il n'y a que des questions originales. De la bière, avec du coup, fait avec des ingrédients particuliers, c'est oh, ça ? Oh, assez. Bon, je vais le dire, du sperme ? Non, oui, non mais on y a tous pensé. Les impondérables, je les élimine direct. Merci. Moi, je serais parti sur du cannabis dans le mix parce que les Canadiens sont assez branchés là-dessus. Mais... Écoute, pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime beaucoup du cannabis dans le mix, qui pourrait être une très bonne chanson. C'est vrai. De trio. Est-ce que ou de Jean-Pascal pour son retour. Est-ce qu'on pourrait faire légalement cette bière en France ? C'est tout à fait légal. Est-ce que c'est un ingrédient a priori tu trouves ça dégueulasse ? Oui. D'accord. Ah. Oui. A priori. Est-ce que c'est un aliment même surtout déjà à la base ? Non. Pas c'est un fluide corporel ? Non. Ce n'est pas un fluide corporel. Ah. Ça élimine pas mal de trucs. T'es sûr c'est pas du sperme hein. C'est ok. Attends, laisse-moi vérifier. Non, c'est pas du sperme synthétique, mais du coup non. Ouais, sperme ou urine, hein, ça joue toujours entre les deux. Hein, mais oui, bien sûr. Est-ce que de l'eau de mer ? Non, mais tu te rapproches. On de l'eau d'un fleuve dégueulasse, de l'eau des égouts, de la Seine. Vous avez tous un peu juste. Il s'agit effectivement d'eau usée, tout bonnement. Les égouts. Ouais. Oui, les égouts. C'est des brasseurs interrogés par Radio-Canada qui espèrent que leur système se développera. Alors, c'est pas tout à fait encore, hein, mais ils y croient. C'était important pour nous qu'elle ait le même goût que notre autre bière blonde et nous y sommes arrivés. Extraordinaire. Nous sommes confiants. Mais du coup, c'est pas mauvais pour la santé Eux disent que non. En pleine crise sanitaire, c'est vraiment le bon moment pour. Comment le choléra, ça manque là un peu là, non ? A-t-on des infos ? c'est ouais bah c'est pas ouais c'est, et on tousse dessus pour être sûr vraiment que les gens, que les gens c'est dans l'air contents. Du temps. Non, apparemment ça a été validé par les autorités sanitaires. La coordinatrice du projet au sein de Advancing Canada Wastewater Assets, Christine O'Grady, reconnaît: nous nous attendons à ce que des personnes hésitent à cause de l'aspect un peu dégoûtant de l'eau usée. Dans le cadre de ce projet, nous voulons lancer une discussion sur le fait que l'eau est une ressource que nous devons protéger. Mais en fait, le truc, c'est ce qui est fait par les centrales d'épuration, ils le font eux, eux-mêmes. Oui, voilà. Et enfin, du coup, autant prendre de l'eau du robinet, quoi. Finalement. Enfin, Oui, bah, surtout, ne mise pas sur le mot égout, quoi. Mais du coup, quand tu... Ne vous inquiétez pas, c'est fait avec les égouts. Quand tu prends la bière, est-ce que c'est vraiment indiqué de façon explicite dessus ou pas? Non, mais vraie question, parce que j'aimerais bien savoir, en fait, si Il y a écrit « filtré à la pisse ». Oui, ben voilà, tu vois. C'est... En parlant d'égout, je me permets de rebondir. Alors, parce oui, que... c'est vrai. En fait, dans le podcast précédent, nous avons parlé d'un... Alors, c'était quoi? C'était le directeur du protocole? C'était le, ouais, le chef de protocole du ministère de l'Intérieur. Ah oui, je qui, connais cette histoire. Oui. Voilà, qui était scato et qui était... Qui avait filmé ses ébats dans les égouts de Berlin. Exactement. Comment ça? Il s'est chié dans la bouche. Et j'en avais parlé la dernière fois parce qu'il était menacé d'être viré, machin. Et je l'avais défendu en disant... Il fait ce qu'il veut, s'il est scato, c'est un problème. Privé. Voilà, exactement. Vous êtes en présence de quelqu'un d'extrêmement woke, sachez-le. Voilà, sachez-le. Voilà. Sauf que, entre-temps, on m'a contacté par message privé pour me dire. Alors, déjà, ça date de 2014, cette news. Donc, même assez avant, vieux. Je crois, 2003-2004, hein, je crois. Pas non, 2014. Non, j'ai inventé. Peut-être 1997, on peut aller vraiment un peu très loin. Et aussi, le petit détail, c'est qu'il jouait avec de la merde avec des néo-nazis. Ah oui, oui, c'était ça. Donc je ne le défends plus. Arrêtez d'envoyer des gens devant chez moi. C'était ça. Non mais c'est quand même fou, il se filmait en train de jouer avec du caca dans les égouts avec des skinheads à Berlin. Ouais. C'est fou. Ça s'appelle un beau combo. C'est très précis, quoi. C'est très précis. C'est un... Ouais, mais tu sais, en Allemagne, on s'ennuie vite. Hein. Ah, on s'ennuie, quoi. On s'ennuie. C'est leur équivalent du karting, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Vous avez déjà, vous, consommé des trucs un peu bizarres? Moi, je sais que j'ai fait des conventions à la grande époque et on m'a fait bouffer des trucs où vraiment tu fais, oh là, j'ai pas du tout envie d'y toucher. Des conventions, tu veux dire les conventions où on se voyait? Ouais, ça, enfin des conventions. Pas un truc, c'était pas un message caché, Antoine. Tu n'as rien fait manger de dégueulasse. Non mais tu sais, où des gens t'apportent des cadeaux, des trucs un peu régionaux. Mais des alors fois. Généralement, quand on m'offrait des trucs à bouffer, bah je le bouffais pas en fait. Ah oui, généralement. Ouais. Bah je peux pas savoir ce qu'ils ont l'instinct mis dedans. De survie, je ne connais pas ces gens. Ouais, c'est ça. Je ne connais pas ces gens. C'est là où j'ai merdé. Moi, je connais pas leur psyché. Moi, je n'accepte que les bouteilles d'alcool scellées. C'est tout ce que j'ai... Alors non, mais ça par contre, oui, c'est vrai. Quand j'avais fait des conventions en Belgique à l'époque, on m'avait offert plein de bières et bah ça pour le coup, je les ai consommées. Ouais. Par contre, non, mais ouais, la nourriture, c'est compliqué. Il y a eu tellement de cas d'empoisonnement ou les aiguilles dans les cookies, les trucs hyper glauques. Mais les gens sont hyper bienveillants. Quand tu vois quelqu'un d'hyper bienveillant arriver avec une sélection de chocolat ou des trucs, tu peux pas penser à mal. Mais bah, tu sais, oui, toujours qu'il y aura une personne, il peut y avoir un taré dans le lot. S'il avait empoisonné tes cookies, il viendrait pas avec un regard de malveillance, justement. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que la nourriture homemade, ça part d'une bonne intention, mais ouais, par sécurité, c'est plutôt non, quoi. Mais sinon, j'ai jamais mangé de trucs très chelous, non. Ouais. Non, je peux pas te mentir. Toi, Adrien, toi, t'es un peu un corsaire de la nourriture. J'ai l'impression que t'as tout bouffé, t'as tout testé. Pas du tout. Mais en mode Koh-Lanta. Eh oui. T'essayes vraiment de me lancer sur un truc qui est faux sur moi, mais alors, pas du tout. Mais quand t'étais en Berlin, quand t'étais à Berlin avec des nazis, ah, oui, vous bouffiez oui. des trucs un peu chelous. Dans les égouts, là. Bien sûr. Non, mais... Non, bah déjà, moi je fais pas vraiment de convention et tout. Les gens m'amènent. Les peu de fois où j'en ai fait, on m'a pas amené de bouffe. J'ai bouffé les trucs classiques, genre les insectes et tout, quoi. Ouais, moi, j'en ai jamais mangé. Ah ouais, bah, j'ai goûté ça, ça n'avait aucun intérêt, j'ai trouvé. Ouais, genre les crackers, les trucs. Ouais, les verres de verre séchés, enfin, les trucs comme ça. Ouais. Oui. Non, toi, Florence, non, t'as jamais goûté des trucs comme ça? Alors, j'ai pas mangé un truc chelou. Le truc le plus idiot que j'ai fait, c'est aspirer du dépoussiérant pour ordinateur. Ah oui, l'air sec. Oui, mais c'est un classique. Ouais, ouais. Il y avait plus d'éther dans le coin. Et... plus de col Cléopâtre. Non, mais j'avais un copain encore plus con qui m'avait dit: vas-y, tu vas voir, ça va faire des trucs chelous. Et ça marche vraiment. Et ne faites pas ça. Mais parce que quoi, ça fait quoi en fait? Ça fait, en fait, je me souviens d'avoir vu un arbre à peu près en 10 fois. En fait, ça fait un effet vraiment. T'as un peu l'impression d'être pas sous acide, mais parce que j'ai jamais pris d'acide, mais où tu vois beaucoup trop de choses en même temps. Ça dure très très peu de temps et c'est très flippant. Et comme je ne sais pas exactement ce que j'ai ingéré, je ne veux pas savoir les conséquences à long terme. Ça fait vraiment un effet de drogue, quoi. Ça devait pas être la même marque que moi. C'était la Fnac. Moi, ça fait juste une voix. Ça fait une voix très très grave, moi. Enfin, ça fait aussi ça. Ça fait l'inverse de l'hélium. Ouais, c'est ça. Ça fait une voix très très grave. Ça fait ça, mais ça fait aussi halluciner, en fait. Marc Lavoine, c'est comme ça. Il y a la Fnac. Tu peux le voir au rayon de la Fnac, Saint-Lazare, avec le truc. L'inverse de Crazy Frog. Exactement. Un dentiste a été condamné à une peine de 12 ans de prison. À votre avis, pourquoi? Allez, dentiste. Est-ce que c'est un rapport avec les dents? Oui. Mais non, mais déjà. Est-ce non, qu'il prenait, il avait un Tumblr des dents des gens ou un truc comme ça? Non, non. En mais, France? C'est en. Attends, je te dis ça tout de suite. Je te dis ça tout de suite, mais je crois que c'est, en France. Pas du tout, c'était aux États-Unis. C'était d'accord. aux États-Unis, en Amérique. Ah. Dans l'Alaska, même. Le pays des rêves. Ça ne va... Ah, l'Alaska. Alaska. Okay. Ça va pas vous aider, hein, le côté très Alaska. Bien. Mais c'est juste. Aucun rapport avec le froid. Aucun rapport avec les dents. C'est pas spécialement rapport avec les dents, mais avec son avec métier de dentiste. Est-ce que c'est une violation de vie privée voilà, de ses patients pendant les anesthésies ou... Non, pas du tout. Est-ce qu'il vendait les dents de ses patients qu'il retirait Non, mais t'as eu l'idée d'une saison de Breaking Bad entière. non, pas du tout. Est-ce qu'il bouffait de la merde de nazis dans les égouts enfin, ça peut être ça, et je le défendrais pas. C'était limite. Tu peux faire le redire. Non, s'il y a des nazis, toi tu détestes, hein, non, à partir du principe. Ma limite, c'est la merde. Je peux pas les saquer non plus, mec, t'inquiète. Grave. Est-ce que du coup ça traitait d'autres choses que les dents, mais ça traitait du corps humain? Est-ce qu'il faisait quelque chose sur le corps? Non, c'est vraiment dans. Il faisait son opération. D'accord. Mais sa façon de la faire fait qu'il a été condamné à 12 ans de prison quand même. D'accord. Sa queue. 12 ans, c'est beaucoup. 12 ans, c'est énorme. Ah, oui. Non, il sortait pas sa queue. Ah, parce qu'il était juste bourré, il aurait été viré, ah, c'est tout quoi. Non, là c'était un peu plus. Non, il était pas du tout bourré. Hein, attends, il est en taule, je me rappelle plus. Il est condamné, ouais, il est en prison, il va se prendre 12 ans c'est dans beaucoup, la gueule. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Est-ce qu'il... Ouais. Est-ce qu'il tuait ses patients en fait? Non, vraiment, je demande juste. Il les assassinait quand même. Est-ce qu'il prélevait des choses sur ses patients? Ah bah, ouais. Non, pas du tout. Est-ce que c'est sexuel? Non, c'est pas du tout sexuel. Ah, c'est compliqué. C'était en live sur Twitch ou un truc non, comme ça? Non, non, c'est pas en rapport avec les dents. Merci pour le sub. Merci pour l'année. Merci pour les bits. À 20 000 bits, je lui remets une dent pourrie. Quelque part aléatoirement. Il met sur le front. Directement. Dur, ouais. C'est très précis. Dites-vous qu'il a vraiment fait son métier et il l'a bien fait. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'au début de son métier, il faisait ça correctement ou il a toujours fait comme ça? Non, il le faisait normalement, correctement. Okay. Là, il a fait une opération qui a été filmée. Ah, ça a été une fois? Peut-être plusieurs fois. En tout cas, ça a été filmé une fois. Ah, d'accord. Okay. Et c'est cette vidéo qui a tourné et qui fait qu'aujourd'hui, il a été condamné pour 12 ans. Putain, il chie juste. Un point. Pendant. Point. Non, point. Ouais, excusez-moi. Je sais pas. Non, parce que c'est 12 ans, c'est énorme. C'est énorme. Après, tu sais, c'est les States, ça. Ouais, mais. C'est le pays de Trump, hein, je te rappelle. Ouais, attends, et oh. L'extravagance. Les mecs, c'est des dingos. Est-ce que c'est une erreur qu'il a fait ou c'était vraiment volontaire de sa part? Non, c'était très volontaire. Et du coup, c'est possible qu'il ait fait ça régulièrement? Alors, c'est très volontaire de sa part. Et sur le papier, le côté 12 ans est un peu surprenant. Mais vu qu'il n'y a pas eu d'accident, il l'a vraiment fait juste. Pour vous donner un indice, c'est un gros indice, donc je vais essayer d'être un peu malin. Mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le métier de dentiste, vraiment. Ça a plus un rapport avec le métier de Viner. De Viner, de, ouais. Viner. De faire des Vines. Souvenez-vous de la grande époque Vine. Oui, bien sûr. Bah, à l'époque, je vous rappelle, il filmait quelque chose. On pouvait s'embrasser. Non, pas du tout. Ah, attends, mais Vine... il a été filmé. Il était. À la fin, il mettait une musique parce qu'il avait pas de chute à sa blague. C'est vrai que Vine, c'était très ça. C'était vraiment une petite. Et c'était la chanson Turn Down for What. Une fois sur deux. Ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Putain, Vine. Vine et placement de produit Vine. Allez. Gros indice. Mais est-ce que tu penses à un Vine en particulier quand tu dis ça? Non, il y avait beaucoup de Vine où il y avait des placements de produits qu'on voyait souvent. C'était très la mode il y a 3, 4, 5 ans. Oh là là. Nerf? Non. Il y avait quoi comme placement de produits sur Vine? Oui, sur Vine, j'avoue. Parce qu'à l'heure actuelle, quand tu me dis placement de produits, je pense NordVPN et Retro Legends. Non, bien sûr. Mais non, dites-vous, pensez un petit peu futur nul. Futur un peu nul. Le futuroscope. On est en plein dedans. Non. N'insulte pas nos potentiels sponsors. On va peut-être être sponsorisé par le futuroscope. Mais non. C'est énorme. Il paraît pour de vrai, parce que j'ai toujours dit que c'était vraiment le futur vu du passé en fait. Bien sûr. Mais apparemment, il y a eu un rework en fait, vraiment du futuroscope. Mais on en parlait la dernière fois. Il y a carrément Kamel Wally maintenant et Martin Solveig. Alors, je tiens à te dire que Kamel Wally. Le futur nul. J'y suis allé en 2004. C'est la seule fois où je suis allé. C'était en 2004. Il y avait déjà le truc Kamel Wally. Hein. Je crois qu'il est toujours là. Non. Bah, il faut un hologramme. Il faut qu'on fasse un vlog. C'était, je crois, c'était un robot géant, un truc comme ça, qui était chorégraphié par Kamel Wally. Ou comme ça. C'est comme le truc de Travis Scott dans Fortnite, mais avec Kamel Wally par contre. Avec 20 ans de retard. Avec des graphismes PlayStation. C'est vraiment, c'est ça. Pensez moyen de locomotion. Oh là là. Un hoverboard? Exactement. Il était sur un hoverboard. Putain, mais 12 ans, comment t'as pas fait? En fait, il a dit un truc un peu nul du futur. J'ai pensé à l'hoverboard, c'est mais je trouve pas ça si nul. Effectivement, en fait. il y avait eu des hoverboards effectivement sur Vine, sur YouTube aussi un peu. Ah ouais, putain. Ouais. En fait, l'histoire est assez rigolote. C'est à voir avec celui qui avait Unbox Wawa. Ah putain, tu as la référence. Oui, j'ai la référence tout à fait. C'est quoi ça? J'ai pas ça. Ah non, mais ça, c'est vraiment un truc très niche, ça, pour le coup. Oui, non, mais non, tu sais, il y avait Mattel, j'imagine. Je crois que c'était Mattel qui avait ressorti le modèle jouet, tu sais, de l'overboard qui voyait le rose. Ah, mais cette vidéo, elle est vraiment mythique. Et il y a une vidéo de Wawa, donc je sais pas si tu connais Wawa de Back in Toys TV. C'est une chaîne qui très niche. Très niche, qui parlait vraiment de petits jeux, qui faisait un peu du brocante game. Ouais, qui est très dans la rétro collection et compagnie. Et tu le vois, c'est une vidéo de 25 minutes où il ouvre ce truc-là. Et tu le vois se décomposer et s'énerver tellement il est déçu, tellement l'autocollant il est pas au bon endroit. Et le mec est trop vénère, mais vraiment, c'est là, il est au bout de sa vie pendant 20 minutes. Ouais. C'est assez J'avais incroyable. Totalement oublié cette vidéo. Assez incroyable. Alors en fait, pour cette histoire d'overboard, sachez qu'en fait, c'est une petite histoire qui en cachait des plus grandes. Voilà. Donc en fait, cette vidéo fait que le Conseil des dentistes d'Amérique, je suis pas sûr du nom, hein, je l'ai peut-être un peu inventé, le Conseil des dentistes d'Amérique se sont penchés sur son cas. Et en fait, Mais pourquoi il faisait ça en fait? Bah pour délirer. Mais oui, mais des fois t'as envie d'un peu de piquant dans ta vie. Tout le monde ne fait pas du Twitch, Antoine. Les gens qui ont besoin parfois de mettre un peu de piquant. On aurait pu le faire en roller, c'était pareil. Mais là, il y a des vidéos hein, qui sont un peu marrantes de le voir vraiment, tu sais, faire des allers-retours comme ça avec le dent. 12 ans en prison, c'est beaucoup quand même. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas que ça. Il devrait peut-être juste être radié. Non, parce que derrière il a étranglé 3 patients aussi. C'est peut-être ça qui a pesé dans la balance. Bah alors tu rigoles, mais on n'est pas si loin. En gros, il a pratiqué de nombreuses opérations sans anesthésie. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient absolument aucune formation de dentiste. Alors, j'ai failli dire ça, moi. Ah, bah ça, c'est autre chose. Oui, oui, non, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est ça qui a mis le spot lumineux. Oui, d'accord. Mais qu'il y a toute une arrière-cour. J'ai failli dire ça au début, mais comme tu parlais d'autres trucs et tout. Bah, bien sûr. Mais c'est la reconversion du docteur Guigui. C'est le docteur Guigui des dentistes. Vous avez déjà eu affaire, vous, à des trucs de médecine un peu vénère, oui. Un peu horrible. Ah ouais. Bah, dentiste qui a pas réussi à. Enfin, c'est pas marrant. Je le raconte, non, mais. Qui a pas réussi à m'anesthésier quand il m'a retiré la dent de sagesse. Aïe. Du coup, ça me l'a retiré à vif, en fait. Hein. voilà. J'aurais clairement pu faire un procès, je pense. Bon, mais il voilà. Était sur quel type de véhicule Il était en trottinette avec deux personnes devant lui. C'était lime. Il faisait des tours en lime. C'était assez particulier. Non, mais ouais, donc c'était horrible. Depuis, j'ai la phobie des dentistes. Ah ouais, j'ai une vraie phobie. Je ne l'avais pas du tout avant. Ouais. Et ça m'a un peu refroidi. On va pas et comment ça se passe? Est-ce que tu commences mal. Non, très mal. Mais est-ce que tu commences à faire ah? Oui, en fait, littéralement ça. Mais vraiment, c'était pas chochotte. Mais je lui disais que j'avais vraiment mal. Il me disait mais non, vous avez pas mal. Ah, mais connard! Injonction! Est-ce que tu es dans mon corps? Est-ce que tu ressens ce que ressentent mes nerfs? Non, je ne crois pas. Moi, ma dentiste, mais qui est adorable, mais c'est juste, elle m'a dit vous avez des petites caries. Donc on n'a pas besoin d'anesthésie, on peut les enlever comme ça. Bah c'était quand même très douloureux, quoi. J'étais vraiment genre parce que c'est moins la douleur que la sensation de vraiment te faire gratter la dent vénère. Tu vas trigger beaucoup de gens là. Pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Mais c'est vrai que c'est pas ouf. Ouais. Toi, Adrien. Moi, il y a un truc. Enfin, c'était pas vénère vraiment, mais je crois que je l'ai déjà raconté d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Mais c'était quand j'étais ado, je crois. Je sentais que j'avais vraiment un truc à la dent et tout qui traînait depuis un moment. Et donc j'étais allé chez le dentiste, j'ai dit ouais je crois que j'ai une carie. Et donc il commence à ausculter, enfin à observer mes dents et tout. Et je l'entendais faire oh là là. C'est tellement désagréable. C'est comme ça, tellement et désagréable. Il me dit bah en fait vous avez 12 caries. Ah oui, 12, oui d'accord. Je comprends un peu mieux sa réaction. J'avais 12 caries. Tu étais un crocodile à l'époque aussi. C'est ça, faut dire. Vraiment, ouais, voilà. Et c'était un oiseau lui, il picorait mais, enfin, tout s'est vraiment bien goupillé du coup. Non mais ouais j'avais 12 caries donc je suis allé faire plusieurs sessions chez le dentiste après. Putain. Voilà, donc ne laissez pas traîner vos caries parce qu'après vous en avez 12 au final. Ouais, bah pareil, mon incisive de devant est une fausse dent et je ne suis jamais retourné la faire refaire et je crois qu'il faut au bout d'un moment en fait. Je crois ah qu'il bon faut, c'est pas impossible. Je crois qu'il faut vérifier. Quelles statues ont été inaugurées à Trégnac? Les fans de GeoGuessr savent déjà où est Trégnac? Pas. Grave. Je crois savoir. Non. Oh là, mais je crois savoir la statue pour le coup. Oh. C'est une statue? C'est deux statues. Deux statues? C'est pas une statue de Carla Bruni? Non, pas du tout, mais je vais googler. Il y a tout à fait une ville qui a inauguré une statue de Carla Bruni Sarkozy. Ah, oh mon dieu, bah pas à côté, enfin en Ile-de-France, Nogent-sur-Marne. Oui, à Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne. La statue de Carla Bruni Sarkozy inaugurée. Ah oui, d'accord, magnifique. Elle tout a été installée dans le quartier de la petite Italie de Nogent-sur-Marne. Et on va dire que tout le monde n'était pas ravi. Elle sera déboulonnée bientôt, je pense. Ah oui, c'est une démarche politique que n'apprécient pas les Nogentais, on appelle ça du faillotage. Tout cela n'est pas très sain quand on voit les policiers municipaux filtrer les entrées à l'inauguration. S'indigne pour sa part le conseiller municipal d'opposition DVD, Michel Gilles. Mais c'est pourquoi une statue de Carla Bruni? Oui, c'est la question de Bruni aussi. C'est une question. Enfin, eh ben alors, selon le maire, selon c'est le... notre Michel c'est Obama, visiblement. C'est un peu ça, oui, j'ai l'impression. En fait, selon le maire UMP de la ville, alors du coup, c'est une très vieille news, c'était vraiment il y a longtemps, il s'agissait d'un hommage aux Italiens de Nogent. C'est complètement fou. Oui, ah oui, c'était à l'époque. On trouve un truc, les gars. On trouve un truc. C'est en effet du faillotage. C'est un peu insultant pour les Italiens de Nogent. C'est vraiment. On va mettre une statue de pizza pour les Italiens de nos gens, pour leur rendre hommage. Mieux, hein. ça serait mieux. C'est plus, un pizzaïolo comme ça. C'est plus, ouais, c'est plus le patrimoine. Le pizzaïolo des cartons. Ouais, tu sais, un peu bedonnant avec un scooter. Avec le geste. Donc non, alors là, pas du tout. Là, c'est Trégnac. Donc Trégnac n'est pas en Île-de-France. Alors, est-ce que ça doit être dans le sud-ouest, c'est le bilan hack. Ouais, c'est de, un duo de personnes connues. Oui, mais qu'on penserait pas tout de suite en duo, mais c'est logique. McFly et Carlito. J'allais dire les chevaliers du fiel. Ah oui, c'est un peu les McFly et Carlito d'avant. Les Vamps, peut-être. Les Vamps, putain, au secours. J'avais pas entendu. Les frères Taloche. Ah, ça y est. On ouais, part dans le temps. Chevalier Las Palais. On voyage, on s'amuse. Et donc, c'est des gens connus quand même. C'est des gens très connus. Un homme et une femme. Deux hommes. Deux hommes. Pascal et Fontaine. Non. Bataille et Fontaine. Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Laurent Fontaine, c'est ça, bien sûr. Qui est un frérot d'ailleurs. Laurent Fontaine. On a partagé un dîner et un déjeuner avec Laurent Fontaine. Mais comment Pascal Bataille. Je l'ai confondu. Non, c'était Fontaine. Tu sais même pas, avec qui. Et c'est mon fils d'ailleurs. Mon fils, ma bataille et Fontaine. Ah, mon fils, ma bataille. Gaël, mon fils, le Twitcher. Le Twitcher. Le Twitcher, maintenant, Gaël, mon fils. Célèbre Twitcher. Des personnalités françaises ? Françaises. D'accord. De télévision ? Pas du tout. De musique ? Attends, je vais attendre que tu fasses le ventilateur. Non, pas moi j'aimais beaucoup ce jeu. De poser une question que tu joues, je dois bien jouer. Pas du tout. Artistique ? Non, pas du tout. Politique. Oui, bien sûr. Okay. Pas aussi politique que Carla Bruni Sarkozy. Pas aussi. Mais politique. Non, je plaisante. Ah oui, plus. Il y a un lien entre les deux ou... Il y a un lien et c'est la ville de Trégnac. Est-ce que c'est Macron-Le Pen par rapport au deuxième tour des présidentielles? Non, mais je sais pas. Ah, ils sont tous les deux liés à la ville. Ils sont liés à la ville et ils sont vraiment côte à côte. Et ils sont du même bord politique du coup? Eh ben non, pas du tout. C'est ça qui est assez fou. Il y en a un qui est très à gauche, qui est très à droite. Pas à ce point, mais c'est le moment. Mais ils ont une histoire avec la ville, quoi. Ils ont une vraie histoire avec, même, j'ai envie de vous dire, le département, la région. C'est quoi le département? C'est Trégnac. Là, si je vous le dis, c'est vers Bordeaux. Si je vous le dis, ça donne vraiment la réponse. Il y a un Juppé, alors, si c'est vers Bordeaux. Mais... D'accord. C'est pas Juppé, mais on s'approche. Ah, ma mère, Noël ma mère. Non. Ah oui, parce qu'il est Bègle, effectivement, maire de Bègle, à côté de Bordeaux. Je croyais que tu disais ta daronne. Non. Je suis très surpris qu'elle ait une statue, quand même. C'est ta mère et le maire geek d'Autun. Le maire geek d'Autun. Est-ce que ce sont des personnes qui sont encore actives politiquement? Alors, il y en a une qui l'est plus du tout, qui est parfaitement décédée. Giscard, Chirac. Il y en a un des deux. Chirac et Mitterrand. Non. Chirac et Philippe Poutou. Non. Parce que Bordeaux. Mais c'est pas Bordeaux du tout, hein. C'est dans cette région, mais. Jospin. Non. Alors attends. Mais tu t'approches. Et. T'es plus proche avec Jospin. Et donc un mec de plutôt de gauche du coup l'autre. Plutôt de gauche. Hollande. Enfin. Exactement. Chirac et Hollande. Parce qu'en fait, c'est en Corrèze. Bien sûr. Chirac et Hollande. Bien sûr. Chirac et Hollande. Alors les statues sont assez magnifiques. Je vais essayer de vous les montrer, ce qui est pas très radiophonique. Je vous invite à les googliser, amis auditeurs. On peut les décrire. C'est un espèce de truc Transformers très chelou. Oula, où ils sont en fait découpés en. C'est Daft Punk pour moi, mais. Ouais, c'est vraiment un espèce de. C'est Venom, oui. Un peu un ambiance Venom. Ah, oui, c'est ça, mais Hollande était là du coup. Hollande, bah oui, Chirac n'a pas pu faire le déplacement. Au moment où Thanos détruit une moitié, ils sont en train de disparaître là. C'est ça, ouais. Et voilà, donc c'est deux statues de 3 mètres de haut, hein, quand même, à l'effigie de Jacques Chirac et de François Hollande. Non, on va les voir. Et ça date de quand, du coup? Ah bah ça vient d'être fait, ça a été inauguré le 19 septembre. Oh, on est sur de l'info fraîche. Ah bah, ouais, et il y avait Claude Chirac et François Hollande, et se sont dit très émus devant le talent du sculpteur argentin Augusto Daniel Gallo. Ah. C'est bien le sens des priorités. J'ai pensé au saxophone. Ça m'appelle ça, forcément, le sculpteur argentin. Mais oui, Corrèze, ça aurait été un trop gros indice. Trop gros indice. Ouais. Ils se sont permis de dire que Jacques Chirac aurait aimé cette statue, même s'il n'était pas du tout porté sur la représentation de sa propre personne. Il l'aurait aimé car elle est très belle. Il avait les deux pieds enracinés dans sa terre de Corrèze et l'âme ouverte sur le monde. Cette œuvre symbolise. C'est beau, c'est beau. Le you monde want me to go back to my plane. La France, surtout. Savez-vous quelle méthode controversée a mis en place une entreprise de Singapour pour limiter ses pertes financières dues au coronavirus? Ce satané Covid, hein, qui... Connard de virus. Débarqué un jour de Chine. La Attends. C'est un gars se marrer là aussi avec Coluche. Si seulement. Oh non. Non. Non. Non. Xavier. Repensons à Hexagone. Repensons à Hexagone. Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Attends. Singapour, coup, ils sont énervés. Hein. Ouais, ils sont un peu. Singapour sont sur les dents, on pourrait t'as, le dire. T'as le droit de. T'as pas le droit de t'amuser là-bas, globalement, je pense, à Singapour. Pas le droit de cracher par terre. Hein. Ça les commence gens... à. Que sur, par rapport à. Je sais plus à quel. Si on te retrouve avec un tel grammage de bœuf sur toi, c'est peine de mort ou un truc comme ça. Je ne sais plus quel est le, quel est le grammage exact. Enfin, excusez-moi, mais quand on voit Darmanin, on se dit que hein, ça va peut-être arriver en France. Ah, on se retrouve après. Renault. Vous êtes sur France Inter. Tu t'entraînes pour énergie. Ouais, pour l'émission Squeezie. Alors Squeezie, qu'est-ce que tu penses de ma crotte? Emmanuel Macron. Est-ce que le macaron serait pas un peu sucré? Il nous reste sur les hanches, hein, j'ai l'impression. Un peu salé, tu veux dire. Ouais. Est-ce que ces gens, les employés, dorment sur place? Non. Non, non. Alors dites-vous que c'est. Alors quand je parle de méthode, en fait, c'est ils ont proposé un service pour renflouer les caisses. Donc c'est pas du tout un truc sur leurs employés ou quelque chose comme ça. C'est pas les drones, non, c'est pas ça. Non, mais dis-toi que t'es pas si loin. This is not a method. En overboard alors. Ouais. Toutes les réponses sont un overboard, ouais, et Chirac. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge. Bah je sais pas. Non. Voilà. Un honnêteté me touche. Un service aux particuliers. Non, c'est vraiment. Alors dites-vous que on est sur. Mais pareil, si je vous le dis, c'est un peu un gros indice, mais on parle de voyager. D'accord. De voyager, de gagner de la thune grâce au voyage alors qu'il y a le Covid. Ah, c'est les. Je crois réalité que c'est virtuelle. Vas-y. C'est pas le, les gens qui vont dans des faux avions pour avoir l'impression de prendre l'avion pour voyager, mais en fait ils partent pas. T'as, c'est pas ça, c'est plus dégueu. Non, mais c'est mais ça. Ça, ça existe vraiment ça. Oui, ça existe vraiment. Ouais, mais c'est ça, je j'avais pas entendu parler. Je savais pas ça non plus. Ah bah, sinon, si. Oui, c'est du voyage virtuel. Quoi. En VR, mais. En VR, ouais. Je sais plus où, en Chine. Ah, je sais plus dans quel pays asiatique. C'est hors de Chine. On est pas si éloigné, Florence, mais c'est plus honteux que ça. Ah. C'est plus honteux que ça. C'est beaucoup plus honteux. C'est pas de la VR. Est-ce que c'est juste pour l'apparence, genre des photos devant des affiches pour les réseaux sociaux, des trucs non. comme ça, non, pour non, faire non, genre non. t'es parti non, à la l'avion, l'avion est la bonne. Il y a un business model. Mettre la tête dans le trou. L'avion. Bah, énorme homme. Bah, voilà. Ok. Le c'est un rapport avec un avion. C'est du les coup. Avions. Les avions étaient la très bonne piste, mais ah, c'est plus honteux. Il y a un rapport avec les avions. Ouais. Il y a un rapport avec les avions, il y a, c'est un avion, il y a des écrans à la place des hublots qui diffusent non, des trucs. Non, plus honteux que ça, plus honteux des que ça. Des mecs avec des cartons, qui, avec des petits nuages en carton. Des voyages Singapour-Singapour. Exactement. En fait, ce sont des avions qui font des petits voyages autour de la ville. Voyons, pour que t'aies envie de voler. L'empreinte carbone est vachement cool. Bah, c'est, je crois, ce qui agace un peu les écolos. Bien sûr. Ouais, ouais. En fait, en gros, alors attendez, je vous mais retrouve. Mais qui le est client de ça? Qui veut faire bah, ça des alors, gens. Alors, justement, dis-toi. Alors, c'est Singapour Airlines va organiser dès octobre des vols sans destination. L'avion va décoller de l'aéroport de Changi et effectuera un trajet de 3 heures avant de revenir à son point de départ. 3 heures, c'est super long. Tous les inconvénients de l'avion sont les avantages. En vrai, dans un avion, tu t'emmerdes un peu au bout d'un moment. Ah oui, au bout de 10 minutes, à peu près. La flébite, il y aura l'écran pour regarder Jumanji 2. Ça m'a permis de rattraper mon retard sur les John Wick et Avengers. Moi, j'avais maté World War Z et c'était pas terrible. C'est vraiment très avion. Ma critique ciné. Dans les dents, Brad Pitt. Donc non, ouais, ils font des petits tours au-dessus et dites-vous que c'est déjà complet sur je sais pas combien de semaines, mais ah oui, les gens. Ouais. Ça m'étonne pas. Je suis sûr que c'est cher en plus. Je pense que c'est ouais, très est-ce cher. Que t'as le prix, ouais. Alors écoutez, j'ai je pas le prix. Je suis certain que c'est exorbitant. En tout cas, il y a un sondage qui dit que sur 300 personnes, 75% d'entre elles sont prêtes à payer pour un de ces vols pour nulle part. Sont prêtes à payer, bah oui, j'espère. Parce que non, mais en tout cas, enfin... veulent bien faire ça. Enfin, je veux dire, okay. sur 300 personnes interrogées, 75% sont prêtes à faire des putain, tours en avion pour moi, aller je nulle part. Personne ça. Qui ferait ça. Bah je sais pas. Ouais, non. L'illusion de voyager. Enfin c'est après peut-être que Singapour c'est un peu ouais. particulier. Après, c'est des gens qui ont pas le même train de vie ouais, en général, c'est... qui sont habitués à voyager beaucoup. Voilà peut-être que c'est une cité-état. Le fait que c'est un tout petit pays, ils ont peut-être effectivement l'habitude de beaucoup bouger à l'étranger. Et, bah je sais pas. C'est en tout cas, oui, c'est plutôt mal vu pour le moment, mais ça va arriver en octobre. C'est le CBD du voyage. C'est exactement ça. Reconversion professionnelle, savez-vous dans quelle voie s'est dirigé Mario Baravecchia, qui aura pareil une statue du côté de Montpellier, le célèbre Mario de la Starac 1. Oh, je vois, je me souviens. Ah, bien sûr. Starac 3, non, c'est pas Starac 3. 1. Ah non, il devait finir avec Jennifer et Jean-Pascal, c'est oui. interposé. Qui est un agitateur. Florence, concentre-toi. J'ai confondu avec Michel, pardon. Ah. Michel a volé l'orange, ça n'a rien à voir. Il a suffisamment morflé. Alors, la reconversion. Déjà, il a rejoint Daesh. Je vais faire demander directement. Eh bien, écoute, oui. Alors là, très surpris, il s'est radié les fichiers S directement. Déjà, reconversion, il faisait rien. Juste, il a trouvé du taf en fait. Quoi. Attends, il chantait. Il y avait un autre élément ou juste dans quoi il s'est reconverti? Dans quoi il s'est reconverti? Ouais, okay. C'est récent ou c'est... C'est pas tout à fait récent, mais l'actualité. Mais je suppose que c'est un peu original. C'est 2020. C'est en 2020. Ah, c'est en 2020. C'est en 2020. T'allais dire quoi? Ah, c'est original. Parce que des reconversions bizarres de Starac, ça me disait quelque chose, mais je l'aurais pas cette année. Je pense que c'est original parce que si il est boulanger, bah ok. Ouais. C'est cool. C'est pas il bosse dans l'immobilier et ça marche pas mal. Hein. Ok. Énorme. Finalement. Bah, comme quoi j'aime bien aussi. Non, mais non, c'est un peu plus surprenant que ça. Bon, porno, je. Non, bah non. Je suis obligé de. Bah, quoi, mais Michel l'avait fait justement, je crois. Ah, Michel, ah bon non, Michel avait fait des clips un peu érotiques. Je trouve ça. Ouais, ah, non, oui. C'est surtout Alan Théo. Oui, c'est vrai. Oui, Alan Théo, ouais. Mais bien toi, Xavier, t'as une très grosse culture. Porno. Non, télé-réalité. Télé-réalité nulle, début 2000, ouais, je suis pas mal. Mais j'ai confondu avec Jackie et Michel. Jackie et Michal, non. Ah, oui, rien à voir. J'ai confondu bêtement. J'ai confondu mais... bêtement. Non, attends, c'est un rapport avec la télé-réalité ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'est en France? C'est en France, c'est en France. Il est resté en France. Agriculteur? Pas du tout. C'est un rapport avec le showbiz, l'entertainment, non. Tout ça? Non, non. Est-ce que c'est un métier idiot? Pas du tout idiot. Non. Genre flic? On est à câble. Non, mais genre steward dans un avion qui va de Singapour à Singapour, ouais, c'est un métier idiot par exemple. Ah, effectivement, oui. Non, non, non. Ça. Une émission bien préparée, on aurait eu ça, mais non, c'est vraiment rien à voir. Qu'est-ce que ça peut être? Dites-vous qu'on est assez éloigné de la Starac, hein, apparemment. Ouais, très bien. Voilà. Il est. Le métier soit original. Il y a beaucoup de gens qui ont ce métier? Beaucoup de gens ont ce métier. Est-ce que c'est un métier qui implique de la violence physique? Normalement, non. Mais ça peut. Ça m'aurait plu. Mais j'ai le droit de rêver, pardon, bah quoi. Champion de free fight. Il dit du shit à pantin. Un truc comme ça, je vois, c'est... Non, non, non. Il est genre, je sais pas, un truc un peu mystique, ésotérique. Non, pas du tout. Ah. C'est un truc dans la région de Bourgogne, vers chez moi, mon hometown. Ah. Il fait hometown. De la moutarde. Pas du tout. Des escargots. Je sais pas moi. Bah c'est du racisme, mon pauvre. Voilà. Du bœuf bourguignon. Attends, il est maire, adjoint au maire geek. Non, pas adjoint d'Autun. Au maire geek. Le maire geek est le maire d'Autun, la ville où j'ai grandi. Oui, tu me l'avais expliqué. Voilà. Est-ce qu'il vend quelque chose? Il ne vend pas. Ah, d'accord. Il fournit un service? Non, pas vraiment. Il fabrique quelque chose? Non, il fabrique rien. Bon, il est SDF quoi. Non. Comme Malorina Taf. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ouais. Comme en plus d'appeler ça reconversion. Quoi. C'est reconverti dans l'absence de logis. Non, non, non, non, non. On en a un peu parlé, hein. C'est pas si fou en vrai. On en a parlé là. Ouais, un petit peu. Bah il est jongleur. Pas du tout parlé de ça. Je sais pas. Il est dentiste. Il est infirmier. Non, non, non. Dans la politique. Exactement. Ah, il s'est reconverti dans la politique. Bon, Front National. Non. Écolo. Non, alors je n'ai pas vraiment son bord politique. Ah. Je vais le chercher. Mais en tout cas, il s'est porté candidat à la mairie de Beaune. Bourgogne. Voilà, tout simplement. Connu pour ses vins délicieux. Alors, il s'est repris. Alors, je pense qu'il est de droite. Enfin, les célébrités qui sont. Enfin, tu généralement. Sais pas, de l'eau a coulé sous les pontes, hein, c'est rien, peut-être. Je sais pas. Que... Jean Roucas, Front National. Ah oui, non, mais oui. Non, mais oui, oui. Ah bon, je savais même pas. Ouais. Ah, si. Gilbert Montagnier, Sarkozy. Comment il s'appelait ce chanteur? Non, c'était un chanteur. Bah, Bigard. Hein. De là. Putain. Qui avait apporté son soutien à Marine Le Pen, là. Un vieux. Ah oui, oui, qui est dans Casse Départ. J'ai oublié son nom aussi. Ouais, un chanteur je sais plus si c'est un chanteur ou un comédien, je me souviens plus. Non, je crois que c'est un acteur. Je vois. Franck de la Personne. Franck de la Personne. Ah, Franck de la Personne. C'était genre limite le seul. J'avais croisé à Paris. Ah oui d'ailleurs, je le voyais. À une manif. Pas très loin d'ici, sans où on est d'ailleurs. Il aurait eu. Sortait peut-être de chez toi d'ailleurs. Mais Franck de la Personne, ce qui était fou, c'est qu'il avait joué le gros raciste dans 12 films et après il fait je suis vraiment raciste. By the way. Mais après, n'était pas un rôle. Après, il a regretté, il me semble. Il avait dit qu'il avait regretté. Mais c'est parce que sa carrière était finie, du coup. Souvent, mais... les Rostas regrettent. Je me souviens de Faudel et Doc Gynéco qui avaient regretté leur soutien à Sarkozy parce qu'il leur avait dit ça nous a plus coûté que ça nous a apporté. Oui. Quand même, Doc Gynéco avait fini dans la pub Virgin Mobile grâce à ça, je crois. Et en fait, avec Bernard Tapie aussi. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Incroyable. Ouais, mais à l'époque, et Assia de la Starac. Hein? De quoi hein dans C'est beau la vie de... Attends, je vous ai dit que j'avais des anecdotes pourries. La meuf qui chante C'est beau la vie. Et bah c'est Assia qui venait d'une Starac, il me semble. Ah bon? Ah ouais. Alors Mario de la Star Academy. Et qui joue aussi, attention, non, j'approfondis. J'approfondis la référence. Moi je regarde. Il est aussi dans la comédie musicale Cindy Cendrillon 2002. Ah oui, bien sûr. Oh là là, très très belle comédie. Meilleure musicale. Comédie musicale de l'univers. Bien sûr. Ça, je trouve. C'est l'âme, là, l'héroïne, bien sûr. Je vous invite à la regarder sur YouTube. La plus drôle qui existe au monde. Il y a une chanson sur Wii où elle prend de la. Où le showbiz est une drogue un peu. Sur les rêves parties. Oui, voilà. Oui, ils prennent de l'ecstasy. Mais je crois pas que ce soit télé-réalité. De l'ecstasy, ça, je te l'interdis. Exactement. Je crois pas que ce soit télé-réalité, Assia, parce qu'elle faisait des trucs déjà, même avant la, du coup, la télé-réalité. Vous mettez le doute, vous mettez le doute. Parce qu'il y a une meuf de la Stark dans Cindy Sendrillon 2002, et je sais plus si Assia elle venait de là ou si c'était l'autre. Je crois qu'Assia elle faisait déjà des trucs. À approfondir. En tout cas, c'est des gens qui connaissent Charlie et Lulu. Je pense qu'on peut le dire. C'est des oui, gens clairement. Vous aviez, vous aviez vu le crowdfunding qu'ils avaient fait Charlie et Lulu oh là là. Il y a genre 3-4 ans, non, 4-5 ans, un truc comme ça. Charlie et Lulu, ils avaient fait ouais, on va revenir avec le Hit Machine. Et ils avaient ouvert un crowdfunding et ils avaient demandé 1 million d'euros. Bah bien sûr. Et tout mon simplement. Gars, je crois qu'ils ont eu 300 euros. Ah, un non. truc comme ça. Ah, si, je te promets. Bob Lennon aurait pu faire croquer. avec toute la thune qu'il a eu, il aurait pu repayer le Hit Machine. Mais, un ouais. million pour faire le Hit Machine, un ça million. Paraît démesuré, je pense. Et 300 euros me paraît démesuré. Et ouais, non, vraiment, c'était... Et Lulu qui a fait, je sais pas, j'aime dire Lulu au premier degré. Lulu, qui... il y avait, je sais pas si vous connaissez le site Cameo, c'est un site oui. où les guests filment ah, oui, par oui, le téléphone oui. et il y a l'équivalent français, j'ai oublié le nom, et Lulu pouvait bah, enregistrer Thibaut un... c'est ça les bah, Thibaut Thibaut c'est en privé directement depuis son site. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, on m'a déjà proposé de participer à des trucs comme ça, on m'a déjà envoyé des mails pour, ah ouais pour que je fasse des trucs comme ça en fait. Ils appellent tous les has-been en fait. Mais ils te font un devis, ils disent toi tu peux essayer. Moi c'est ça qui me fait qui me rend triste, c'est que tu vois des stars américaines et qui te disent ouais, oh, bah ouais. lui c'est 45 euros, tu fais oh bah merde le pauvre alors qu'il y en a c'est 300. Ouais, ouais, comment ouais. t'estimes le prix de ouais. ça, c'est assez terrible. Ouais, écoute je sais pas. Bah non alors Mario ne représente pas le Front National, il représente une liste libre qui s'appelle 100% Bone. Et malheureusement, il est arrivé en il est arrivé malheureusement en dernière position. Ah non. Est-ce qu'il a choisi la ville uniquement pour un jeu de mots ou Non, mais il est arrivé avec seulement 285 voix et un score de 4,74%. Un coup dur pour l'ancien candidat de la Starac qui faisait de bien meilleurs scores dans l'émission. Coup dur, ah oui, je confesse mon intox sur Assia, je viens de regarder le Wikipédia. Ça dégoûte. En effet, non, d'abord, elle a collaboré en effet avec Arsenic, Doc Gynéco, voilà. Elle était dans la BO de Taxi, et ensuite Luc Plamondon avec Cendrillon 2002, mais pas de passage à la Starac, en effet. Je le rappelle. Une brève nomination au Energy Music Awards, cependant. Tu me plais, mais t'exagères. Et donc, est-ce que vous, à la manière de Mario, vous avez fait des reconversions professionnelles, alors non pas en politique, mais dans votre domaine, que ce soit YouTube ou Twitch, toi Florence par exemple, comment c'est venu à toi de te dire vas-y je lance une chaîne YouTube pour parler de droit ou... Moi c'est venu du fait que je trouvais, en fait moi je me suis lancée dans le droit parce que je comprenais rien en fait au droit, hein, on va pas se mentir, et je me disais c'est dommage, c'est vachement intéressant et tout, on se revient souvent dans l'actualité et tout, et du coup c'est un petit peu ça qui m'a intéressée, et après bah, une fois que je m'y suis lancée, je me suis dit mais en fait les autres personnes qui n'ont pas fait d'études de droit, ils se posent les mêmes questions que moi, donc la chaîne YouTube quoi. Donc tu t'es pas, c'est pas un ras-le-bol du métier d'avant qui t'a motivé, c'était vraiment juste une envie de faire un autre. J'étais en études quand j'ai fait oui, ma c'est chaîne vrai, en fait. Étude. J'étais en études et par contre c'est quand j'ai eu ras-le-bol du droit pendant mes études ouais. que je me suis dit ah peut-être que j'ai plus envie de faire ça à temps plein plutôt que d'être avocate comme je voulais être à la base. Et voilà quoi, donc c'est venu à moi, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces choix artistiques souvent sont aussi motivés par un ras-le-bol de trucs d'avant. Toi, Antoine, tu faisais quoi comme métier avant de te lancer sur YouTube Mais en fait, à l'époque où je me suis lancé sur YouTube, comme tu dis, je me suis pas lancé sur YouTube. À l'époque, je savais même pas que ça pouvait être un métier, parce que ouais. moi, ça fait longtemps, c'était en 2012. Donc à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait vivre de ça. Et il y en avait quelques-uns qui vivaient de ça, et je pense qu'ils se comptaient sur les doigts d'une main. Tu devais avoir Norman, tu devais avoir Cyprien à l'époque, ouais. peut-être Rémi Gaillard, des mecs comme ça, le joueur du grenier, enfin tu vois, des gens très ouais. qui étaient là vraiment il y a très longtemps. Et mais en fait, moi à la base, j'ai fait des études pour devenir ingénieur du son, parce que je faisais de la musique et tout, et j'avais envie de me perfectionner pour mes propres trucs. Et aussi, du coup, j'avais découvert aussi... Le métier de sound designer qui m'intéressait beaucoup. Je voulais faire des petits bruitages pour des jeux vidéo, pour des dessins animés, pour plein de trucs comme ça. Et à l'époque, je trouvais aucun travail à ce niveau-là. Du coup, je faisais des tafs alimentaires à la con. Et à l'époque où j'ai commencé What the Cut, en fait, j'étais opérateur de saisie. C'est-à-dire, je rentrais des trucs dans un Excel toute la journée. Ah oui, d'accord. En fait, je regardais des programmes. En fait, je bossais dans une entreprise qui éditait de la musique. Et en fait, toutes les semaines, ils nous donnaient les programmes télé de toute l'Europe. Et en fait, je devais noter tous les programmes télé de toute l'Europe. Et dès qu'il y avait un programme télé où on savait dans notre base de données qu'il y avait une musique à nous dedans, fallait que je le signale, en fait. Oh là là. Voilà, c'était très emmerdant, très ennuyant. Je crois que personne, en t'entendant, s'est dit « Waouh, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma voix. » Ça y est, je me lance. Voilà. T'étais l'ancêtre des algos YouTube. Qui c'est ça, mais à la main. À la main, un mec... J'étais toi avant. J'étais le pire employé. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire virer. Vraiment, je taffais mal, je taffais peu. Parfois, je n'allais pas au travail. L'employeur le déteste. Découvrez son secret. Vraiment, j'étais le pire employé possible et tout. Et du coup, à côté de ça, j'ai commencé What the Cut. Mais c'était pas du tout un projet du tout à l'époque. C'était vraiment juste pour faire marrer un peu mes potes. Pour faire marrer un peu mes potes, comme j'avais fait plein de vidéos avant avec des amis et tout. Et c'était juste un petit truc en plus comme ça. Et vu que ça avait un peu plu, j'ai décidé d'un peu continuer. Et j'ai trop continué, en fait, je pense. Et voilà, quoi. Ouais, ça allait crescendo, en fait, c'est ça. Ça allait crescendo. Et c'est vraiment, j'estime vraiment que c'est arrivé un peu par accident. Et après, tant mieux, parce que je suis infiniment plus heureux maintenant qu'à l'époque, tu vois. Mais. Ça te manque pas la saisir. Mais de temps en temps, tu fais un hobby. Dis-toi qu'en 2013, à l'époque où What the Cut, ça avait vraiment explosé, que je vivais full de ma chaîne YouTube, j'avais reçu une lettre de mon ancien employeur qui faisait ça, qui était en mode si vous ne faites rien cet été, est-ce que ça vous dirait pas de revenir faire un peu de saisie pour nous, juste les deux mois de l'été, si vous ne partez pas en vacances et tout. Et du coup, j'ai pas répondu, bien sûr. Ouais, mais moi, je reçois encore des trucs de McDo. J'ai bossé à McDo et ils m'envoient encore des trucs genre là, Cadet, ils cherchent. Hein, parce que je me suis pas désinscrit. Ouais, McDo, c'est des trucs automatiques. Je pense qu'ils envoient à tout leur monde. Mais pareil, mon LinkedIn je m'étais inscrit sur LinkedIn en 2011-2012 et mon profil de l'époque n'a absolument pas changé. Je suis tombé dessus, t'as toujours un opérateur de saisie dessus. En fait, je suis opérateur de saisie depuis 8 ans, selon LinkedIn. C'est pour ça qu'on te rappelle. C'est pour ça que les mecs te rappellent. Ils disent personne n'est assis. Ça doit être mec est un fichier Excel vivant. Mais du coup, voilà, ouais. Trop bien. Et toi, MV, toi, tu faisais quoi avant? Moi, c'était compliqué. Moi, j'ai arrêté ma scolarité très tôt pour divers problèmes. Donc, j'ai eu plein de boulot un peu galère, quoi. Mais je faisais déjà un boulot artistique avant. C'est-à-dire, j'avais créé ma boîte et j'ai fait de la bande son pour des jeux vidéo. Et, donc, Crazy Frog Racing. Donc, c'est Crazy Frog Racer sur Game Boy Advance. Ouais. Tout à fait, avec le pire outil de tous les temps. Un outil pour faire des musiques à la base sur Nintendo 64, c'était un cauchemar. Et j'ai fait une trentaine de jeux mobiles, jeux console portable, PC, etc. Et ensuite, j'ai eu une couille dans ma vie, j'ai perdu tous mes clients du jour au lendemain. D'accord. Donc j'ai repris des boulots, enfin je faisais encore de la musique sur le côté, mais je faisais des boulots, donc j'ai surtout fait des boulots avec les enfants, animateurs, centres aérés, surveillance, etc. Comme Adrien Méniel, ça aide beaucoup pour le stream parce que c'est exactement pareil. Putain, oui, très bonne analogie. Les viewers, c'est une classe de CE2 qui est en hyperglycémie et qui se chie un peu dessus. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait dans le truc style saisie administratif chiant, j'ai bossé au siège social de ADA, location de véhicules. Énorme. Personne t'a dit ça. J'étais arrivé pour faire une petite mission d'un mois pour classer les dossiers aux sinistres, donc les gens qui ont les accidents, etc., etc. Et finalement, du jour au lendemain, énorme plan cul, on m'a dit « Ouais, la personne qui s'occupe des PV, contraventions, machin, se barre, est-ce que tu veux pas prendre son poste ? On peut te garder longtemps. » Et j'ai compris pourquoi après. Et en gros, ce taf-là, ça consistait à recevoir tous les premiers du mois 4 sacs postaux énormes remplis de PV, de contraventions, d'amendements et de convocations au tribunal. Ah oui. Et de retracer qui avait loué les véhicules à ce moment-là. Mais c'est le petit surplus de 40 euros quand tu te fais flasher avec une voiture. Tu faisais un travail de poucave, quoi. C'est finalement. Ça, et d'aller voir les gendarmes et compagnie. Et en fait, moi, je le tenais très mal. À l'époque, je me souviens, j'ai ramené FIFA 98 ou je sais plus quoi, quelle époque c'était, mais où tu pouvais jouer directement sur le CD sans l'installer. Je prenais des pause clubs toutes les deux secondes. Mais moi, c'était pareil, les pause clubs, mais alors, vraiment, j'étais le pire employé, je t'ai. Il y avait un pote à moi qui avait fait ce taf-là avant aussi, et donc qui est venu m'aider parce que c'était trop la merde, en fait. Normalement, c'était un taf pour deux et j'étais seul. Et je me souviens, il y a une histoire, maintenant, c'est dans le passé. Mais je me souviens que mon dernier jour, on avait un petit peu vidé un sac postal dans les poubelles. Le taf est fait, ne vous inquiétez pas. Et la personne qui a pris après a dû se retrouver avec beaucoup d'amendements. Mais moi, je me souviens que dans mon ancien taf, l'opération de saisie, édition musicale, tout ça, parfois les programmes n'étaient. On n'était plus trop sûr. Mais du coup, il fallait que je vérifie manuellement au générique des films ou des séries ou des documentaires si. si il y avait vraiment le nom du compositeur qu'on avait chez nous en fait. Ouais. Et le truc c'est que il y avait beaucoup de films porno. Du coup, à mon travail, il me forçait à mater des films porno, vraiment régulièrement. On devait aller... Violence mais non, psychologique. Mais même, non, c'était. Bon, tu dis la chance. Non. Voilà, mais en vrai, c'était relou de ouf. Le matin, 8h, j'avoue. Ouais, non, mais vraiment, cool, c'est ça. Genre, tu vas dans la pièce vidéo, tu mates un porn, tu zappes jusqu'au générique. Elle est où la musique là? Mais voilà, c'était vraiment ça quoi. C'était. Vraiment... Ouais, j'ai dû faire ça. Ouais. Adrien, donc toi, ouais, t'as bossé aussi en centre aéré? Ouais, moi c'était. C'était en même temps que mes études. Parce que moi j'ai une maîtrise. Enfin, je pense que je l'ai parce que je suis jamais allé chercher les résultats de. Normalement, j'ai. Il a toujours dit qu'il l'avait. Il est pas sûr. Une maîtrise sciences et techniques audiovisuelles et multimédia. Mais c'était surtout un truc où t'apprenais, en plus c'était il y a longtemps, donc c'était t'apprenais à faire des sites internet, des trucs en flash et tout. Ouais. Et en fait, j'avais pas envie de faire ça en fait. Du coup, j'avais été animateur de centre de loisirs pendant cette période-là. J'avais fait semblant pour mon soutien, parce qu'il y avait un. On devait faire un stage, je sais plus quelle année. Et il fallait ensuite prouver qu'on avait fait un stage. Donc j'avais fait semblant de faire un stage. J'avais escroqué. Ah oui. on était vraiment les pires employés. Ouais, ouais, ouais. Il y avait deux stages et les deux. Il y en avait un, j'ai fait semblant de le faire dans la boîte d'un pote. J'ai dit non, mais je vais faire son site internet. J'ai fait son site en 3 jours et après j'ai rien foutu. Et après, il fallait soutenir son truc, c'est-à-dire le présenter et tout. Donc j'étais voilà, avec l'employeur, je fais ça alors que j'ai jamais foutu les pieds nulle part. Donc j'ai fait ça, j'ai fait donc animateur de son de loisirs pendant 4 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, genre la crèche, enfin, j'ai fait tous les âges. Ouais. Est-ce que ça te plaisait ça ou pas, animateur? Franchement, ouais, ça me plaisait, ouais. Quoi. Ah, c'est En fait, le truc. Je moi, pense que c'est cool ça comme métier. Ce qui m'a plu en fait, c'est que moi, j'ai toujours été assez introverti, disons. Pas forcément très ouvert sur les gens et pas forcément très à l'aise. Et en fait, d'être avec des enfants, c'est vraiment le truc, la relation humaine vraiment brute, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont sans filtre, ils s'en foutent de tes sentiments, à peu près, quoi, plus ou moins. Et du coup, il y a vraiment un truc où t'es obligé de leur parler. Et donc, il y avait un truc, ça m'a vachement libéré sur plein de trucs. Ouais, en fait. Moi, j'étais très misanthrope, un peu nihiliste, un peu la totale, quoi. Et clairement, ouais, c'est une amie à moi qui m'a dit viens bosser avec moi avec les gamins, ça va te faire du bien. Et clairement, la fraîcheur, l'innocence de tous ces gens et l'amour, comment dire, pas forcément l'amour, mais comment dire, vraiment la confiance et la reconnaissance directe que t'as, sans filtre, quoi. C'est quelque chose qui m'a aidé à beaucoup me réouvrir et me détendre un peu sur plein de choses. En fait, t'es plus centré sur toi-même, quoi. Ne serait-ce que de t'occuper de quelqu'un d'autre, c'est cool, quoi. Et puis même, il y a aussi ce truc où, enfin, moi, j'étais beaucoup plus timide à l'époque, et il y a un truc où tu dois faire des spectacles devant les enfants et tout. Et il y a vraiment, je me souviens, j'ai toujours ce moment où j'étais vraiment, donc je vais pas dire les coulisses parce que c'était mais j'étais vraiment dans le couloir du truc, le Joker avec une clope dans le carré VIP. Non, mais tu sais, t'as 300 gosses qui sont donc sur la butte. Ah oui, gros centre aéré quand même. Oui, 300 gosses, c'était vraiment un gros truc, quoi. Passe de loisirs. Ouais, c'est ça. Et ils pas sont, la peine de te la péter comme ça. Moi j'ai joué devant 300 gosses. Ouais, 300 personnes, un public assez difficile. Et donc à attendre que mon entrée en scène entre guillemets, est vraiment en train de me dire faut que tu ailles à fond parce que si tu vas à moitié, tu vas te chier dessus et ça va être horrible, quoi. Comme les gamins du premier rang d'ailleurs. Non, mais et je me souviens c'est une sorte de déclic en fait, puisque bon, maintenant c'est mon métier de jouer à la comédie quand j'ai du taf. non, et il y a eu vraiment ce truc où ça m'a aidé aussi à ce niveau là, quoi. Et puis ensuite, du coup, comme je disais, moi je faisais des études de multimédia. Ça me plaisait pas, du coup, et je m'étais mis beaucoup à dessiner, enfin, je m'étais remis à dessiner beaucoup. Donc, moi, pendant 7 ans, j'étais illustrateur et auteur de bande dessinée. Ouais. Et puis après, Golden Moustache, via Vine, puisqu'on. Première fois. Mais moi, la première fois que je t'ai vu, Adrien, ever, mais j'ai connecté, mais des années plus tard, c'était dans les vidéos des gars en t-shirt. Ah ouais, ça c'était bien, c'est 15 ans avant, je crois. C'était des stars de Dailymotion, mais vraiment des. Genre, moi j'étais ultra fan, le cintre. Merde, comment il s'appelait? Sid Marcus. Sid Marcus, putain, extraordinaire. Et j'avais jamais capté que c'était toi. Et c'est Aurélien Prévost. Bien sûr, qui en fait partie. Ouais. Extraordinaire. Avec son frère. Et ça, j'ai capté ça beaucoup plus tard, quoi. C'était vraiment des putains de de grosses restas pour ceux qui regardaient des vidéos sur internet et tout. Ils faisaient des petits courts-métrages qui étaient excellents et t'étais dedans. C'est vrai, ouais, j'avais joué là-dedans, mais vraiment 15 ans avant de. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer que je ferais ce métier-là, quoi. Et donc voilà, et via Vine, je fais des Vines parce que je suis en train de déprimer chez moi et j'ai pas de travail en tant qu'illustrateur. Et du coup, je suis repéré comme ça via Golden et puis après, voilà, quoi. Il y a un peu ça, il y a un peu s'occuper aussi. C'est vrai que ça, c'est aussi un moteur à un moment de toute façon, je n'ai rien à faire. Donc autant faire ce truc qui n'a pas l'air d'être un vrai métier. Mais c'était pas du tout. Je me suis jamais dit, je vais peut-être me faire repérer. Enfin, il n'y avait aucune ambition. C'est vraiment, je m'ennuie. Mais c'était pareil. Je m'ennuie. Pareil, je pensais pas du tout. Ouais, je m'ennuyais vraiment. J'étais assez malheureux. Mais comme beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, c'est très rare les gens qui disent, ouais, j'avais tout calculé. Je fais ma chaîne et tout. Ça arrive. Peut-être plus aujourd'hui. Voilà, peut-être plus aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était plus naissant, tu vois. C'est ça, ouais. Tu peux essayer d'avoir un business plan maintenant. Mais ouais, pareil, moi, Twitch, quand je me lance, je crois que je suis le deuxième partenaire français le deuxième français à devenir partenaire rémunéré de Twitch. Quel lieu le premier Twitch? Je sais plus si c'était avec Kilou ou Bob Lennon ou ta Bob Show, bref, du coup. Bref, oui. Et bref, ouais, et en plus, je l'ai eu quand je streamais encore moitié américain, moitié français. Enfin, moitié anglais, moitié français. Et donc, oui, c'était très tôt. Et bon, bah, moi, oui, la musique, c'est venu comme ça aussi. C'est-à-dire, je pouvais faire mon taf le minimum et vraiment faire 15 heures par jour en mode. J'étais très procrastinateur, sauf quand c'était les hobbies de branleur. Ouais, bien sûr. Et mes hobbies de branleur sont devenus mes deux métiers, donc j'ai pas mal de chance. Mais oui, c'était comment dire, inenvisageable de faire de l'argent avec Twitch à l'époque. Maintenant, évidemment, c'est à mon avis. Une des motivations qui peuvent lancer les nouveaux aussi. On voit des modèles de succès comme on les a vus sur YouTube quelques années avant. Mais oui, c'était inenvisageable et c'est cool, quoi. Mais c'est à ça que sert aussi un peu la fac, j'ai l'impression. J'avais fait une fac de ciné et en vrai, ça m'a pas appris un milliard de trucs. Je pense que ça a ouvert un peu ma curiosité à des cinémas, mais ça m'a pas apporté énormément de bagages. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est un groupe, en fait. Je pense qu'on peut se passer de l'expérience de la fac, l'expérience du lycée, tout ça, mais c'est important de retrouver cette expérience de groupe avec des gens qui ont la même passion que toi. Et c'est vrai que moi, la fac m'a beaucoup apporté ça, d'avoir plein de gens qui ont pas forcément fait ces carrières là mais qui en cours partagent un peu ta passion. T'étais vraiment dans cette bulle là parce que quand t'étais au lycée avant, bah tu pouvais avoir peut-être un pote qui avait plus ou moins la même passion que toi et le reste c'était pas spécialement le cas aussi, c'est je ça. Pense tu vois. Ça, là, il y a un peu un truc, genre on s'est tous retrouvés, et ça m'a fait ça aussi à Golden Moustache après. Genre on se retrouve avec un kiff qu'on partage tous, et c'est marrant, pour revenir sur s'occuper d'enfants, alors moi j'ai pas mon BAFA, j'ai rien, donc j'ai jamais fait ça. Moi non plus. moi non plus. J'étais toujours le quota, en fait t'as les diplômés BAFA, t'as les stagiaires BAFA, et t'as le droit à un quota de non-BAFA. Donc moi j'ai jamais passé le BAFA. Mais moi il mettait la pression. T'étais obligé d'avoir le BAFA pour les enfants, je crois que t'étais obligé d'avoir. Non, t'es pas obligé. Mais moi il mettait la pression au bout d'un moment pour que je le passe, moi parce aussi, que je pense qu'il voulait peut-être y payer moins, j'en sais rien. Mais moi, il me disait, ouais, faudra que tu le passes et tout. Je dis, ouais. Moi, j'avais pensé à une époque le passer, c'est un des trucs qui m'intéressait un peu. Les non-BAFA étaient moins bien payés, c'est selon les mairies après la rémunération, mais voilà. Bref, quand il y a beaucoup d'animateurs, il y a le droit d'avoir des non-BAFA. Bah, sachez-le. Moi, je me suis pas occupé d'enfants, mais par contre, ce qui m'a aidé aussi, parce que moi, pareil, j'étais un peu timide et j'avais pas énormément de potes, et je me faisais plutôt tabasser au collège. Je comprends pourquoi. Pas plutôt, tu te faisais entièrement tabasser. Entièrement tabasser. moi j'ai bossé à la SPA en tant que bénévole. Alors j'étais vraiment plus jeune, j'étais vraiment ado, mais ça m'a beaucoup aidé. En fait, je voulais un chien et mes parents m'ont dit bah, c'est hors de question. Et ils ont été malins, ils m'ont dit, parce que quand t'es ado, t'as envie de répondre jusqu'à ce que t'aies raison. Et ils m'ont dit, moi je veux un chien. Ils m'ont dit, t'en auras pas, si tu veux vraiment t'occuper de chien, et bah t'iras à la SPA. Et je fais, ah ouais, et bah aucun problème. Et j'y ai bossé pendant. Pendant 5 ans. Ah oui. T'as vraiment voulu montrer à tes parents. Non, après j'ai bien aimé. Mais voilà, je me suis occupé de chien. Oui, mais effet inverse, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à avoir un chien du coup. Parce que j'ai vécu ce truc de m'occuper de plein de chiens en même temps, de leur trouver des maisons. J'ai vu aussi la patronne de la SPA engueuler systématiquement les gens qui venaient laisser leurs chiens. Parce qu'en fait, on pense aux chiens qui se font abandonner dans la rue, qui se font attacher à des arbres. Mais systématiquement, ils se font gronder. Ouais. Systématiquement, ceux qui y vont, parce qu'il y en a qui veulent y aller en pensant et faire quelque chose de bien, ils se rendent pas compte, ils viennent en disant voilà, ma mère est morte et j'ai été rite de son chien et moi ma femme elle est allergique donc je vous l'amène à vous. Donc eux ils pensent faire quelque chose de bien, mais quand même à chaque fois il y avait la patronne qui faisait oui bah vous abandonnez une bête, qui le fume en disant mais pas par gratuité mais juste en espérant que la personne dise allez ok je le garde, vous avez raison je le garde. Oui bien sûr, mais après s'il peut vraiment pas, peut-être, enfin moi j'en sais rien, j'y connais pas assez, mais peut-être vaut-il mieux qu'il le laisse en SPA plutôt qu'il l'abandonne en nature. C'est sûr. Mais bon, bref, nous on s'est occupé de beaucoup de chiens et c'est vrai que ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté aussi. Alors c'était complètement bénévole, moi j'étais mineur donc je pouvais pas être payé, Et puis je faisais pas ça pour ça de toute façon, mais c'était vraiment cool aussi, ouais, effectivement, pour développer. Moi, ça m'a appris de me lever, c'est con, hein, mais de me lever tous les matins et d'avoir une espèce d'activité systématique. Et, ouais. Et ça m'a, je suis sûr qu'aujourd'hui, si j'arrive à me lever pour taffer dans complètement autre chose, c'est un peu lié à ça en fait, d'avoir une espèce de routine de travail. Putain, mine de rien. Moi, c'est une cata à ce niveau-là. Mais même quand j'avais mon taf normal, on va dire, parfois j'y allais sans avoir dormi de la nuit en fait. Ouais. Moi, je me souviens vraiment de la fois où il m'a dit que c'était parce que j'ai passé l'entretien d'embauche. Il m'avait dit, en fait, il m'a appelé, j'avais fait une nuit blanche. Il m'avait appelé à 7h du mat en me disant, c'est bon, vous êtes engagé. Je fais, ah cool, est-ce que vous pouvez venir je fais quand? Maintenant. Mais ça c'est fou, moi ce serait hors de question. Je bah, non. Non, j'allais pas dire non, tu vois. Ouais, du coup j'ai fait oui. Et je me souviens de cette première journée où tu te sens dégueulasse, c'est horrible. En plus tu dois apprendre des trucs que tu vas retenir pour les prochains mois en fait, tu vois. Alors, ça c'est Philippe, Martine. Donc quand t'appuies sur ce bouton là, normalement ça valide le truc et tout. Oh putain, mais j'ai envie de crever en fait. Moi je m'étais fait des lundis au taf, comment dire, mode after quoi, after soirée. c'était un peu tendu. Encore sous exta. non, ça va, mais ouais, compliqué. Mais moi pareil, enfin, bah, justement, déscolarisé tôt, j'ai toujours vécu la nuit. Ouais. Et en fait, c'est terrible parce que les rares fois où je suis éveillé en journée, je suis archi productif. Mais j'adore ça. Mais ça n'arrive pas parce que. Vive la journée, j'adore ça. Quand je suis réveillé en journée, c'est que je suis décalé en fait. D'accord. Ça ne tient pas longtemps. Sauf en vacances. Parce que j'ai plus aucun lien. On est vraiment en mode famille, mère, et il n'y a plus de téléphone. Vas-y, je dis nique tout. Ouais. Et là, c'est beaucoup plus facile. Quoi. Depuis toujours, j'ai eu des troubles du sommeil. Vraiment depuis toujours. Ouais. Mais en fait, j'adore vivre de journée, j'adore avoir un rythme un peu normal, c'est-à-dire me lever 9h ou jusqu'à 10, enfin peut-être 10h, trucs comme ça, et me coucher à minuit, trucs comme ça, ça va, j'aime beaucoup, mais je n'y arrive juste pas en fait, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas. Enfin bref. Voilà. Moi j'ai eu pas mal de. Bah, à l'époque de Golden Moustache, où on t'a fait quand même vraiment beaucoup. Il m'arrivait aussi de faire des nuits blanches et de taffer la nuit et tout, mais. À l'inverse, je me trouvais plus productif la nuit, moi, quand même. La nuit, en fait, il y avait ce truc où t'es pas. Bah, déjà, le téléphone sonne pas, enfin, ou vibre pas, personne t'appelle la nuit, et tout est fermé. Donc, moi, je suis très tenté la journée de me dire, genre, je vais me faire un petit domac ou un petit sandwich et machin, et d'un coup, tu te poses et tu bookines et tu machin. La nuit, moi, je. Même les réseaux sociaux, tu scrolles vers le haut, il y a rien qui se met à jour, quoi. Donc en fait, je révisais la nuit. Bah, je suis. Ouais, voilà, c'est ça. Quand j'étais full, je suis beaucoup d'Américains, donc les réseaux sociaux. Ouais, ça prend le relais. Ouais, voilà. Quand j'étais full musique, ouais, la nuit, ça marchait très très bien. En général, j'avais le pic d'inspiration qui arrivait vers 3-4 heures du mat, et je commençais, voilà, etc. C'était bien. Et puis moi, j'adore me coucher quand le soleil se lève. Il y a des gens qui détestent ça. Je déteste ça. Ah ouais. Mais ça m'arrive très souvent. Mais je hais ma vie. Mais non, mais en fait, je n'arrive pas. En fait, je sais pas pourquoi je crains d'aller me coucher. En fait, j'aime beaucoup dormir, mais j'aime pas le moment d'aller dormir, en fait. Je sais pas comment dire. Oui, pareil. Je sais pas pourquoi ça m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça touche plein de gens, ça. C'est un truc qui m'angoisse. Il doit y avoir des raisons que je ne sais pas, tu vois. Mais ouais, ça m'angoisse beaucoup d'aller dormir, en fait. Ouais, moi, je m'en foutais totalement à l'époque, mais maintenant que je suis papa et tout. Oui. Voilà, je te demander, est-ce que ça t'impose pas un rythme, ça? Bah, ça m'impose que je vais crever dans 5 ans. Non. Non, mais en gros, ouais. Là, vu que mes problèmes d'insomnie reviennent, du coup, je fais le lever de la petite le matin jusqu'à ce qu'elle parte à l'école avec maman, parce que elle est rentrée en maternelle, machin. Et tu dors quand elle est là-bas. Et ensuite, voilà, quand elle est là-bas, je tape ma sieste et compagnie. Mais ouais, heureusement, maman est compréhensive. Mais du coup, ouais, je dors pas trop, tu vois. Genre, et là, dimanche, hier soir, j'ai dit non, vas-y, je live pas, parce que vraiment, là, je commence à vraiment tirer sur la corde. Et j'ai fait. Je me suis dit, c'est cool, je live pas, je vais faire une vraie nuit. Je me suis couché à 5h du mat comme un connard. Connard. Voilà. Mais en plus pour procrastiner à mort. Enfin, c'est toujours. Mais tu le détestes après. Ouais. C'est vraiment un sentiment, c'est un cercle vicieux de détestation de soi-même terrible. Je sais les tâches que j'ai à faire, mais si c'est la nuit, je vais procrastiner beaucoup plus que si j'avais été en journée. Et là, en journée, je peux enchaîner les tâches. Mais est-ce que t'as un rythme, t'es calé sur certaines heures, parce que quand t'étais au lycée ou dans une chose, tu sais qu'à quelle heure il faut que tu fasses telle chose et machin. Et moi, je me décale aussi. mais je me remets plus vite en temps normal parce qu'en fait moi je déprime mais à une vitesse en fait si je me si je me couche 5 heures du matin 3 heures de suite je me tape vraiment la déprime pendant une semaine et demie parce que mais c'est peut-être le manque de soleil et tout ça joue vraiment pour de vrai Sûr. Et puis tu fais jamais des nuits de malade non plus parce que si tu te couches à 5 heures c'est rare que tu te lèves à 15 heures tu vois tu te lèves à midi 13 heures tu fais pas des nuits aussi longues que si tu enfin tu vois si t'avais une vie plus réglée sur puis t'as les voisins qui font leur vie depuis 8 heures aussi donc ça c'est clair. Oui, bah ici, il y a des travaux dès 8h30. Donc, de toute façon, de base, tu peux pas te coucher très tard parce que ça te régule, ta life. Alors, on reprend le jeu du coup. Allez. Quelle star de la ZIC début 2000 a teasé son retour début septembre sur Twitter ? Star de la ZIC début 2000. Début 2000, c'est un peu mes trucs. Quand il a teasé ça ? En fait, il l'a teasé en début d'année, mais il a fait un teasing en septembre. Est-ce que c'est Ménélique ? Non, c'est un homme. Est-ce que c'est celui qui avait annoncé sa tournée ? Il a dû l'annuler. Non, ça c'est Kinvé, ça. Et ça, c'est triste. En vrai, c'est super triste. Mais en vrai, c'est vraiment triste pour de vrai. Pour non, mais t'avais pour vu moi, ce... c'est plus de sa gueule. T'avais vu ce truc Oui, oui, il a dû annuler. Il fait une... Moi, ça m'avait un peu brisé le cœur. Moi, en ce vrai. Qui m'a brisé le cœur, en fait, pour resituer, donc c'est Kinvé qui a dû annuler parce qu'il ne remplissait pas assez. Ah oui, le Et ce qui est terrible pour lui, c'est qu'un mois après, coronavirus, qui aurait été la parfaite excuse pour dire qu'on peut tout annuler. Et le pauvre, il a été honnête, il fait bah voilà, ça remplit plus et machin. Alors, il y a un Covid. Putain, c'est con. C'était le Covid en fait. C'était un prank. C'était le Covid. En fait, c'est pour ça que ça cartonne. J'avais des infos un peu avant. C'est pour ça que les gens. C'est comme quand tu démissionnes de ton taf et qu'un mois après, il y avait un plan où tout le monde pouvait se barrer avec du pognon. Mais c'était l'excuse de Rof aussi. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, il était même devenu un TT Twitter. Rof, ses albums ne se vendaient pas. Il avait dit c'est à cause de la neige. Il avait dit il y a de la neige partout en France donc les gens ne vont pas acheter l'album et donc du coup tout le monde se fout d'ailleurs en disant avec le hashtag à cause de la neige. Je m'en souviens pas. Alors attends, une star, est-ce que c'était un rappeur? Pas du tout. Est-ce que c'est lié à la télé-réalité ou pas du tout? Pas du tout. Ah merde. Non mais c'est bon, on va trouver. Est-ce que c'est un français? Oui, français. Tu non, pas français. Pas français. Américain? James Blunt? Pas vraiment. A-t-il vraiment une nationalité? Quoi? Ah oui, bah j'élargis. Wow. Crazy Frog, bah Crazy Frog. Mais c'est Crazy Frog. Oh bien sûr, putain. Bien sûr, il a reteasé. Il me follow sur Twitter. Ah mais oui, j'avais vu un post. Alors voilà. Toi, il te follow sur Twitter. Toi, t'as fait la zig pour son jeu, ouais. Mais il y a un truc. Connexion Crazy Frog. Ouais. Il te follow sur Twitter parce que tu lui as répondu à un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est des gens qui l'ont pas vu. Est-ce que tu peux dire ce que t'as Je me rappelle plus. Parce que je peux raconter. Il y a une période où je répondais quasiment à tous ces tweets. mais vas-y, si tu t'en rappelles. C'était un truc avec tes parents. Oui, vas-y. Je crois l'avoir vu. Il me semble quelque c'est chose. En gros, j'espère rendre hommage au tweet. Attends, je peux essayer de le retrouver si tu veux. Vas-y. Bah, du coup, je me tourne vers toi, MV, parce que donc c'est de notoriété publique maintenant. Tu as fait la musique de Crazy Frog Dressy. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça t'est tombé dessus? En fait, c'est il était fan à la base. non, c'est un développeur, enfin une boîte de. Alors ouais, en fait l'anecdote est riche. En gros, c'est une boîte allemande qui faisait jeux là et c'est le traditionnel jeu de commande. Et j'ai fait pas mal de jeux de commande avec eux, donc c'est des boîtes qui font des dessins animés, des films ou n'importe quoi, qui vont voir des petites boîtes indées de jeux vidéo comme ça et qui leur disent bon bah voilà, on a besoin d'un jeu vidéo, vous avez déjà fait des trucs. On vous file de la thune et vous faites ça. Donc ouais, c'est vraiment un jeu de commande où en gros moi j'ai rien vu, j'ai pas de screenshot, j'ai pas de gameplay, j'ai rien du tout. À l'époque on pouvait pas encore importer ce qu'on appelle des mods. En gros moi je fais du tracker dans la musique et en gros il y avait pas encore ces moteurs pour importer les fichiers de musique où j'étais à l'aise. Donc j'ai dû composer avec un moteur à la base pour faire des musiques sur Nintendo 64 où c'était horrible. Bref, où il faut donner des pourcentages de priorité aux instruments, genre c'est-à-dire ben la basse est prioritaire sur la caisse claire qui est prioritaire sur les cordes. Mais en pourcentage parce que si jamais il y a le bruit de moteur plus le bruit de power up, ben, à ce moment-là c'est la basse qui reste et machin bref, le tout avec un moteur hyper instable. C'était à toi de faire ça. C'était à toi de décider la priorité. C'était à moi de donner les priorités. C'est étonnant, ça aurait plutôt été à l'ingé son en fait. De faire ouais, ça. Mais bon, bref, c'était un truc qui était fait comme ça, c'est fait par Factor 5 qui existe encore. Et donc, cette boîte-là. Qui font Assassin's Creed maintenant. Voilà, faisait des jeux pourris. Et donc, en gros, ils me contactaient souvent avec ce genre de deal un peu nul. Ce qui était pas si mal payé en vrai à l'époque. Genre, une bande-son de 12-15 minutes, c'était genre 4 000 €, un truc comme ça. En sachant que nous, on était avec un peu le crew badass des. les musiciens de indé slash console portable et compagnie. Vous aviez des blousons de cuir. Voilà, c'est ça. Non, mais avec des gens qui ont pas mal percé dans le milieu depuis. Hein. Ouais. Y a des gens qui font des bandes son de Call of Duty, de Shovel Knight et compagnie. Enfin, bref, de plein de jeux. et du coup, c'est rigolo parce que nous, on faisait les trolls et on faisait des compétitions timées de musique tous les soirs, toutes les nuits sur IRC. Et en gros. Tu l'as refait tout récemment, ça. Oui, j'en refais assez souvent. Mais en gros, c'était rigolo parce qu'on se disait 24 heures avant, oh merde, ma bande son. Alors qu'on avait 3 semaines pour la faire et on enchaînait, on faisait ça. Donc c'était comme ça que c'est fait. Et pour l'anecdote, le jeu Crazy Frog Racer, aussi nul soit-il, parce que c'est une daube, un des programmeurs, c'est Manfred Trenz. Et Manfred Trenz, c'est un programmeur un peu mythique parce que c'est lui qui a fait Turrican. À l'époque, Turrican, qui est une légende du Commodore, Amiga. Je ne connais pas du tout l'histoire. Bah, Turrican, qui a refait surface, là, justement, dans des récentes annonces, ils ressortent un Turrican. Je ne connais pas du tout. Et Turrican, bah, en gros, pour faire vraiment une comparaison un peu médiocre, mais bon, c'est un peu c'est comme Megaman à l'époque de la NES, quoi. C'était vraiment le premier jeu d'action platformer qui n'était pas dégueulasse, quoi. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est vraiment une grosse licence. Et voilà, c'était rigolo. Il était dans cette boîte allemande qui faisait des jeux de commandes dégueulasses. Et donc, bref, j'ai fait quelques jeux avec eux, dont certains annulés. Et des jeux vraiment bizarres. Genre, il y avait un jeu, c'était sur une série allemande basée sur un indien d'Amérique qui s'appelait Winnetou, je crois, qui a été annulé. Un truc bizarre qui était sorti qu'en Allemagne. Bon, voilà. Ils venaient me voir avec des trucs bizarres comme ça, mais bon, il fallait, bah oui, fallait manger. Le jeu Crazy Frog Racing où il n'y a pas Bem Bem, Axel F, quand même. Et bah même oui, ah ouais, bah, les on droits. On n'avait pas les droits. Ouais, sinon, ça, j'aurais volontiers fait un remix d'Axel F. C'est étonnant qu'ils aient pas les droits alors qu'ils avaient les droits de Crazy Frog. Oui, mais ouais, c'est Crazy Frog, c'est une création originale, tandis que Axel F, ça a dû être négocié. Seb Lafrite qui a fait une vidéo sur Crazy Frog, qui explique toute l'histoire de Crazy Frog et comment c'est très intéressant, je trouve. Bah, il y avait cette phrase qu'Adrien nous disait, on en avait parlé dans le podcast. Lui, il le dit pas dans sa vidéo, parce que mon truc préféré de Crazy Frog. Je t'en prie. Bah, c'est que en gros, on voit sa tub. Non, c'est ça, non, mais en fait, le truc, c'est à la base le personnage au repos, parce que l'érection en fait, elle fait 1m20. Non, mais à la base, le personnage il s'appelle The Annoying Thing, donc la chose énervante. Et ensuite, ils l'ont rebaptisé, enfin, ils ont racheté les droits et ils l'ont rebaptisé Crazy Frog. Et le créateur original du personnage a dit je déteste ce nom, ça n'est pas une grenouille et elle n'est pas particulièrement folle. C'est sur le Wikipédia de Crazy Frog et c'est la meilleure phrase, je trouve. Et du coup, j'ai cru comprendre que tu avais retrouvé le tweet. Alors, je pense que j'ai retrouvé le a priori, donc parce qu'il avait dit quel est votre morceau préféré de moi. Donc c'est Crazy Frog qui parle. Je traduis parce que c'est en anglais. Bien sûr. Et je dis oh mon Dieu, c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère, mais ils sont morts tous les deux, donc je dirais Crazy Frog in the house. Pas mal. Très bonne chanson. C'est une chanson, c'est un remix reggaeton du générique de K2000 avec Crazy Frog et un chanteur de reggaeton qui fait Crazy Frog in the house. Et après ça fait bim bim. Tu vas la mettre. Je vous propose d'en écouter quelques secondes parce que bon. Ah oui. Non, bah oui. Et on peut le dire, c'est Xavier qui a composé cette chanson. Voilà. J'aurais bien aimé. Peut-être payer plus que 4000 balles. Elle est à 430 millions de vues sur. What? Putain, là-bas. Ah oui, ouais, mais là, Crazy Frog, à part Axel F, j'avais lâché. Mais Axel F, ça a pas genre plus d'un milliard de vues sur alors, YouTube. Alors, Axel F est à 2,3 milliards de vues. Ah ouais. Okay. Prends ça, Psy. Ah, Psy, il va pas dormir là. Mais là il y a un regain à fond de Crazy Frog là. Je vois il y a plein de mèmes Crazy Frog et tout là. Ça Je passe à côté complètement. Là il se présente à la mairie de Beaune hein. Je le dis. Le truc c'est que moi tout, enfin c'est peut-être un. Bah on va sortir de la Synth Wave, donc on va progressivement arriver vers Crazy Frog. De la Crazy Frog Wave. C'est ça. Ouais, avec Freeze Corleone qui se fait cancel là, il y a Crazy Frog qui va pouvoir prendre un petit. Bah, là, c'est organisé. Il y a une case à prendre. C'est Darmanin qui a décidé de. Grand fan de Crazy. Ah bah oui, bah oui. On continue avec des personnalités, j'ai envie de dire. Quel costume risque de s'arracher à Halloween cette année? En tout cas, les magasins de costumes sont prêts à parier que c'est celui-là. Le Covid. Ouais. Didier Raoult. Ah, très, très bien. Ah, et oui, c'est le Didier costume Raoult. De Didier Raoult. T'as pas douté, en disant parce que je suis fan. C'est ton Crazy Frog. Je suis fan de Didier Raoult. De la Raoult Wave. Bien avant la vague Didier Covid. Raoult Tracy. Depuis 2015. Je suis ses travaux à Marseille depuis un petit bout de temps. Bah, on écoute d'ailleurs quelqu'un qui travaille à Marseille et qui, ring, va, ding, ding, qui, ding. Va, non, qui va nous en parler. Tu vas streamer Didier Raoult Racing, je crois. Complètement, très prochainement. Un petit reportage de la Provence qui est allé voir un magasin de costumes qui nous parlait un peu de Didier Raoult. Figurine à son effigie, mais aussi costume. Chez ce carnavalier marseillais, à côté des costumes de super-héros, on retrouve le déguisement du professeur coronavirus. Et pour la directrice, c'est une évidence, ce sera le costume d'Halloween. Un de nos fournisseurs, qui est un fournisseur espagnol, nous a proposé le costume de Didier Raoult, monsieur coronavirus. Donc évidemment, on s'est dit, bon, allez, on va tester, on en prend un petit peu. Je pense que ça va être le costume d'Halloween, surtout à Marseille. Voilà, je pense que. Ah bah oui, c'est une idole. C'est le savant de Marseille. Il y a une veste blanche de médecin. Il y a une petite barbichette grise, une perruque un peu brouillon grise. J'allais dire dégueulasse. Une paire de lunettes d'intello. C'est un grand monsieur. Je suis très contente qu'on lui ait fait un costume. Oui, ah bon, ouais, bah, il va avoir une statue entre Chirac et Hollande. Carla Bruni. Mais oui, non. Ouais, non, pardon. Coronavirus. Oui, c'est ça. Apparemment, c'est pas fini. Mais ça me tue qu'on l'appelle Monsieur Coronavirus. Non, mais je pense que c'est pas un compliment. Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de Monsieur Hydro Chloroquine. Mais oui, voilà. Plus c'est comme un costume de Spider-Man. Ils n'ont pas les droits. Ils mettent l'homme araignée. Oui, bien sûr. Le garçon araignée. C'est toujours très triste. D'ailleurs, les costumes pour adultes de trucs d'enfants, c'est toujours un grand malaise. J'avais vu un mec en Buzz l'éclair. Mais tu sais, le costume de magasin de costumes, ouais, pas un cosplay stylé. Tu veux dire comme sur mon sketch Batman contre Superman, le costume que je porte. Il était super marrant ce sketch. Oui, ouais, mais mon costume le était. Costume. Pour la petite anecdote, c'est que j'avais dit, on avait fait une réunion avant et j'avais dit, en termes de prod, j'ai aucune exigence, juste il faut des beaux costumes crédibles. J'ai vraiment eu un truc de farce à trappe. Vraiment immonde avec la ceinture en plastique. En papier, limite, ouais. Flexible, tu vois. Je fais bon, bah. Ouais, pas grave. Oh, vous savez, c'est une petite entreprise, Golden. C'est ça, c'était seulement M6. C'est vrai. Une équipe de football allemande a perdu 37-0 lors d'un match. À votre avis, pourquoi 37-0. Il y avait. Qui est une vraie défaite. Il hein. Y avait que. Alors attends, il y a un minimum. Sur Fall Guys, ça arrive. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient que un certain nombre de joueurs C'est un peu lié, mais je te demande une réponse. Ils jouaient contre des enfants. Non. Ils leur ont laissé aucune chance. Aucune chance. Ils ont pris 10 cartons rouges. Normalement. Il y a un nombre minimum. Tu peux pas jouer à moins de 7. Ouais, je c'est crois. Ça, ouais. C'est ça, exactement. Donc ils étaient 7. Ah, c'est d'accord. Ça, ok. Non, mais ça, ils étaient 7. Ah, oui, la mais raison toi, pour laquelle si, voilà, si, pourquoi si, était-il si, si un autre carton rouge, c'est. Bah, je sais pas si ça fait score par défaut ou on s'arrête. Bah, c'est une défaite par défaut, mais je sais pas si. Ouais, ils étaient 7 contre 7 ou 7 contre 11 Non, ils étaient 7 contre 11. Oui, oui. Okay, ça, d'accord. Mais le gardien s'est fait exclure déjà. Le gardien. J'ai pas les détails, le gardien, à ça en tout cas. Le gardien mettait lui-même les goals chez lui. Non. Il faut savoir la raison pour laquelle ils étaient 7. Oui, voilà, c'est lié à 7-0. Pourquoi ils ont pris 37-0 Pourquoi ils ont pris 37-0 Mais c'est lié au fait qu'ils soient 7 et c'est lié à pourquoi ils ont pris 37-0. C'était pour faire grève. Pardon ? Une grève ? Non, pas une grève. Un truc, une maladie ? C'est un peu lié, mais c'est pas vraiment ça. Une chiasse ? Non. Ils n'étaient pas malades. Okay. C'est ça la question. Mais c'est lié un peu à. Au Covid ? Voilà, c'est lié au Covid. Ils jouaient avec des masques et ils ont étouffé. Non, mais tu t'approches, t'es pas loin. Non, mais t'es pas loin, t'es pas loin. Porter les costumes du professeur Raoult. Non, pas du tout. Ça a un rapport avec les masques ? Non, pas les masques, mais c'est lié au Covid et à ce qu'on fait avec le Covid. Ah, les mecs ont refusé de jouer pour des raisons sanitaires. Ils ont voulu maintenir la distanciation sociale. C'est exactement ça. Mais non, c'est exactement ça. En fait, un des joueurs de défendre du coup. Ah oui. C'est ça, un des joueurs de l'équipe adverse a été soupçonné. Non, pas diagnostiqué, soupçonné d'avoir le Covid. Donc du coup, ils ont eu peur en face, mais ils voulaient pas déclarer forfait. Donc du coup, ils ont joué le match, mais en respectant. Il aurait fallu déclarer forfait. Je pense. 37-0. Ils auraient quand même perdu à la base. Franchement. Voilà. Ils ont vraiment, en fait, voilà, ils n'ont pas voulu déclarer forfait et faire face aux sanctions appliquées dans une telle situation. Ils ont donc décidé de se présenter seulement avec 7 joueurs et de respecter la distanciation sociale en fait. Tout au long de la rencontre. Ils ont décidé. Ouais, c'est eux. Tout au long de la rencontre, abandonnant ainsi toute idée de marquage et en évitant le moindre duel. Il n'y a donc finalement pas eu de match pour ainsi dire. Ouais. La partie s'est jouée à sens unique durant 90 minutes pour les visiteurs qui jouaient face à des plots. Mais pourquoi cette décision ? Je comprends pas. Bah parce qu'il voulait, il voulait pas toucher l'adversaire. Non, non, non. Pourquoi la décision de ne pas déclarer forfait en fait? C'est parce qu'il y avait des sanctions visibles. L'honneur. Ah oui, peut-être des pénalités. Des sanctions financières. C'est ça. Ah. Match, c'est comme ce fameux film de Mel Brooks, Les producteurs, où ils sont obligés de jouer la pièce quand même, parce que s'ils la jouent pas, ils perdent de l'argent. D'accord. Sachant que ce n'est pas le record mondial, puisque le record mondial, c'est les footballeurs de Ribdorf. Ah non, pardon, les footballeurs de Ribdorf, c'est ceux-là. Mais c'est le 31 octobre que le record mondial a été gagné, le 31 octobre 2002, dans le championnat de Madagascar. Ce jour-là, le SO Emime s'est fait étrier 149-0. Ah oui, 149. Ça, je savais pas que c'était possible, ça. Mais un match de foot, c'est 90 minutes, ça veut dire que c'est plus de 20 minutes. Non, parce que dans les coupes d'Océanie et compagnie, tu vois des fois des 30-0 et compagnie. Mais ouais, 149. Plus de 100. Ça fait plus d'un but par minute en moyenne. Ah oui, vraiment, beaucoup de buts. Deux buts par minute. Presque, ouais, et en fait il faut savoir que pour le coup c'était fait exprès en signe de protestation de l'arbitrage de leur match précédent. Ah, okay. Un but et demi par minute. Ils mettaient des buts aussi quoi. Ouais, je pense qu'il y avait un truc un peu ça. Mais c'était quand même ce fameux nageur, cette histoire. Si. C'était un nageur, je ne sais plus de quel pays, je crois. En tout cas, c'était un nageur africain. Et en fait, ils avaient tiré. Ils avaient tous fait le faux départ. C'est ça, tout le monde avait fait un faux départ. Donc, il avait nagé tout seul, mais il n'était pas très bon parce que leur équipe n'était pas la meilleure. Il était médaillé d'or au JO. Il a été médaillé d'or au JO, mais il nageait pas très bien. Et vraiment, il avait du mal, il était fatigué, il faisait limite des pauses pendant le truc. Mais il était allé au bout du truc et la vidéo était. En fait, ce qui est horrible, c'est que la vidéo est superbe, mais gâchée par deux commentateurs qui sont. Horrible parce qu'ils se foutent de sa gueule pendant 20 minutes. Mais est-ce qu'ils sont médaillés d'or? 20 minutes, c'est vraiment. Est-ce qu'ils sont médaillés d'or olympiques, eux? Pas non, du tout. Pas tellement. Lui l'est. Mais lui l'est, en tout cas. Simplement. Donc, ouais, coronavirus toujours. Comment l'Indonésie lutte-t-elle contre les gens qui ne portent pas de masque? Les tue. Attends. Les Philippines, je sais. J'ai la réponse. Ah, tu l'as? Je crois qu'ils leur font creuser les tombes des morts. Ah oui! Exactement. Quoi? Oui, j'ai vu ça. C'est en Indonésie, en Java orientale, pour être très précis, ce qui n'a rien à voir avec le groupe Java, d'ailleurs, je vous rappelle, a trouvé un moyen radical de sanctionner les personnes refusant de porter le masque. Cette province de l'archipel du sud-est asiatique, qui fait face à une flambée des cas de Covid, a obligé 8 récalcitrants à creuser eux-mêmes les tombes des victimes du coronavirus. Une solution à la pénurie d'employés funéraires. Il y a que 3 fossoyeurs en ce moment pour creuser les tombes. Alors j'ai pensé à faire travailler ces gens avec eux, a expliqué à la presse le gouverneur local. Enfin, un carton aux États-Unis. Ça. Voilà. Ouais. Là, je pense qu'il s'est dit, mais il y a une super idée là. Pourquoi on part pas là-dedans? Le client d'un restaurant. Attends, juste, moi je me dis, le président philippin, je sais pas si vous voyez à peu près. Widow Jicoco. Qui est fou, quoi. Il adore la géographie. Mais... Je me demande, lui, il a dû faire des trucs de fou pour le. Parce que lui, c'est le mec qui dit tuer les dealers dans la rue, quoi. Ouais. Enfin, genre, il a dû. Enfin, oui, d'accord. Je serais curieux de savoir. Droit de tirer. Ouais, ah, non, il mais il est. Coupe directement les bouches et les nez. Non, non, mais et ce mec est le sosie d'Obama, d'ailleurs, le président indonésien. Ah ouais. Même pas. Indonésien. Ah, pardon, je parlais du. Moi, je parlais le président philippin. Ah, ok, pardon. Le président philippin. Est complètement est fou quoi. Il est. Enfin, après, respect quand même s'il nous écoute. Si vous pouvez lui prendre une balle dans la nuque. Ouais. Respect au président Philippe, bien sûr. Non, mais il a dit ouais, si vous voyez un dealer, vous le tuez. Mais moi j'étais en vacances aux Philippines et il y a vraiment des affiches de propagande pour lui en disant que c'est quelqu'un de génial et tout. Enfin, c'est vraiment. Après, c'est vraiment quelqu'un de cool quoi. Après, je te le dis, tu lui enlèves tout ça. Dans le privé, il est top. C'est vraiment un mec sympa quoi. Toujours là à prêter une clope. Non, vraiment, super. Après, c'est un personnage quoi. Mais il assume. Ça, j'aime bien, c'est ce qu'on dit des gros connards. Mais il assume. Au moins, je m'en fous, c'est un connard. C'est une grande gueule, quoi. Ouais. Il dit ce qu'il pense. C'est la limite très fine entre. Ouais, bah, il est super honnête en même temps. Il est droit dans ses bottes, le gars. Ouais. Une merde. Il est entier. Une merde. Le client d'un restaurant a tenté une technique assez particulière. Tu veux que je coupe le ventilo? Peut-être que tu te prends ça, je le sais. C'est nickel, t'inquiète. Ça, tu le sais, j'aimerais que tu ne joues pas. Le client d'un restaurant a tenté une technique assez particulière pour éviter de payer l'addition. À votre avis, laquelle? D'accord. Vous voyez pas, mais là il vient de se prendre une petite lichette de vin. Tout à fait. Voilà. J'essaie de trouver l'inspiration. Un petit nuit saint genre. Est-ce qu'il est bon d'ailleurs? Moi, très bon. Vraiment bon. Je vous rappelle que l'alcool ne nuit pas du tout à la santé. N'hésitez pas à en consommer. Un maximum. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter de payer? Une méthode un peu de crevard, hein, on peut le dire. Il était seul à dîner? Non, il était. J'espère. S'il était en date, c'est un peu marrant. Ouais. Donc ça ne dépend pas du tout de la personne avec laquelle il était. Non, c'est vraiment lui qui est parti. Est-ce qu'il a faim à quelque chose? Il a toussé sur les gens? Il a un peu faim quelque chose, mais il. Oui. Est-ce qu'il a. Et c'est un rapport avec le coronavirus? Rien à voir avec le coronavirus. D'accord. Qui n'existe plus à l'heure où on parle. Évidemment. Puisque c'était un prank. Enfin, c'était hoax. Faux. Ouais, hoax, c'était voilà. Greg Guillotin. Avec la fraîcheur de l'hiver qui arrive, ça va le tuer quoi. mais évidemment, Micron avec ses masques. Il devait être gratuit. Je les ai payés moi perso. Heureusement qu'il va y avoir une statue de Raoult. Hein. J'espère bien. Attends. Donc oui. Une technique pour éviter de payer. Il a faim, il a été voir le restaurant, il fait non, c'est pas normal, et en fait. C'est lui qui avait ah, il a, ah là t'as donné un gros indice. Il a chié dans sa soupe. Pas loin. Et il a craché dans sa soupe. Non. Il a vomi dans sa soupe. Il a fait croire qu'il avait des cheveux. T'es pas loin. Il s'est rasé dans sa soupe. Bah, vous êtes très très proche. Il est très très proche. Juste géographiquement. Enfin. Il s'est branlé dans sa soupe. Non. Non, mais, enfin, on reste sur la pilosité. Ah. On est que sur des titres super pour l'épisode en tout cas. Il s'est branlé dans sa soupe. Ça, on va faire du clic avec ça. Ça, je vous rassure. On va faire du clic. Tu pourrais nous parler un peu des soupeurs après, mon cher Xavier. On en a parlé dans l'épisode fantôme. Parce qu'il avait raconté l'anecdote à la première Zilane. C'est l'anecdote de la première Zilane. J'avais parlé des soupeurs et de la scène à Lyon des soupeurs. Alors attendez, les croûtenards. Les croûtenards. Il y a deux termes. Oui, il y a deux termes. Il y a deux écoles. Est-ce qu'on peut. Il y a deux écoles. Ce ne sont pas des écoles d'Harry Potter. Hein. C'est vraiment. Ça n'a rien même à si voir. Croûtards, elles sont rares, ouais. Ça ressemble. Les croûtenards, ça fait un peu. Ouais. Non, mais on peut le dire, les soupeurs, ce sont les gens qui trempent leur pain délicieux dans des urinoirs. Directement dans des urinoirs. Tout à fait. Voilà, afin de le manger, pas juste. Bien sûr. Alors, il dit chips. Il le trempe ou alors il le laisse et il vient. Moi, j'ai entendu. Il vient de récolter. Voilà, on t'a dit qu'il y avait deux écoles, faut suivre un peu quand même. Pardon. D'accord. Mais oui. Mais ils ont quelle place au gouvernement? C'est ça que je... Ils sont ministres de l'Intérieur. Par rapport à la franc-maçonnerie, en fait. Ils sont au ministère de l'Intérieur avec des skinheads à Berlin. Alors, ce n'est pas ça, en tout cas. Ce n'est pas des gars qui boivent leur pisse, mais il a fait un truc un peu dégueulasse. Bah, il s'est mouché dans sa salade. Non, c'est rasé les cheveux, mais en plus dégueulasse. Voilà. Il s'est épilé la bite. Il s'est littéralement arraché les poils du pubis pour les saupoudrer à la manière de ce même délicieux des années 2000, au-dessus de sa nourriture. Il est allé se plaindre en disant mais c'est dégueulasse, il y a des poils pubiens dans mon plat. Attends, comment tu reconnais que c'est un poil pubien et pas un poil C'est le côté frisé. Faut vraiment être attentif au truc. Faut être coiffeur. Littéralement, les coiffeurs peuvent faire la différence. C'est le client d'un resto indien âgé d'une vingtaine d'années, il s'est arraché les poils pubiens. Alors, c'est ces mots que j'adore du patron de ce restaurant qui a dit c'était dégoûtant. Un désastre. Le mot désastre prend toute sa puissance. L'homme cherchait à éviter de payer l'addition. En effet, lorsque les serveurs sont venus débarrasser sa table, il s'est plaint d'avoir retrouvé du coup des poils dans son assiette. Des poils se trouvaient dans le biryani, dans les kebabs et le pain naan, a confirmé l'un des employés. Le patron. En plus, c'était un kebab, genre c'est pas cher. Non, indien, resto indien. Après, c'est pas cher. Parce que je me rappelle du prix. Ouais, l'addition était à 22 euros. Donc, pour un bon crevard. Donc, le patron. En fait, ce qui est fou, c'est que le patron a proposé au jeune homme une autre assiette. Et le jeune homme a dit non, je veux être remboursé. C'est là où le patron s'est dit bon, je suis un peu perplexe. Il est allé visionner les images de vidéosurveillance et s'est aperçu de la supercherie. Le client s'était littéralement arraché les poils du pubis à même le caleçon et il avait mis ses propres poils dans l'assiette. Mais il a un peu forcé parce que s'il y en avait dans il trois plats. Il aurait pu préparer à l'avance. En non, mais des fois, tu recouvres un petit poil. Enveloppe, quoi. Ouais. Mais là, il a, dans trois plats différents, apparemment, c'est trop. C'est, ça se voit que c'est pour un moi, il a vraiment fait ça. Ouais, il l'a saupoudré. Vraiment, il en a mis un petit peu partout. Je prends pas de risque. Dans l'eau, partout quoi. Sur les clients à côté. Dans l'eau, dans la carafe d'eau. Ouais. Vous avez déjà fait, alors peut-être pas à ce point, mais des trucs un peu de crevard comme ça. Moi j'ai été par exemple très crevard. Je ne crois pas. Je crois que j'ai jamais été vraiment. Non, j'ai eu de bons plans de bouffe, mais faire une arnaque, non. Non, j'ai jamais arnaqué, mais j'ai déjà eu des bons plans. Par contre, dans le genre vrai scandale qui m'était arrivé, j'étais parti à Amsterdam avec deux potes qui allaient clairement pour la défonce la plus totale, alors que moi j'avais arrêté. Donc, toi, t'allais pour les musées, quoi. Non, moi j'y allais, ils m'amenaient avec eux et je me disais, vas-y, je bouge jamais, j'avais zéro thune. Il y avait mon pote qui m'a dit, vas-y, viens, je te paye le truc. Je me suis dit, vas-y, je vais voyager, je vais aller avec eux, ça va être marrant. Bon, finalement, ils étaient en mode full fonce day. Et on a fait un resto indien. Fallait t'y attendre un peu aussi. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais le vrai stress, c'est qu'on est revenu à Paname et que, ouais, ils avaient ramené tout. Ouais, ils étaient blindés les poches de machin. Et puis moi, j'étais en mode, ouais, bon, ok. Et on avait fait un resto indien là-bas. Et ils étaient full fonce day, donc on n'a pas poussé le truc plus loin. Mais en réalité, dans un des plats, des curry, il y avait un bout de verre énorme. Et mon pote, la sortie de sa bouche. Ah, genre, du verre pilé. Du verre, du verre, ouais, genre un éclat de verre, quoi, un bris de verre. Et il l'a sorti de sa bouche, et moi, s'il l'avait avalé, c'était fini, quoi. Et on est parti, je sais même plus si on a négocié de pas payer, mais en vrai, il aurait pu les attaquer. Enfin, il aurait pu se passer un truc de taré. Il aurait même pu être dans cette émission, on en parlerait. Qu'est-ce qu'il a trouvé. Mais ouais, c'est le seul souvenir. souvenir. Mais vous n'êtes pas allé, vous plaindre auprès du Huic des Gars en disant peut-être un petit remboursement. Ils étaient trop foncés. Ils étaient foncés. Ah ouais. Est-ce que ce bout de verre est réel? Non, mais les mecs nous ont brossé dans le sens du poil à mort. Mais je crois, ouais, enfin, je crois qu'on a quand même payé et qu'ils ont pas poussé le truc plus loin. Alors qu'en vrai, tu fais un petit geste. Il y avait moyen de mettre un énorme coup de pression minimum. Un petit lassi vanille quand même. Ouais, t'offres un dessert, t'offres un fondant. Vraiment. Non, mais après, alors ça n'a rien à voir, mais je n'arrive pas à me plaindre au restaurant. C'est-à-dire que moi, des fois, je veux au restaurant avec des gens qui arrivent très facilement à se plaindre. En fait, je me dis toujours, je vais pas engueuler, mais me plaindre auprès de la mauvaise personne. Ouais. Quelqu'un qui est un peu débordé, qui. Enfin, c'est un métier qui est un peu difficile, qui peut être chiant et tout, et je me dis, je vais pas en rajouter une couche. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ose pas non plus. Ouais. Alors, pour avoir bossé dans la restauration, justement, les gens qui se plaignent, en fait, s'ils le font de façon très gentille, un peu en s'excusant, en disant je suis désolé, mais là, c'est trop cuit. Ou... En fait, si la personne elle est sympa et qu'elle n'est pas agressive avec toi, il n'y a pas de raison qu'elle t'envoie bouler, généralement. Tu vois. Mm-hmm. Par contre, quand les gens ils sont un peu en mode vous me devez un truc et qu'ils sont ultra sur la défensive, là, t'as pas envie. Et moi, la seule fois où j'ai fait une réclamation, c'est j'ai pris un ramen à la cacahuète. Et je suis extrêmement allergique à la cacahuète. Je leur ai demandé un remboursement, mais juste du ramen Tu savais pas qu'il y avait de la pâte cacahuète. Mais je savais pas qu'il y avait de la cacahuète. Oui, c'est ça. C'était marqué partout sur la carte, sauf sur celui que j'avais pris. C'est pour ça que je l'avais pris. C'est le seul truc que j'ai pas payé. j'ai payé tout le reste et j'ai passé la nuit à l'hosto. D'accord. Donc maintenant je me dis non, je vais me plaindre en fait. Finalement, là je vais y aller. Non mais là moi récemment c'est je vais dans un café, un bar et je commande un Coca Zéro et la personne me ramène un Coca normal. Et juste avant déjà scandale à la seconde. Scandale. Je me lève avec un poil pubien en plus. Tu lui mets une tarte, une petite clé de bras. Tu le réanimes ensuite. Avant quelconque mot. Quelques coups de savate au sol. Non mais en gros il ramène et avant juste que je dise non excusez-moi c'était, il le décapsule. Donc il me voit me dire attendez excusez-moi. Il fait ah désolé c'était un Coca Zéro. Je fais bah ouais mais c'est pas grave. Il dit non mais je vais vous le changer et je sais pas pourquoi j'ai fait non c'est bon je vais le prendre alors que le gars m'avait dit mais moi je suis prêt à le changer. Mais c'est un truc mental de dire t'avais pas envie de gaspiller, pas la peur de déranger, t'avais pas envie de gaspiller aussi peut-être. Je sais pas, franchement c'est vraiment un truc qui est sorti comme ça quoi. C'était vraiment un truc de non mais vous embêtez pas vraiment, je veux pas vous embêter alors que le gars vraiment me disait je vais vous le changer, il y a pas de souci, je m'en fous, tu vois. En fait quand t'es serveur justement tu sens, je trouve, les gens sincèrement sympas comme ça qui veulent pas emmerder et du coup tu sens qu'ils prennent vachement sur eux pour te demander genre mais excusez-moi et tout, du coup t'as envie d'être sympa comme ils sont un peu gênés, t'as envie d'être sympa en retour et les connards tu les spots mais vraiment ils passent la porte d'entrée tu dis il y a encore eux, une ils rancœur chiants, eux, Florent, ils vont c'est être encore chiants. Une rancœur c'est encore là, c'est encore t'as là, craché c'est dans quel plat est-ce que t'as vrai quand tu bossais dans la restauration t'as déjà vu des gens cracher dans des plats? Ah ouais. Alors j'ai vu une fois. Alors franchement, ma collègue était rentrée. J'ai trop peur de ça. C'est pour ça que je me plains pas moi. C'était pas dans un plat. C'était dans un verre. Et en fait le client. Un verre de quoi? Tu peux te faire griller facilement. Un Coca ou un truc comme ça. Avec des bulles donc. Avec un molar. Un énorme molar qui flotte. S'il y a de la mousse. Dans l'eau. S'il y a de la mousse tu le vois pas trop. Dans l'eau. Les gars, c'est visible. Non, une bière. Je sais plus ce que c'était franchement. Et mais tous les serveurs étaient là. Savait en fait parce que ma collègue en fait et les clients avaient été horribles, ma collègue est rentrée en pleurs et le mec qui était en charge des trucs il dit vas-y on va se venger, il a chié dans le verre d'eau plate. C'est genre le gros lombard. Oui, le gros quoi, mais vraiment, oui, et il lui a ramené le verre mais c'est la seule fois où j'ai vu ça de ma vie, mais franchement le client il méritait parce que ma collègue elle était revenue en pleurs il avait vraiment abusé, donc j'ai envie de dire t'avais qu'à pas être un connard. C'est la seule fois que t'as vu ça. Ouais, c'est la seule parce que moi j'ai toujours peur que je suis toujours sympa en vrai mais on sait jamais, tu vois. Voilà, on sait jamais, j'ai toujours un peu peur de ça. Je suis sûr que ça m'est déjà arrivé, moi. Un mec qui attend le prochain What the Cut et qui crache. Exactement ça. Exactement. On va passer à la nouvelle partie de l'émission. C'est un petit jeu très rapide parce que je sais qu'il y a des amoureux de la chanson autour de la table. Ah oui. Et alors je vais vous faire. C'est un blind test. Ni plus. J'adore. Pas un blind test. Comme les autres, t'es un roublard. Moi je suis un roublard. C'est un blind test d'animateurs télé. Des animateurs télé ont fait de la musique. Oui. Très bon, très je très vais bon. Vous faire écouter plusieurs chansons. Alors, mec, je vais être très rapide. Oui. Non mais c'est pas grave. En même temps, c'est juste pour faire découvrir aux gens. Plus que bien pour sûr. Le jeu, c'est parce que vas-y. On est des vrais amoureux de la musique. Je vous fais écouter le tout premier. Déjà, il y a une instru. Le Perse ? Non, pas Julien Le Perse. Parce qu'il a écrit pour le plaisir. Oui, bien sûr. C'est vrai. Je pense qu'il vit de ça même hein, encore. Oui, ouais. Royalties. Oh, j'ai vu une vidéo de lui. Bon, bref. Fais gaffe, c'est. C'est un, pas la gaffe. Un grand amoureux de l'émission, le Perse. Mais j'ai travaillé avec. Bon, bref. On en parlera plus tard. Déjà, vous pouvez voir un peu l'année. Oui, oui, oui. On est sur une ambiance. 85. Adlib. Jean-Pierre Foucault ? Non, pas Jean-Pierre Foucault. Sabatier ? Non, pas J'attends Sabatier. Les lyrics, quoi. C'est quelqu'un qui est vivant encore ? N'hésitez pas à vous embrasser, hein, vous qui écoutez. Bien sûr. C'est une chanson pour les lovers. En respectant les gestes barrières. Ouais, bien sûr. Ah, il est parti. Très belle intro. Putain, elle est très longue. Oh, l'intro interminable. Elle reprend. Elle reprend. Et deuxième intro. Solo. Sachez quand même que la chanson dure 5 minutes 42. Ah, ah là là, une ouais. autre époque. C'est un peu son Hunter Sandman, tu vois. C'est... Pink Floyd. On dirait Laurent Voulzier. Ah, oui, un peu, ouais. Mais un, faux, peu discount, mais un peu discount, un peu discount. Oui, oui, un peu, ouais. La chanson s'appelle Absolu Dément Fou. Absolu Dément Fou. Ouais. Ah, attends, ça me dit quelque chose, putain. C'est quelqu'un qui est toujours vivant ? Oui. Est-ce que c'est. Faut avoir saigné Il fait toujours de la musique ? Il fait plus de musique. C'est pas le mec qui présentait. Pourquoi je dis. J'ai lui en tête, Vincent Perrault. Oh ! La carte au trésor. Bien sûr, l'accident là, de bagnole. Moi j'avais 40 degrés à l'ombre, j'avais en tête. Si. Lui c'est. Team TF1. Team TF1. Il est vivant ? Il est vivant, d'accord. Toujours présentateur ou pas ? Il est devenu chroniqueur sur TPMP. Oh. Ah ouais, je ne suis pas assez TPMP. Castaldi ? Pas Castaldi. Bah ouais, j'allais dire ça. Ah, je vais vous le donner. Attends. Verdes, en fait, je sais pas ce qu'il faisait avant en fait. Non, mais c'est non, animateur très connu. Attends, il l'a. Sans aucun doute. Non, machin. Julien Courbet. Sans aucun doute, c'est Morandini. Putain. Non, oui. Sans aucun doute, c'est Morandini. Moi, je voulais dire Courbet. Voilà, donc c'est pas lui. Ah oui, non, sans aucun doute, c'est Courbet. Oui, je parlais avec. Ne zappez pas là, quel enfer. Bon, je vous le dis. Oh, je vous donne les initiales. Un indice. BM. Bernard Montiel. Bernard Montiel. Bien sûr. Oh là là, vidéo gag vidéo. Putain. Avec Olivia Monico. Comment elle s'appelait, je me souviens un peu. Ah, moi, je me souviens de l'époque avec Deban. Ah oui, c'est ça, avec Deban aussi. Olivier Deban. Ouais. Alexandre Deban. Et le chien. Alexandre Deban. Et le petit chien. Il y avait le un labrador. Un golden retriever. Qui s'appelait. Oh, je sais plus. Qui s'appelait Ben Laden. Bernard Montiel. Très mauvais choix. Ouais. Non, bah, ça... Après c'est 2001, pourtant, c'est très mal passé. C'est pourtant ma génération. Ben Laden ? Non. Enfin, oui aussi. Génération Ben Laden. Ok, on a le titre de Génération Ben Laden. Génération Ben Laden. Mal, avec Squeezie sur Énergie. 21h23h, Génération Ben Laden. Ok, tu nous appelles, alors t'as un souci en ce moment, je crois. Tu es fiché S. Bah ouais. Attention, nouvel extrait. Oh là là. Oh, c'est tropical. Ah bah ouais. Philippe Risoli ? Non, mais rassurez-vous, c'est quand même de l'appropriation. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui. De toute façon, aucun présentateur. Il y a des sitars, noir. Pourtant, c'est avec des sitars. 28 on a planté l'Himalaya à la recherche de la létaine. Imprégné de musique et de méditation transcendantale. Oh, du trio. Énorme. C'est un peu ragamuffin. Attends, cette voix, ragamuffin. Je l'ai pourri hier soir. Oh, cette voix est connue. Ouais, ouais, ouais, la voix me dit un truc. Ouais. La chanson s'appelle Ragababa. Baba. Non, Baba. Non. Mais non. Mais non. Ah bah non, mais oui, bah merde. On aurait eu la genèse. Mais non. Ah putain de merde. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que je... Oui, la voix me dit vraiment un truc, ouais. Pensez à ce qu'on est en train de boire en ce moment. Du vin et de l'eau. Du vin. Jean-Pierre Pernaut. Non. Le Pernaut, c'est... Non, ouais, non, non, mais bien vu, ouais. Du vin. C'est un alcoolique. Non. Attends, du vin. Est-ce qu'il a un nom de vin? Non, non, mais c'est, vous allez pas trouver avec ça, je pense. Vous allez vous emmerder. TF1, pensez TF1 encore. Sabatier. Foucault. Non, il était pas TF1 au tout début. Il était plus France 2. Oh là là. Et moi ça me dit rien. Il faut faire les téléportations là. C'est un jeu télé ou pas? Très jeu télé, toujours jeu télé d'ailleurs. Que des, c'est que des présentateurs de non, jeu non, télé. Non, pas forcément, mais là, lui, Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann. Oh, c'est Jean-Luc ça la voix. Reichmann. Ah, exact. Et 20 taches de vin, bien Jean-Luc, sûr. Jean-Luc. Ah, oui, ah bah oui. T'as une tache pistache sur autobiographie. Extraordinaire, bien sûr. Je vous d'ailleurs, je vous le conseille. T'as une tache pistache. Christophe Ondelat a fait un Ondelat raconte sur la vie. Mais Christophe Ondelat a surtout fait un album. Oui, bien sûr, bien sûr. Et deux albums. Doctor deux House, albums. C'est pas Mickey Mouse. Est-ce que t'as pas niqué la prochaine chanson? Non, non, non, on peut. Je vous ai pas mis Mickey Mouse. C'est sûr, oui. Mais ouais. Doctor House, s'il te plaît, soyons précis sur les titres Doctor classiques. Doctor House, oui. Doctor House. Non, mais Jean-Luc Reichmann, je vous invite à écouter l'Ondelat raconte sur Jean-Luc Reichmann. Parce que c'est Christophe Ondelat qui imite Jean-Luc Reichmann, ni plus ni moins, oh là là. Sur ces années où il se faisait agresser au collège parce qu'il avait une tache de vin. Et il y a un moment assez marrant. Mais où c'est il... horrible de faire ça. Non, non, mais il raconte le livre, parce que c'est le livre. Jean-Luc Reichmann a fait une autobiographie. Mais qui s'appelle et Ondelat se moque de lui parce que non, non, non, il raconte pas de lui. Non, non. Il raconte j'ai pas compris alors. Est-ce que tu connais Ondelat? Un conteur. Tu connais, ouais. En fait, dans le podcast, il fait des voix, c'est incroyable. Il fait des voix, il joue les personnages. Voilà. Et c'est, faut voilà. Écouter, on la raconte. Faut écouter, on la raconte. Nous, on l'adore. C'est un peu notre icône. Nouvel artiste. Julien Lepers. Oh, très beau, bien, bien sûr. De retour de vacances. Et tu dis que à quoi ça me fait tu dis que Julien Lepers écoute le podcast? Non, pas du tout. C'est vraiment juste. Tu vois, t'as travaillé avec Julien Lepers, on peut le dire. En fait, mais oui. Tu vois un petit truc sur les ils sont en train de s'étouffer. Il est en train de s'étouffer. Bah raconte-nous. Non, mais c'est pas. C'est pas au pire, on coupera au montage. Au pire, tu comprends au montage. Ouais. En fait, Julien Lepers. Et Super. Du coup. C'est un croûtenard, précisément. Et il y tient. Il tient au terme croûtenard. Non, en fait, j'ai écrit une série audio qui s'appelle Clyde Vanilla. Bien et sûr. Dedans, il fait une voix. Et dedans, je lui avais proposé un rôle. Il avait accepté de jouer dedans gratuitement. Merci à lui. En échange de. On prend une photo ensemble et sur Twitter et sur Insta, je fais merci Julien Lepers pour la voix et je balance le truc, tu vois. Et du coup, on enregistre le truc, l'épisode sort et en fait, au moment où l'épisode sort, il y a lui et son manager qui m'appellent et qui me font « Ouais, on a un peu changé d'avis. En fait, en ce moment, Julien Lepers, il lance une appli. Il lance une appli qui s'appelle Be The One, qui est une appli de quiz où en fait ça sera présenté à la télé sur une chaîne obscure de la TNT, je sais plus combien, un truc ouais. un télé local, un truc ouais, comme ça. Pas ça, mais oui, un truc du style, ouais. Un truc vraiment un peu que pas beaucoup de gens regardent. Et ça sera présenté en même temps et en direct, tu peux répondre sur ton smartphone. Au quiz du Julien Lepers et tu peux gagner de l'argent, du vrai argent, comme ça. D'accord. Et moi j'étais en mode, j'ai pas envie de faire la promo. Ça change de... pas mal le deal. Voilà, mais vraiment, oui, c'est vraiment, ça change le deal. Petite mise à jour. Voilà. Et j'ai pas vraiment envie de faire la promo. Du coup, je commence à ghoster le manager de Julien Lepers. Et au bout d'un moment, il y a Julien Lepers lui-même qui m'appelle. Et qui en mode Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu veux qu'on se tape, espèce de connard? Je t'encule, j'ai eu Julien Lepers. Non, il était vraiment en mode top, je vais te défoncer la gueule, je vais trouver ton adresse, je vais venir devant chez toi avec deux potes et te péter les genoux, je suis. Non, mais il était. En fait, il croyait que j'avais pas entendu les messages. Il me fait ouais, j'ai avec des amis de Dubaï. Il me raconte ça. Avec des amis. Les connexions. Ah, voilà. Avec des amis de Dubaï, on a fondé une petite boîte et tout. Là, on sort une appli, c'est extraordinaire. Enfin, je l'imite pas du tout, mais il me parlait vraiment comme ça. Donc, ouais, vrai, et tout. Et en fait, je l'ai ghosté. Et en fait, je peux dire que pendant 2-3 mois, j'ai ghosté Julien Lepers qui m'appelait une fois par semaine à peu près. Et en fait, non, mais en fait, c'était terrible parce que j'osais pas lui dire parce que j'avais l'impression en fait de trahir en fait le deal de base, mais la en fait c'est lui. Voilà, c'est un peu eux qui l'ont trahi en fait, parce que c'était pas, c'est pas ça qui était prévu en fait à la base. T'as rien, et du coup t'as jamais posté le selfie? Bah non. Okay. Pourtant je l'ai, hein. j'ai tout ouais. À fait bah c'est au fond d'écran. Moi, j'ai aussi un selfie avec Julien d'ailleurs, c'est vrai, mais extraordinaire. Énorme. Il y a que des amis des stars ce soir, excusez-moi. On écoute un nouveau chanteur. Oh. Ouh, ça carbure au bédo là aussi. Oh. Oh, cet accordéon, bon tant pis là. Ça serait trop facile de dire c'est Sébastien. Non, c'est pas Patrick Sébastien. Bien sûr. On dirait 500 connards sur la ligne de départ de Renault. Je danse les linguanos, Watanero. Attends, il a dit quoi? Non. Ce n'est pas le Edward. Il nantait, il parlait d'une ville. Oui. Très bien. Vibrer sur la Doma. C'est génial qu'on cancel un animateur en direct. Attends, mais c'est une voix connue ça encore. Ouais. Non, les gros lolo. Calme-toi. Mais c'est la même mélodie que 500 connards sur la ligne de départ de Renault. Ah ouais. C'est la même. Bon bref. Personne d'autre que toi. Pierre Tchernia. Pierre Magic Tchernia. La surprise, le dossier. Le dinosaure de la télévision. J'ai dansé acadien. Ah, c'est Philippe Rizzoli. Mais bien sûr. Bah oui, c'est Rizzoli. J'ai reconnu le grain de voix. Là, je l'ai reconnu aussi. La voix qui gratte un peu. La chanson s'appelle Danseur Lover. Moi, je connaissais surtout Cuitas les bananas. Ah oui, bien sûr. C'était trop simple. Ah là, je l'attendais, merde. Vous fait écouter les B-sides. C'est un gros plagiat cette chanson, hein, quand même, un peu de Je Renaud. Vous fais écouter la nouvelle. La nouvelle ? Nouvelle chanson. Ce n'est pas James Blunt, ce qu'on pourrait croire. Plus doux. Il y a un peu de trompette, c'est Rondelat ? Ouais, j'allais le dire. Je tente. C'est la célèbre chanson Ou pas ? Je serai fidèle. Ou pas. Oh. Le concept est vraiment cool. Ça reprend. Si j'étais honnête. Ou pas. Ah, ça veut déjà plus rien dire. Déjà. Je serai loyal. Richard. Bon, fidèle, loyal, c'est synonyme. Si j'étais un ange. Ou pas. Là, ça part. Ah, c'est ça. Ou pas. C'est Monstre et Compagnie. Il est passé en 7-8 là. Pas non. Bah, c'est Benabar selon moi. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Hein. C'est ni plus ni moins que Benabar. On s'écoute le nouvel extrait. Alors là, c'est une cover. Même pour dire une parodie. Ah, entre. Aïe, aïe, aïe. Les Chevaliers du Ciel. Cartman. Le Festival Robles. Ok. Koé. C'est un frérot, je crois. Ah, c'est la SketchUp. La SketchUp. C'est la SketchUp. Ah, oui. Ah, mais la SketchUp, oui, bah. Bah, qui est déjà une reprise de Grand Master Flash. Bien sûr. Non, de Sugar Hill Gang, pardon. Bah, George Alan Jones. J'ai tenté. Mais c'est une femme qui chante. Ce sont des femmes. Les gaffettes. C'est les gaffettes. Oh là là. Florence n'a pas l'air de connaître. En fait, Vincent Lagaffe, le présentateur Vincent Lagaffe. Telle les Claudettes. Il avait des danseuses et des. Des femmes. Qui étaient là. Des femmes décoratives. Ouais, c'était ça. Et ils ouvraient les cadeaux du Big Deal. Donc. Mais attends, il y avait des gaffettes. Il y a des postes ouverts encore ou pas? Non, mais il y avait des gaffettes fixes. Non, je crois qu'elles changeaient un peu tout le temps. C'est quelle gaffette? Je ne sais pas, je pense que c'est la saison. Soyons précis, s'il vous plaît. C'est de la 8ème génération. Non, mais je pense qu'elles étaient. SO8. Et voilà, est-ce qu'il y a des fans de gaffettes? Est-ce que c'est laquelle t'apprêtes? Non, mais elles ont fait un album parce qu'il y a une chanson avec Bill du Big Deal. Bien sûr. Ah merde, tu l'avais peut-être. Non, je l'avais. Non, mais on l'a fait. Oui, je me souviens même plus de la voix de Bill en fait. Mon ami Vincent. Mon ami Vincent. Ah oui, je l'ai fait. Tu sais que moi, je l'ai fait 2 ans avant de rejoindre le podcast. Et le mec qui fait la voix de Bill du Big Deal travaille à l'Apple Store de la Défense maintenant. Vous voulez rencontrer Bill du Big Deal. Et comment elle s'appelait la chanson déjà? Comme quoi, la corrélation à télé à Défense, parce que passe partout de Fort Boyard. Non, il bosse au métro. Il bossait à la station Esplanade de la Défense. Vu que moi j'habite à Courbevoie, souvent j'allais acheter, renouveler mon Navigo ou acheter des carnets de tickets. C'était Passepartout. C'est vrai. Excusez-moi, vous êtes le chanteur. Ah oui, je suis Passepartout de Fort Boyard. Parce que des fois on le confondait avec cette reprise de Allumer le Feu, bien sûr. On la connaît avec le couple qui s'embrasse au fond de la salle des fêtes. C'est génial qu'il dans les transports du coup quoi avec un nom pareil partout. C'est vraiment incroyable. Bien sûr, c'est clair. Il aurait été serrurier. C'est étonnant que ses parents l'aient appelé comme ça d'ailleurs. Il était prédestiné. Le coup de chance quoi au final. Ils se sont dit c'est stable comme emploi la RATP, on veut mettre toutes les chances de son côté. Et effectivement Adrien, tu as raison. C'était Cric-Crac-Hop, un truc comme ça. Cric-Crac-Hop était le fit des gaffes avec le Big Deal sur la. Il a le titre et l'artiste. C'est parce qu'on a fait un épisode parodie de On de la Traconte qui s'appelle Floodcast Raconte et je l'avais écrit et il y a cric crac hop dedans. On va s'écouter un petit extrait, bien sûr. Excellent. Si on peut donner. Qui est une reprise d'ailleurs. Si on peut donner un peu de SACEM à Bill du Big Deal. Une reprise de Feeling Hot. C'est encore un peu l'été. Hein. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est à cette vibe son de l'été. Je danse cric crac hop. Bill, tu chantes. Ouais. Ah oui, c'est bon ça. C'est très très bon. Ah, ça pulse hein. Ah oui oui. Ah oui. Hey. Ah, hot. On dit Sosomanes, on dit Sosomanes. C'est ambiance 4h30 quand toutes les bouteilles de champ ont été défoncées quoi. Ouais, c'est ça. Et il chante hein. Voilà. On embrasse d'ailleurs Bill qui s'est fait cancel, hein, je le rappelle. sombre histoire avec les gaffettes. Avec les nuggets. Vous vous souvenez des nuggets? Les nuggets, je m'en souviens. C'était les gaffettes de Nagui. Oh. Et vous vous souvenez des potes? Des Zizi Potes, bien sûr. Non, il y avait Zizi Potes parmi les potes. C'était les potes. Tu parles aux spécialistes en fait là. Ouais, c'était attention à la marche, tu sais. Oui, les petits potes. Les potes. C'était les potes. d'ailleurs, qui, selon moi, sont les taches de vin de Jean-Luc Reichmann avec des... Non, mais c'est vrai, si tu regardes la forme des potes, c'est un peu la tache de vin. J'ai l'impression que t'as envie de bully Jean-Luc Reichmann. Non, parce que j'ai proposé une app, il a pas voulu participer, donc c'est pour ça. Je me venge un peu. Alors là, c'est pas vraiment un animateur, mais c'est sorti il y a pas longtemps, et j'avais envie de vous le partager. Alors, c'est une chanson pour sauver les petits chiens, donc c'est quand même plutôt une bonne initiative à la base. Mm-hmm. C'est évidemment. Voilà, la chanson. Est-ce que c'est un youtubeur? J'allais non. dire, ouais, j'étais ouais. sûr. Non. Je connais forcément, sinon. Alors, attendez. Ah, si, c'est récent. Je sais plus les dossiers. Je reste seul sans toi. Si on reconnaît pas la voix, ça va être compliqué. Salut, moi je m'appelle Bigard. Ouais, c'est Bigard. Ouais, Bigard, ah, bien bah sûr. Voilà, c'est Bigard. C'était ouais. facile. C'était très facile. Je vous laisse quand même écouter. C'est une chanson où il interprète un chien qui se fait abandonner et les gens sont passés à côté de ça. Je peux pleurer. J'étais un peu déçu parce que. Je peux pleurer, par contre. Mais. Je suis sûr que tu reviendras. Non, ça va, c'est bon. Ça va aller. Salut, moi je m'appelle Bibi. Fidèle, mais ça n'a pas suffi. Connard de virus. Dans un bois seul pour y crever. Faudrait punir cette bande de cons. Adepte de l'abandon. Oh. Affolant qu'après tant d'années. Un peu plus émouvant que. Clairement, il y a une vibe Renault. T'as dit émouvant juste avant qu'il dise le mot enculé. Un peu plus émouvant que on va mettre le paquet. Ouais. Que la la. Et le poil de cul sur la savonnette aussi. Hein. Oui. Oh, ce drop. Gros drop, hein. Ah, c'est, ouais, c'est vraiment summer vibe. Hein. Étonnant vu le thème d'ailleurs. Hein. C'est vrai, effectivement. Les abandons ont lieu principalement l'été au début des vacances, mais de là à faire un truc summer vibe. Tu sais, tu danses là-dessus. Ouais. C'est vraiment vrai. Floodcast Hit Music Only, hein, je vous le rappelle. Ce sera marrant de passer ça en boîte. Et au bout d'un moment, tu entends la voix de Bigard et ça, vraiment ça casse l'ambiance. Et je vous invite à regarder le clip, puisqu'il y a Bigard déguisé en chien. En chien, putain, ah ouais. Ah, énorme. Puis Bigard déguisé en chien mort, donc en fait avec une petite auréole. C'est assez. Il ouais, y a une ambiance. C'est assez touchant. C'est touchant. Il y a des photos de profil à faire là avec Bigard en chien mort. Bigard en chien mort. Je sais que ma photo sur Discord, c'est Renaud dans ouais, Corona Song. Tout à fait. Bien sûr. Bon. Avec le fusil. Moi, je n'ai pas voulu écouter la chanson de Renaud. T'as jamais vu? Extraordinaire. J'ai pas voulu. Je sais pas. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Ça fait mal au cœur. Antoine peut te la faire si tu veux. Non, mais c'est vraiment. Ouais, c'est triste quoi. C'est assez triste. Oui, c'est ça. En fait, je savais que ça allait être nul. Et comme j'essaye de ne pas hate-watcher ou tout, je me suis dit, bon, je m'épargne ça. Tu m'as acheté en vrai. J'ai trop écouté du ondelat et tout. J'ai trop de curiosité morbide. Morbide. Au final, j'ai entendu quasiment tout parce que tout. En recollant les morceaux de ce qu'on m'a raconté. On passe à la dernière partie de l'émission. Alors, j'ai dit aux auditeurs que vous étiez invités. Ils ont donc du coup des questions à vous poser à tous les quatre, même à tous les cinq, parce qu'ils m'en ont posé à moi aussi. Oh. Une question pour toi, Florence. Comment ça marche chez Vortex en termes de création, réalisation? Comment Arte est impliqué dans tout ça? Est-ce que vous faites vraiment tout? Comment ça se passe? Alors, on fait pas vraiment. Enfin, on a une équipe technique. Moi, c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui s'occupe de la caméra, du son. Et toi, t'as juste à faire ton texte et tu passes. Voilà. Et en fait, ce que je trouve super cool, c'est qu'en fait, bon, on est Arte Finance, donc ils ont quand même un mot à dire en fait dans la production. Mais finalement, on était très libre, que ce soit au niveau de la fiction ou au niveau des sujets qu'on a choisis. Et du coup, on a choisi. Moi, je suis arrivée avec une liste de sujets. On les a pas tous retenus, mais c'est les sujets que j'avais le plus envie de traiter qui ont finalement été choisis en fait. Trop bien. Et ouais. Et du coup, en fait, ils ont pas mis de limite en disant il faut absolument qu'on parle de ça ou genre de choses. C'était quoi les sujets du coup? Et bah du coup, je vais pas les dire parce qu'il y en a qui vont sortir et j'ai pas envie de le dire à l'avance. Il y en a un qui est sorti là récemment sur l'Antarctique. Sur l'Antarctique, ouais. Voilà, c'était un sujet que j'avais envie de traiter et qui me tentait, que c'était une question que je m'étais posée et tout. Et quand je l'ai dit à Arte, ils ont fait ah, mais super et tout, c'est super intéressant, machin et tout. Donc on a eu zéro contrainte par rapport à ça. Donc c'était super cool. Et en fait, j'en ai parlé sur Twitch plusieurs fois et les gens n'ont pas forcément compris qu'on a vraiment vécu en coloc pendant une dizaine de jours. Non, on voyait des stories passer Mais parce qu'en fait, c'est sous la forme d'une colocation, en fait, le truc. Hein, l'émission, c'est une sorte de colocation entre quatre vulgarisateurs. C'est le Friends des voilà, c'est ça, des exactement. C'est le peu Friends. Ça. Ouais, du coup, moi, je suis la Monica. c'est un peu ça. Un peu psychorigide dans ce rôle-là. Et du coup, en fait, il y a eu trois saisons. Il y en aura quatre. Il y en a une quatrième qui a été tournée cet été et qui va sortir en 2021. Mais du coup, on a vraiment vécu ensemble toutes ces saisons-là pendant. Au moins une semaine, voire deux semaines, et du coup ça te crée aussi un petit peu l'ambiance du truc, et voilà, et du coup après bon bah on écrit, et puis après bah Arte relit, ils nous disent ok c'est bon, et nous on gère pas le montage, C'est une équipe aussi qui gère le montage. Et voilà. Donc là, c'est vraiment la seule fois où j'ai vraiment été auteur, actrice, entre guillemets. Et c'était tout, en fait. Alors que d'habitude, ah, j'ai trop adoré. Franchement, ouais. En fait, c'est... Moi, j'aimais bien, justement, YouTube parce que j'ai toujours eu du mal à faire un choix entre un seul métier. Tu sais, quand t'as 15 ans et qu'on te dit tu veux faire quoi, et je me disais, tu sais, il y a des gens qui ont zéro idée, et moi, j'étais là, genre, j'en ai 12 000 en fait, donc comment je vais choisir Bah, quand... comme Bigard, hein, chanteur. Alors, mon nouveau tube arrive bientôt. Et du coup, là, en fait, quand t'es sur YouTube, ou quand même quand tu fais du stream ou genre de choses, tu gères tellement de choses et d'aspects différents du métier que ça, c'est hyper cool. Et par contre, c'est aussi agréable quand même d'arriver et de pas avoir à t'occuper de l'aspect un peu technique et tout ça. Et du coup, tu te concentres sur ton texte et puis voilà quoi. Et sur le jeu. Ouais, sur le jeu. J'ai jamais pris de théâtre, mais c'était très marrant du coup, bon, la scène de fiction. T'as kiffé. Une question pour Antoine. J'ai adoré Clyde Vanilla. Comment as-tu... Ah, c'est toi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut s'essayer à la fiction audio? Arrête tout de suite. Non, c'est pas vrai. Non, mais. Oh putain. Non, mais c'est, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En termes de production, en, déjà. En termes de production, déjà, il te faut du bon matériel, voilà, dans tous les cas. Parce que, après, moi, en vrai, j'y connais pas grand chose en fiction audio. J'en ai fait une, mais j'ai écouté les classiques d'il y a très longtemps, hein, Nahuel Beuk ou Reflet d'Acide. J'ai écouté aussi l'épopée temporelle de Cyprien. J'en avais écouté un peu, deux, trois autres à droite à gauche aussi. D'ailleurs, les poupées temporelles et Clyde Vanilla sortaient en même temps. Ouais, d'ailleurs, c'était vraiment très simultané. Ce qui était un hasard, d'ailleurs. Une totale coïncidence, tout à fait, effectivement. Ouais. On s'était vu, on l'avait pris vers un soir ensemble, et il m'avait dit qu'il bossait sur une série audio. Et je lui ai fait putain, mais moi aussi, en fait. Et c'est sorti vraiment simultanément. Bref, voilà. Et ouais, non, bon matériel, soigner le mixage, vraiment. Et dans l'idéal, moi, je pense que. C'est mon avis perso, je trouve ça plus intéressant quand tu fais vraiment jouer des comédiens plutôt que quand tu modifies ta voix, parce que c'est un gros truc qui est dans la fiction audio. Il y a ce côté qui peut être parfois un peu amat, où t'as l'héritage de François Pérusse ou de Donjon Nahuelbeuk ou des choses comme ça, où tu modifies ta voix, où tu la dépitches, tout ça. En vrai, moi, je trouve ça plus intéressant quand t'as des voix vraiment très différentes les unes des autres et qui sont de véritables comédiens. Mais après, tout le monde ne peut pas spécialement se le permettre, pour le coup. Ouais. Du coup, je dirais quand même qu'il faut quand même un investissement matériel. Un bon micro, c'est idéal. Apprendre un peu les bases de mixage. Que rien ne soit vraiment très statique aussi. Que quand les personnages parlent, il ne faut pas juste qu'ils soient plantés quelque part. Il faut les faire se déplacer dans l'espace au niveau de la panoramisation. Que les bruits de pas suivent avec aussi, ce genre de choses. Il y a plein de petits détails. Il faut essayer de rendre plein de petits détails que les auditeurs n'entendront pas spécialement, mais qui permettent de se plonger dans l'univers. Voilà, qui rendront le truc vraiment plus vivant et plus réel, en fait. Ah ouais. Voilà. Et aussi, moi, alors c'est plus de l'écriture, mais effectivement, penser au public et bien de sûr. Le rendre bien, parce que parfois, et c'est aussi vrai, parfois, on m'envoie parfois des textes de web-série ou de court-métrage, et c'est vrai qu'il y a tout un univers qui n'est pas très compréhensible, et bien je comprends, sûr. Quand tu débutes, tu as envie de créer ton petit univers, il faut prendre les gens par la main. Et encore plus quand tu fais de la fiction audio, parce qu'ils n'ont pas l'image. Ils n'ont pas l'image, en fait. Quand un personnage arrive dans un lieu, comment tu vas faire comprendre c'est quoi le lieu, en fait? Est-ce qu'ils vont le dire oralement? En termes de mixage, est-ce qu'il y aura une certaine réverbération qui va faire que tu te dis bah ils sont plutôt dans tel type de pièce? C'est quoi les bruits de la pièce en question? Est-ce que, enfin, vraiment, il faut réfléchir à tout ça, tu vois, parce qu'ils vont pas le voir. Il faut toujours garder ça en tête aussi, je pense. Une question pour MV, mais aussi pour vous deux, puisque vous faites également du stream. Link a arrêté de stream Rocket League à cause de la communauté du jeu. J'ai vu ça récemment. Avez-vous déjà eu la même envie? Avez-vous, pensez-vous un jour arrêter de streamer un jeu à cause du chat ou de la communauté? Oui et non, c'est qu'on. Il y a des jeux, évidemment, là par exemple, on est beaucoup dans Among Us, qui est un peu le carton depuis quelques mois, un jeu qui est sorti il y a 2 ans, un peu un loup-garou modifié. Qui ah, c'est sorti il y a 2 ans? Ouais. C'est sorti en 2018. Et ça perce maintenant. Ça a explosé depuis quelques semaines, quelques mois. Tout n'est pas fini pour Crazy Frog Racing. De la SACEM à prendre. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est clair que l'avantage que j'ai, par exemple, c'est que voilà, ça fait un moment que je suis dedans, donc les gens viennent principalement pour moi. C'est-à-dire je peux raconter des conneries, avoir autant, voire plus de gens que si je joue à un jeu qui est un peu plus de niche. Ensuite, oui, il y a des jeux qui amènent des communautés un petit peu plus toxiques. Rocket League a des problèmes. Justement, Rocket League, c'est un jeu qui est extraordinaire, mais qui est extrêmement difficile, une courbe de progression extrêmement lente. Et c'est vrai que c'est un jeu du jugement, quoi. Souvent, dans les jeux compétitifs, c'est le cas. Voilà. En vrai. Mais tous les jeux où c'est difficile de devenir très fort, tu peux amener un peu ce public élitiste qui te fait chier, et ça a l'air d'être le cas pour Rocket League, en tout cas, ouais, Link, on a eu marre de ça. Moi, j'ai, à part les jeux où je speedrun, qui sont en plus des jeux de niche, des jeux old school, que c'était les Super Meat Boy, des Final Fantasy, ou Super Mario Odyssey, c'était un peu différent, mais moi, j'ai moins ce problème-là, je suis pas sur des jeux e-sportifs, donc il n'y a pas tout cet effet de meute où les gens viennent comparer à ci ou à ça. Moi, je suis un streamer un peu, voilà, un peu de performance, mais surtout humour, bonne ambiance, entertainment. Mmh. Et c'est un gros avantage parce que j'ai pas de compte à rendre, entre guillemets, sur mes performances en jeu. Je suis plutôt un bon joueur, mais j'ai pas à être j'ai pas à être au top niveau sur mes jeux, donc j'ai pas trop ce problème là. Mais vous quatre même. Oui, tu stream aussi. Merci pour le raid l'autre jour d'ailleurs, Adrien. Merci beaucoup. Vous avez aussi ce truc où j'ai l'impression que vous. Alors éduqué, bon, peut-être un peu fort, mais en tout cas vous savez mettre des limites à votre public aussi. Vous savez, enfin vous travaillez à ça en tout cas. C'est parce que j'ai fort de mon expérience sur YouTube, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Du coup. Non mais c'est bien de rappeler aussi aux gens. Nous c'est notre running gag dans les épisodes de dire à chaque fois. C'est gentil de nous écouter, mais vous n'êtes pas nos amis, par exemple. Oui, exactement. Tu vois, c'est ces choses-là. Vous faites attention à ça, j'ai l'impression. Bien sûr. Effectivement, sur Twitch, effectivement, je suis reconnaissant sur plein de trucs et tout. Mais globalement, c'est pas mes amis, c'est des gens que je ne connais pas. J'ai pas de compte à rendre. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arrêter de streamer un jeu parce qu'il y avait trop ce qu'on appelle du backseat, c'est-à-dire ils te disent trop quoi faire en fait. C'était sur un jeu qui s'appelle Subnautica. C'était au début quand je commençais à streamer en 2018 et j'étais vraiment pas encore habitué à la plateforme et à sa grammaire et à tout ce qui se passait et tout. Et effectivement, j'avais beaucoup de gens qui me disaient mais il est con quoi, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il comprend pas. Et ça m'a très vite saoulé, du coup j'ai dit j'arrête de streamer ça en fait, et du coup j'ai arrêté. Et au niveau de la communauté, ça peut effectivement, moi, enfin, si j'ai arrêté les vidéos sur YouTube, c'est pas que à cause de ce qui s'est passé avec la communauté, mais c'est aussi entre autres à cause de ça, pour le coup, effectivement, ouais. Tout à fait, c'est aussi, je me reconnaissais plus dans le format, j'avais plus envie de faire ça, enfin voilà, et tout, j'ai changé, j'ai évolué, et voilà. Mais effectivement, la communauté, la pression qu'elle peut mettre et tout, joue forcément là-dessus, en tout cas dans mon cas, ouais. Moi, j'ai jamais eu. Pardon, vas-y. Non, je vais pas te couper. Non, vas-y. Et à l'inverse, moi, j'apprends à jouer à Age of Empires, qui est un jeu hyper connu, mais auquel j'avais jamais touché. Et du coup, j'ai regardé quelques streams, mais il y a quand même des logiques de jeu qu'il faut mettre en place et tout. Ouais. Mais après, comme j'ai une petite communauté comparée à d'autres streamers, je leur ai dit, le backseat est autorisé à partir du moment où vous êtes sympa et tout. Et ça s'est ultra bien passé. Mais aussi parce que j'ai vraiment mis les points sur les i en disant si vous êtes relou on arrête tout quoi. Mais si j'avais 7000 viewers ce serait impossible par exemple. C'est vrai que plus t'as de gens plus c'est compliqué de faire ça. Ça dépend en vrai. Ça dépend. Le chat va plus vite. Va plus vite. Déjà tu lis moins tout aussi. Tu peux te permettre de moins lire tout ce qui est écrit dans le chat. Et globalement, enfin en tout cas de mon expérience, évidemment t'as 2-3 gars qui respectent pas les règles, des trucs comme ça, mais ils se font très vite recadrer, que ce soit par la modération, mais aussi même par la communauté qui est un peu plus, c'est ça qui est fils, qui est déjà un peu plus habitué, et ils recadrent eux-mêmes avant même que j'ai peut-être à le faire moi-même aussi. Il y a une automodération sur Twitch, en fait. Il y a une sorte d'automodération par les habitués, on va dire. C'est un travail aussi. Moi, je parle de ça, je n'y connais rien, mais c'est un travail que vous avez fait vous aussi. Sur le long terme, effectivement, c'est un truc que j'ai voulu parce que j'aimais pas trop la. Une certaine partie de la communauté que j'avais pu avoir sur YouTube, j'avais même fait un débrief d'une conférence affreuse. Très drôle. Très drôle pour vous. Et du coup, très intéressante aussi, bien sûr. Et bien sûr, mais ça a été un déclic, et c'est entre autres un déclic parmi plein d'autres, tu vois, mais... J'ai l'impression que même des gens qui te suivaient se sont rendus compte de plein de choses sur ce live précis où tu débriefais cette conférence et dire j'ai peut-être été Segala quoi. Oui, mais après c'était des gens. Pardon. Jacques Segala. Elle est très belle. C'était des gens assez jeunes, tu vois, du coup c'est normal qu'ils se rendent pas spécialement compte. Et puis, comme disent les Américains, tu fais ton propre lit, tu vois. Ouais. Et bon, moi j'avais pas spécialement. J'avais pas les clés en main, je savais pas spécialement comment gérer une communauté, on m'a pas donné de mode d'emploi, je pensais, comme j'ai dit tout à l'heure, je pensais pas que ça allait percer ou quoi. Je comptais même pas là-dessus, mais du coup j'ai appris de tout ça. Et quand je me suis vraiment lancé sur Twitch en janvier 2018, assez sérieusement, très sérieusement même, puisque maintenant c'est mon métier, bah j'avais en tête, je veux plus ça, je veux que ça se passe bien, je veux que ça soit moins concon et tout, même si bah on fait les débiles et tout. Ouais, évidemment, t'as jamais relayé sur les réseaux sociaux, t'es live. Exactement, ouais. J'ai jamais relayé sur les réseaux sociaux. J'ai voulu que ça se fasse un peu naturellement, même si je suis pas une figure inconnue sur internet du tout. Oui, tu vois, avec un head start du coup. Voilà, effectivement, ouais. J'ai cheaté un peu au début, mais j'ai regardé là récemment. T'as cheaté bah, complètement. Enfin, je veux dire, j'ai regardé mes premiers lives, on était genre à 200-300 viewers, tu vois. Là maintenant, on est plusieurs milliers. Il y a eu les best-of sur YouTube aussi. Il y a eu tout ça, mais en fait, quand t'as commencé, c'est vrai qu'il y avait pas tant de monde. Mais ça s'est fait un peu. Ça s'est fait plus naturellement plutôt que je tweete à chaque fois en mode hé, venez s'il vous plaît, ma communauté de YouTube et tout. Là, c'était des gens qui étaient en mode ah putain, mais tu fais du Twitch et tout. Moi, je suis sur Twitch aussi, je regarde bah, justement MV, Zerator et d'autres et tout. Et du coup, je vais aussi regarder ce que tu fais pour voir ce que ça donne. Et puis, j'aime bien, bah, je reste, tu vois. Ouais. Et Je pense que quelle est la meilleure démarche, parce que quand des gens qui ont fait du YouTube arrivent sur Twitch en disant on débarque, ça donne le live. Donc, du coup, peut-être. Il y a ça, mais en vrai, il y a plein de. Je vais pas spécialement donner de nom, tu vois, mais il y a plein. Voilà, mais il y a plein de. Ils ont sûrement été invités dans cette émission. Voilà, en plus, donc. Il y a plein de YouTubeurs qui ont essayé de se lancer sur Twitch et souvent, ça n'a pas spécialement marché, mais j'ai plus l'impression qu'ils sont dans la démarche, c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Ouais, plutôt ouais. que. Moi, en tout cas, au moment où je me suis lancé sur Twitch, c'est parce que je regardais du Twitch. Parce que ma compagne de l'époque en regardait beaucoup. Et du coup, je m'y suis mis aussi. Bon, je connaissais évidemment des noms connus. On s'était déjà croisés quelques rares fois avec Xavier avant dans certains bars horribles parisiens, tout ça. c'était déjà arrivé. Bah, le fameux celui dont on parle tout le temps qui est horrible. Le Trosker. Le Trosker. On s'était déjà croisés là-bas. Les pires soirées. À chaque fois que j'étais arrivé là-bas, j'allais dire pourquoi je suis là, mais bon, il y avait des gens. J'allais dire le T-word pour ne pas le citer. Non, mais le Trosker, bon, d'accord, mais le truc, c'est que ça fermait à 5 heures en fait. Oui, du coup, tu n'avais pas à se déplacer. Bref, on s'en fout. Mais du coup, je connaissais quelques noms. Mais en fait, je suis surtout devenu un gros consommateur et spectateur de Twitch. Et en fait, je regardais plus trop de trucs sur YouTube. Et quand j'allais sur YouTube, c'était pour regarder genre des best-of de mecs que je regardais sur Twitch ou des reuploads de live ou des trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, putain, mais j'adore ça. Et en fait, j'aime trop, ne serait-ce que ce qui se passe sur les lives, mais aussi toute la grammaire du chat, tout l'état d'esprit qu'il peut y avoir sur Twitch et tout. Et en fait, je me suis lancé parce que j'aimais très sincèrement ça et je pense que c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu plus réussi sur Twitch que certains autres youtubeurs qui sont essayés au truc, parce que je pense que c'était pas spécialement la même démarche pour certains, tu vois. Mais c'est vrai que le saut... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je voulais pas te couper. Non, t'inquiète. Il y a un truc que je trouve assez étonnant, c'est que je trouve qu'il y a des vidéastes sur YouTube qui ont un peu le même mépris pour Twitch. Que eux ont enfin, il y a quelques il y a quelques mois, parce que maintenant je suis un peu d'accord avec toi, je sais ce que tu vas dire. Il y a le même mépris pour Twitch que les médias tradis entre guillemets avaient pour YouTube, et je me dis pourquoi refais en fait tu t'es battu contre une oppression, je mets un terme vraiment là-dessus parce que c'est pas mon terme, mais que tu as subi une condescendance, c'est plus ce terme que tu refais subir à d'autres personnes parce qu'on a plus fait rentrer YouTube dans les mœurs que vers Twitch. Et du coup, ils arrivent, pour certains, en se disant « Bon, c'est un petit peu ce qu'il faut que je fasse », un peu en terrain conquis. Mais en fait, c'est un métier qui est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Vidéaste et streamer, c'est rien deux choses très différentes. Non, parce que les YouTubeurs, tu peux avoir des millions d'abonnés sur YouTube, 10 millions, et faire 600 viewers sur Twitch. Tu vois, vraiment, ça n'a... Non, puis YouTube... Même beaucoup moins. Hein, même moins. Surtout de ce YouTube dont on parle, c'est un YouTube en plus qui était beaucoup sur le montage, et là, t'arrives sur du direct. Donc rien que ça, déjà, tu dois un peu réapprendre. T'as toujours un backup quand tu fais de la vidéo. T'as toujours un backup. Tu cuts, tu refais ta prise. En live, t'as dit une connerie. C'est vraiment rien à voir. Vraiment, j'ai déjà vu. Je vais pas le citer parce que ça se fait vraiment pas pour lui, mais tu sais de qui je, tu sais de qui je parle. Tu le diras j'ai déjà vu qu'un youtubeur qui a 400 000 abonnés sur YouTube et qui fait 24 viewers sur Twitch. Donc c'est vraiment c'est vraiment pas le même métier, rien n'est acquis, ça n'a rien à voir quoi. Vraiment c'est pas le transfert de la communauté aussi est très c'est très compliqué, ça n'a rien à voir. Tu veux dire quelque chose, Adrien? C'était sur Philippe Risoli. Quasiment. Non, j'allais dire, j'avais jamais eu autant de backseat que quand j'ai essayé de faire du GeoGuessr. C'est dur. Je crois que j'avais arrêté le live d'énervement. C'est bon, vous me faites chier. T'as de la modération sur Oui, non, mais après, je veux pas. Tu vois, c'était je m'énerve rapidement aussi, il faut dire. Mais en même temps, le backseat, c'est très agressant. Ouais, c'est très chiant. Mais du coup, maintenant, j'ai vraiment une anime exprès contre, pour dire pas de backseat. Voilà, faut mettre vraiment un truc, pas de backseat, pas de spoil, tout ça. Mais c'est un truc que je lance. Mais tu l'as fait il y a longtemps, ça, ou pas? De quoi? De Geogaster. Le stream sur Geogaster. Ouais, c'était... ça fait pas longtemps que je stream. Ça dépend ce que vous appelez longtemps. Mais t'aimes ça? Si t'essayes il y a 6 mois, par exemple. Oui, streamer, j'aime ça, ouais. Non, mais là... attends, il y a deux... Ouais, il y a trop de questions. Désolé. Non, c'était, je sais pas, ouais, il y a 3 mois, 2 mois, un truc comme ça. Parce que j'ai l'impression que maintenant, les gens sont plus rodés à Geogaster. Ils voient bien que personne backseat ou spoil ou qu'ils se prennent des bans direct, si jamais... Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que maintenant, il y a moins à faire la police... qu'avant en fait. Et du coup je me dis peut-être que si t'as streamé il y a 6 mois par exemple, ça a peut-être changé maintenant et ça aurait peut-être le coup de réessayer, mais je comprends que ce soit chiant. Après non, mais si, si tu le mets à l'écrit, que tu le dis oralement, ça peut le faire. Mais en fait le truc c'était pas tant du backseat mais que des gens qui disent oh là là, putain, mais oui, non, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Bon, ferme ta gueule, putain. Ils ont fait beaucoup de onomatopées à l'écrit. Oui, oui. Les mecs qui écrivent, oh, mais putain, c'est trop frustrant. Bah, like regarde ça, not like this. C'est comme quand tu fais des trucs de culture générale et compagnie. C'est des moments où tu t'exposes à fond au jugement des autres. Et donc, oui, c'est des lives un peu plus stressants. Dis-toi que, en fait, je faisais participer hier. Enfin, j'ai livé hier et j'ai fait une transition entre le Geogaster du dimanche et le Among Us du soir, et j'avais genre 45 minutes à tuer entre les deux, et j'ai fait ce que vous deux, toi Florence et MV, vous faites parfois, c'est du Cetera, tu sais, les trucs où tu dois tous les numéros, voilà, c'est de la région géographique où tu dois trouver genre il te montre tel département c'est ça, il te montre tel département c'est ça, ou tu dois lister toutes les préfectures et tout, histoire de réviser un peu ta géographie. Voilà, genre des trucs, tu vois. Nul à ça. Voilà, en fait, je suis pas ultra bon. En fait, j'avais passé le chat en emote only, c'est-à-dire qu'ils me pouvaient mettre que des émoticônes, voilà, tout ça. Et en fait, je leur disais, si je trouve pas, donnez-moi des indices, mais uniquement. Et du coup, par exemple, il y avait 1+1+1 pour la ville de Troyes, tu vois. Et c'était assez rigolo. Ça, je l'avais fait pour Baba Is You, qui est un jeu de puzzle qui est sorti sur Switch. Vraiment des puzzles assez poussés, cérébraux. Et du coup, c'était incroyable. Ils faisaient des délires en mode des mains qui poussent des canettes. Et je devais comprendre que pour 3 fois, je devais pousser des blocs par la droite. Et du coup, ça faisait un méta stream assez rigolo. Ils faisaient un poulpe pour Colmar, le calmar, tu vois. On est toujours sur Twitch. Une question, les interactions entre vidéastes, streamers et leur public ont tendance à donner un sentiment de proximité chez les spectateurs. Comment faites-vous pour limiter cette sensation qui peut aboutir à des débordements? Bon, on en parlait un peu en même temps, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire et qui repose en grande partie sur de l'improvisation en public. Comment vous gérez en gros ce que vous donnez aux gens vu que vous êtes en live pendant longtemps, en termes on peut vite croire qu'on est potes quoi sur un stream parce que on dit les noms et on dit bonjour et machin et tout. Moi j'ai géré ça assez vite. Moi je suis commencé Twitch en 2011-2012, donc il y a vraiment longtemps. Et donc je suis vraiment passé de stream à quelques dizaines de viewers, quelques centaines, etc. Où je connaissais les gens par leur nom. On avait vraiment un rapport vraiment de discute. Assez vite, quand j'ai commencé à percer avec les web TV et compagnie et que j'ai eu plusieurs milliers de spectateurs, à vraiment un rôle d'entertainer en fait. Donc moi j'aime bien que les gens viennent, passent un bon moment. J'ai très souvent rigole quoi. J'ai très souvent des que ce soit dans les réabonnements ou dans les donations ou même des mails, des gens qui me disent vraiment que voilà, enfin c'est assez régulier, mais même pour toi, enfin vous en youtubeur, ça arrive, tu vois, enfin sur YouTube, mais en gros des gens qui te témoignent vraiment genre de l'affection en mode ça allait mal et tout, tu m'as fait rigoler pendant les 2-3 ans où j'étais hospitalisé, enfin des choses de genre, tu vois, qui reviennent assez régulièrement. Et donc c'est très cool, mais j'aime bien en fait les maintenant je m'ouvre un peu plus de temps en temps, mais je veux être absolument en contrôle de ce que je donne parce que les gens sont comment dire, ils sont voraces à l'infini de vouloir pénétrer dans ton univers et dans ton intimité. Donc moi j'aime bien faire rire les gens, mais entre guillemets j'ai le chat est un peu une entité, j'interagis avec une entité, je vais pas vraiment avoir des grosses discussions. Des fois je fais un peu très rarement je discute en ouverture de live, chose que je faisais plus régulièrement avant. Mais j'aime bien amuser les gens et avoir des gros moments de délire et d'euphorie avec eux, mais pas vraiment de complicité ou je mets cette barrière assez vite et ils le comprennent quand je leur dis ma phobie des réseaux sociaux. J'ai littéralement la même réponse que lui. Vraiment, c'est la même chose. Vraiment, je pourrais pas en rajouter plus. Justement, en fait, il y a une question qui dit quel est votre, parce que c'est très lié à ce que tu dis. Quel est votre rapport à la solitude? Est-ce que on ressent une forme de solitude quand on passe à des milliers de personnes en live? D'un coup, on est tout seul chez soi, ou est-ce qu'il y a un petit une chute d'adrénaline des oui, choses comme ça. Oui, le, enfin, les besoins naturels que tu avais réfrénés involontairement pendant le stream. Dire, ah bah tiens, j'ai faim, tiens, j'ai envie de pisser, ouais, tiens, j'ai envie de. Ouais, je suis fatigué. Tu te rends compte que t'es très fatigué. Ouais, après, voilà, que genre t'as des trucs. Oublié tes besoins vitaux. Après, genre, moi, tu tombes littéralement. Après, de... moi, j'aime. Je tombe pas, mais en fait, je suis. Enfin, c'est pas que je m'écroule de fatigue, mais des fois, je me sens très énergique. Et quand je coupe le stream, je me dis, ah, mais je suis vraiment fatigué. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de très intense, genre une séance de sport. Moi, quand je faisais beaucoup de sport, ça me faisait ça. Dans ma séance, j'étais bien, et quand ça redescend, tu te dis, j'irais bien me coucher maintenant. Ouais, en fait. D'accord. Ah non, à l'inverse, moi, je peux avoir l'adrénaline en mode, genre, je suis encore dedans, c'était trop bien, je remate un peu ce qui s'est passé, un truc comme ça. Quoi. Oui, bah, alors ça aussi, ça m'arrive aussi. Effectivement, je peux remater des clips qui sont passés pendant le live, parce qu'on peut clipper sur Twitch des petits extraits, des courts extraits. Bah, j'explique un peu pour les gens qui. Je pense que là, ils nous suivent. Hein. Oui, là, ouais, maintenant, effectivement, je pense qu'ils sont avec nous. Et tu peux clipper, voilà, tout ça. Mais moi, j'aime bien ce sentiment de. Moi, j'aime bien être justement ce sentiment un peu de solitude, d'être avec les gens que j'aime bien, ce genre de choses. J'aime bien. C'est pas un truc qui me dérange du tout. Bah, y a un truc qui est vachement agréable aussi. Moi, pour avoir fait plein de, un peu de bullshit jobs où j'ai vraiment l'impression de faire une tâche ingrate qui sert à rien. Quand les gens te disent merci pour le stream, j'ai passé un bon moment, j'ai bien ri, t'as pas changé le monde, mais au moins t'as fait quelque chose de bien. Un petit partage cool, et quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ni plus ni moins. Et en fait, je me dis, bon, bah, ma journée, j'ai fait un truc bien, quoi, c'est cool. Et ça, c'est vraiment chouette. Toujours un peu dans le stream, comment choisissez-vous vos compagnons de soirée de stream? Vous est-il arrivé d'être sélectif sur la présence de certaines personnes? Est-ce en fonction de ce qui leur arrive, de leur comportement, ou de type de jeu streamé, ou tout simplement une question d'affinité? C'est toi qui le dis aussi. Il n'y a pas d'amis sur Twitch, il n'y a que des partenaires commerciaux. Mais est-ce que c'est selon les jeux? Est-ce que c'est les affinités? Ben, je sais pas. Moi j'ai plusieurs exemples parce que moi c'est un peu particulier. Il y a évidemment Adrien Zerator, on s'est connu assez tôt. Il m'avait repéré via un de ses partenaires quand il a créé sa web TV, la ZTV, c'était en 2013. Donc on a appris à se connaître là et ça a tout de suite cliqué. Et bon, c'est un milieu. Moi, par exemple, je connais pas beaucoup moins le milieu de YouTube, mais qui, de tous les retours qui en revenaient, c'est que c'était très compétitif, beaucoup de méfiance, etc. Les mafias. Et, étonnamment, je trouve effectivement que c'est plus compétitif sur YouTube que sur Twitch, alors que bah, quand tu regardes le live de quelqu'un, tu regardes pas le live de quelqu'un d'autre en même temps. Alors que sur YouTube, tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux. Et du coup, je trouve que étonnamment sur Twitch, je trouve que l'ambiance est bien meilleure que sur YouTube. Je parle pas évidemment de tous les youtubeurs du tout. Mais y avait, sur YouTube, il y avait un peu des familles, j'ai l'impression. Ouais, c'était ça, peu, quoi. Ouais, c'était, et t'avais des clans un peu. Ouais, et très consanguine. C'est-à-dire que après, sur tournée, Twitch, tu peux avoir ça un peu aussi, en vrai, sur Twitch aussi. Un peu. Bah, ça risque même d'aller. Enfin, si tu fais pas gaffe, c'est le genre de choses qui peuvent arriver sans que tu t'en rendes compte, même, je pense. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai fait l'effort assez tôt. Typiquement, la communauté musicale sur Twitch, je l'ai. Indirectement beaucoup boosté parce que à chaque fin de live je raidais des musiciens qui avaient genre 50 viewers et compagnie, et maintenant qui sont partenaires, qui s'en sortent très bien, même des américains, enfin des anglophones, pas des français, etc. Tout le monde aussi, pas mal de streamers ont leur protégé et compagnie. Moi, je sais qu'il y a des streamers qui sont amis depuis longtemps et que j'ai pas mal feed, genre Mintos et compagnie. C'est des gens que j'aime beaucoup. Je stream de temps en temps avec eux et je leur file des coups de pouce. Ils sont auto-host quasiment tout le temps. Ensuite, il y a quand je stream avec Zera ou quand on est sur des gros jeux style Among Us et compagnie, il y a un effet de masse qui se fait. Il y a des exemples. On parlait justement des youtubeurs qui arrivaient sur Twitch. Il y a plusieurs. Archétype, mais typiquement Squeezie qui est d'ailleurs assez talentueux en streamer, par rapport à beaucoup de youtubeurs qui sont lancés, il a de la répartie, il arrive à rebondir, etc. Mais clairement, sur son business model, tu vois, ses soirées du jeudi, il va choper le gratin, il va un peu voir le gratin. Après, de Twitch. Après, il fait beaucoup aussi, j'ai l'impression. Mais il est très pote avec Gotaga. Il fait beaucoup son live aussi en fonction du best-of qui va en sortir aussi après, aussi, j'ai l'impression. Oui, il le vanne tout le temps sur. Ah zut, dommage pour le best-of, dès qu'il le tue dans un jeu, etc. Ouais. Mais bon, voilà, c'est évidemment que je pense qu'il y a des amis. Entre guillemets, d'opportunités commerciales, clairement. En fait, Twitch, il y a quand même quelque chose qui reste cruel, c'est que Twitch est une plateforme où entre guillemets, des gens qui en vivent, c'est 0,01%, je crois, des créateurs. Ah ouais, je pensais pas que c'était à ce point. C'est pas si étonnant. Ça m'étonne pas, mais ouais. On est entouré des gens moins d'un pourcent des streamers qui sont partenaires. Et parmi ces partenaires, il y en a plein d'inactifs et il y en a très peu qui gagnent plus du SMIC. Ouais. Et ensuite, il y en a qui gagnent extrêmement bien leur vie. Maintenant, je gagne très très bien la vie de Twitch. Et donc oui, c'est c'est pas facile. Moi, j'ai jamais eu de, comment dire, de peur ou de lancer qui que ce soit. J'ai jamais ressenti le fait que de propulser certaines personnes allait nuire à mon audience. J'ai plutôt été assez relax par rapport à ça. Mais c'est vrai que, pas vu que ce soit lors des events, que Crazerator, que ce soit lors des grosses soirées qui s'organisent et compagnie, on est amené aussi à travailler souvent, enfin à streamer, à faire du fit entre guillemets avec des gens, fit and fun, du fit and fun avec des gros grands streamers. Ensuite, bah typiquement là, la semaine prochaine, j'ai une OP sur un jeu à 4 qui va être assez cool, et moi j'ai négocié mon cachet et on m'a dit bah vas-y, est-ce que tu pourrais trouver trois autres personnes, et je suis allé voir trois plus petits streamers en leur disant est-ce que ça te va, est-ce que ça serait cool comme thune, des streamers que j'aime bien, deux streameuses et un streamer, et du coup on va faire le truc à quatre, et entre guillemets moi je serai le gros nom, mais je m'en fous, tu vois, enfin c'est très cool de faire ça et de faire un petit peu grailler tout le monde, quoi. Tu fais Kikro tout simplement, voilà. Une question un tout petit peu plus précise pour toi, MV, des nouvelles concernant le jeu de rôle que tu veux mettre en place? Ça c'est marrant, ça. J'ai lâché ce truc là en fait j'avais projet de faire un mais tu viens de là, fais du jeu de rôle depuis longtemps? J'ai fait en joueur, ouais, j'ai fait plusieurs campagnes, et dont une campagne de Donjons et Dragons qui a duré 12 ans. J'ai fait un peu d'autres trucs, du Star Wars, du Chill, du Légende des 5 Anneaux, des petits trucs par-ci par-là. Et le jeu de rôle, en fait c'est rigolo, j'avais vraiment envie de faire un jeu de rôle sur Twitch, en prenant évidemment un exemple de production, Critical Role, bien qui sûr. Est un peu le modèle US, avec des pour le coup des comédiens de doublage. Matthew Mercer qui est extraordinaire en maître de jeu, qui peut te faire tout, du petit gobelin au dragon qui sort de sa caverne, etc., juste en vocal, et qui écrit très bien ses quêtes. Mais bizarrement, je voulais faire ça alors que j'arrive pas à regarder, ce qui est un peu paradoxal. Mais bon, j'avais envie. J'ai ça avec les podcasts, moi. Je n'arrive plus à en écouter. Non, mais j'adore en faire, mais c'est vrai que j'en écoute plus du tout parce que. Quand c'est ton métier. Ouais, quand t'es dedans, peut-être t'as moins d'appétit, je sais pas. Mais toi, Adrien, du coup, toi, tu participes à. La Bonne Auberge. La Bonne Auberge, ouais. Le modèle, c'est aussi Critical Role. Enfin, c'est pas moi qui ai créé le truc, mais il m'a dit que c'était le modèle aussi. Ouais. Qui marche bien d'ailleurs. J'aurais jamais cru que du jeu de rôle sur Twitch, ça pouvait attirer autant. Ah non, mais tu regardes Critical Role, pour le coup, ça marche vraiment bien. Et La Bonne Auberge, ça marche. Oui, mais justement, quand j'ai vu La Bonne Auberge qui commençait à sortir, parce que vous avez commencé quand L'an dernier. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près, ouais. Et quand j'ai vu le nombre de personnes que ça a attiré, j'étais vraiment agréablement surprise en me disant ah, mais en fait, Twitch est vraiment en train d'évoluer pour aller. Ouais, moi aussi, j'étais surpris, quoi. Parce que c'est vraiment. Enfin, Twitch, déjà, c'est quand même moins populaire que YouTube et tout ça. Sûr. Et en plus, le jeu de rôle, c'est encore plus de niche, quoi. Comme je disais, ça fait vraiment un combo je de. Je vous voyais à 2000 personnes, tout ça. La dernière fois, ouais. Le dernier live, c'était ça, ouais. Ça progresse bien, quoi. On embrasse fort Lucien Maine, qui est derrière tout ça, qui n'est pas tout seul, mais qui travaille, qui est le maître de jeu. Ouais, le maître de jeu. Donc, toi, tu as des envies, mais en plus, c'est beaucoup de travail, quand même. En fait, voilà, c'est énorme. J'ai eu l'envie, on avait discuté à l'époque avec Fibre Tigre, qui depuis a fait Game of Thrones et qui marche très bien aussi, tout à fait, et on avait fait une partie test avec Daz aussi, qui était là et d'autres joueuses, et en gros moi j'ai été pris dans 10 milliards de projets, donc Fibre m'a dit, j'ai été contacté par la JVTV à l'époque pour faire ça, j'ai dit vas-y, moi j'ai pas le temps, truc et tout, et ensuite je me suis dit en fait pour maîtriser l'univers et que ça soit drôle et ce que j'ai envie de faire, il faut que je sois maître de jeu en fait, parce que pour contrôler le tempo, pour faire les PNJ, pour un peu poser l'ambiance, et évidemment avoir d'excellents joueurs et joueuses, donc en fait le souci c'est que j'étais beaucoup joueur, peu maître de jeu, ça demande énormément de travail en écriture, en improvisation, absorber, connaître les règles par cœur et vraiment contrôler les silences, contrôler le temps de prise de décision, et j'ai trop d'inexpérience en maître de jeu pour le faire. Ensuite, une fois que tu as assemblé ton équipe, pour faire des parties tests à blanc pour voir si l'équipe colle bien, etc. Donc en termes de prépa et avant de le mettre en place, c'est très très long. Mais ensuite, oui, moi je connais plein de gens maintenant en prod vidéo au fil des années, ça s'est un peu professionnalisé pour avoir des beaux locaux, faire des beaux plans, etc., avoir un beau décor. Mais ouais, c'est maintenant du très très lointain parce que c'est un taf monumental et je suis sur 10 milliards de trucs, donc compliqué. Encore deux petites questions et après je vous laisse. Ça fait longtemps qu'on parle, mais c'est très cool. J'aime beaucoup cette émission. je débriefe beaucoup les choses. Antoine, apparemment, tu as souvent évoqué que pour toi, YouTube c'est beaucoup de souffrance pour un orgasme final magnifique, alors que Twitch c'est des petits plaisirs au quotidien, plus accessibles mais peut-être moins puissants. Envisages-tu un jour de revenir souffrir sur YouTube, pas forcément dans une émission, mais en tout cas dans de la création? Ou penses-tu que Twitch arrivera, lui, à te donner cet orgasme que tu arrives à avoir sur YouTube? Non, oui, c'est ce que je disais. Je disais que faire de la vidéo sur YouTube, en tout cas dans mon cas, c'était vraiment des mois de souffrance pour un orgasme gigantesque Au moment de la sortie, ouais. Ouais, c'est au moment de la sortie, mais qui retombe assez vite en vrai. Parce que tu te dis, bah putain, faut que je fasse la. Faut que je passe au suivant, tu vois, ouais, genre trop de choses. Alors que Twitch, c'est pas vraiment. Enfin, il y a eu des moments vraiment forts, je pense, par exemple. Oh, pardon. Non, il y a eu vraiment des moments assez forts, je pense, par exemple, bah, ne serait-ce que, je sais pas, au The Event l'année dernière, qui était un moment assez, assez puissant aussi, tout ça. Mais c'est plus pour moi des. Plein de petits plaisirs tous les jours, ou quasiment tous les jours, mais jamais un gros, gros orgasme, ouais. Tout ça. Et en fait, moi, c'est ce qui me va mieux, en tout cas à l'heure actuelle, parce que bon, j'ai très mal vécu plein de trucs sur YouTube et tout. Je suis très heureux comme ça. Et évidemment, je ressens, parce que là, j'ai participé, j'ai joué, qui n'est pas encore sorti, mais bon, c'est pas un secret, dans la vidéo des 10-11 ans de Joueurs du Grenier. Et du coup, j'ai tourné deux semaines quasiment. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était un gros tournage et j'ai un gros rôle dedans. J'ai tourné deux semaines là-dedans et quand je voyais vraiment toute l'équipe, toute l'ambiance du tournage et tout, je me disais putain, c'est quand même un truc qui me manque, tu vois. C'est, ouais. C'est un truc que j'aime bien. Je me disais putain, j'aimerais bien que ce soit moi qui fait ça, tu vois. Ouais. Mais après, je me dis en fait, faire de la vidéo, ça me manque, c'est YouTube qui me manque pas. Ouais, bien sûr. C'est YouTube qui me manque. Oui, pas. Oui, limite, si demain on disait tiens, fais ta série, limite c'est mieux quoi. Peut-être, c'est plus, peut-être, et encore. En fait, ouais. À l'heure actuelle, je suis bien dans ce que je fais. J'ai pas vraiment. En fait, j'ai de gros projets, mais qui sont. J'en parlerai pas parce que bah, pour l'instant, c'est à l'état d'embryon et tout. Mais qui sont pas du tout sur internet ou en rapport avec ce que j'ai pu faire auparavant. Je sais même pas si je chaînerai ça de mon nom ou quoi que ce soit. Mais pour ce qui est d'internet, en fait, à l'heure actuelle, je suis extrêmement. Enfin, je suis très heureux. Tu me prenais il y a 3 ans et il y a 4 ans, j'étais au fond du seau, quoi. Là, à l'heure actuelle, je suis très heureux. Je suis vraiment content dans mon taf. En fait, je m'amuse beaucoup dans mon travail. Je vois vraiment ça aussi comme un travail. Je suis vraiment très heureux dans ce que je fais. C'est pas ma passion, on va dire, mais c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir. Et du coup, à l'heure actuelle, je préfère rester là-dessus et être heureux, parce que pour moi c'est ce qui est important, bah ouais. Plutôt que de me forcer à me dire j'ai pas envie, en fait, à l'heure actuelle, de prendre des risques qui pourraient me faire peut-être rechuter dans une dépression ou des choses comme ça. D'accord. Là, à l'heure actuelle, je suis très bien. J'ai une légère frustration artistique sur certains points, on va dire, ouais. Tu vois, mais globalement c'est cool. C'est pas pour autant que je fais masse musique hors live, ouais, bien sûr. J'écris des trucs hors live aussi et tout ça, donc quand même je fais des trucs, je crée tout le temps même en vrai, mais pour ce qui est de mon travail, ça me plaît beaucoup. Et voilà. Mais ça se voit même un peu dans certains lives. Je repense aux The Event, quand t'avais fait cette fiction audio, tout ça, ouais. À chaque fois tu... Enfin voilà, c'est toujours là, quoi. Donc, c'est cool à voir. Ouais, quoi. Carrément. C'est cool à carrément. Voir. En plus, il y a un truc qui est très agréable sur Twitch, c'est que c'est très spontané. Enfin, même si tu contrôles ce que tu dis, c'est très spontané. Et en fait, si tu fais une blague qui marche bien, tu vois les gens réagir tout de suite. Et du coup, c'est très gratifiant de voir que les gens, tout de suite, là, maintenant, ils passent un bon moment. Ouais. Là où YouTube, tu vas pas... Tu vas pas voir l'évolution du visionnage de la personne au cas par cas. Voilà. Et puis sur YouTube, puis je trouve que la communauté sur YouTube est très sévère, en fait. Oui, oui, aussi. Je la trouve c'est très... des profs, hein. Je la trouve vraiment sévère pour pas grand chose, en fait. Et puis moi parfois, surtout quand tu fais des trucs, genre de la fiction, par exemple, des choses comme ça. En fait, plus tu fais un truc. Plus tu fais un truc un peu osef, que tu tournes un truc avec tes potes une après-midi, oui. Et tu le montes et ensuite ça fait une vidéo, tu vois, les gens acceptent ça. Mais par contre, si tu mets je sais pas 2-3 mois ou plus longtemps, ou même ne serait-ce que 2-3 semaines pour faire une vidéo un peu chiadée et tout, là ils vont être d'une sévérité, en fait, ouais. Avec toi, moi j'ai pas spécialement envie d'avoir cet avis là et ouais. Bah du coup je m'épargne ça, en fait. Et voilà. le gros avantage aussi sur Twitch, c'est que tu interagis avec ta communauté quasiment au jour le jour, oui, donc ils peuvent avoir une image un peu plus fidèle de toi et ouais. Comprendre un petit peu plus ouais. Tes limites et ce que t'aimes pas, et du coup tu peux au fil du temps un peu plus entre guillemets façonner faire rester les gens que t'as envie d'avoir. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et surtout en plus quand t'as un débordement ou un truc qui te plaît pas, tu peux adresser le truc directement. Ouais. Et couper au besoin, si jamais t'es pas bien. Voilà, tu peux vraiment. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que si ton live t'estimes qu'il s'est pas ultra bien passé ou t'as pas trop aimé, c'est pas très grave, demain t'en feras un autre. Ouais, c'est ouais, bon, ouais, tu ouais, vois. C'est ça. Ouais. C'est voilà. Très bien. Et enfin, une question pour un peu tous les invités autour de la table. N'avez-vous pas l'impression de faire comme les guignols de l'info avec Jacques Chirac, avec Patrick Balkany et la droite française, en règle générale, en le rendant sympathique? Ça m'a fait rire. En vrai, c'est une vraie question que je me suis posée par rapport à... Moi, c'est quand il a fait sa danse, là, où j'ai trouvé les gens, tout le monde se disant « Oh, génial, tu sais, pour la fête de la musique, il a dansé. » Et moi, ça m'a... Il agresse une femme, il a touché après. Un il l'agresse sexuellement. Il touche un cul. Ouais. Putain, non, il touche pas un cul, il fait une agression. C'est une double main au cul, alors qu'elle lui dit non. Je suis d'accord, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est le moment où moi, je me suis dit « Ah bah, tu vois, là, d'un coup, le fait que tout le monde fasse... Sacré Balkany. Sacré Balkany. Moi, j'ai pas tellement vu des gens dire Sacré Balkany quand même. J'ai dû. Enfin. Ah, j'en ai vu moi. Qui a un dessin animé que j'ai envie de. Sacré mais... Balkany. Non, non, il y en a, mais moi, j'ai quand même aussi surtout vu des gens dire ah, bah, je crois qu'il était en. Trop mauvais état de santé pour être en taule, et là il est en train de danser. Mais, non, mais en vrai, ouais, mais il garde, c'est un peu il comme. Il a carotté, il a carotté. C'est un peu comme Tapie à l'époque, quoi. Il, ouais. c'est, oui, c'est ça. C'est vraiment l'icône, le stéréotype du roublard, justement. Ouais, c'est roublard, ça, du mec, ouais, qui, est, du mec qui s'en sort toujours, ouais, alors que c'est le pire des escrocs. Donc c'est pas une véritable affection, mais c'est un sujet de drôlerie parce que voilà. c'est délirant, quoi. En fait, c'est bien de se moquer aussi de ce genre de. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en fait? Oui, bien sûr. En fait, qu'est-ce qu'on. On peut rien faire en fait. Bah, visiblement, la justice l'a pas mis en prison. Donc à partir elle l'a de mis là... en prison, mais pas longtemps. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est. Effectivement, c'est une question que je me suis posée parce que. Bon, même maintenant, j'estime que les blagues sur Balkany chez moi, c'est un peu éculé aussi. Ouais. J'en ai un peu ras le cul. Maintenant qu'il n'y a plus l'émote. Voilà, en plus, on m'a supprimé mon émote. Oui, parce que j'avais l'émote de Macron qui gueule le projet. En fait, ouais, toutes les. Bah, évidemment, les ayants droit, en théorie, il y a beaucoup d'émotes sur Twitch qui devraient sauter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celles qui touchent aux politiques sont systématiquement enlevées. Ah, maintenant. Ouais, moi, ça chie dans son froc, le gouvernement. Si on prend. Non, c'est pas Mario, c'est Michel. C'est lequel qui était allé en politique? Mario, c'est Mario. Michel a volé Laurent. Ok, il n'est pas éligible. Mario Maréchal Le Pen. Moi, je vais faire une émote de lui. Personne ne saura que c'est un politique. Bah, lui, tu peux y aller. Lui, tu peux y très, aller. Très bon titre pour la prochaine sortie de la licence Mario. Mario Maréchal Le Pen. Quelle meilleure façon de terminer cet épisode. Merci beaucoup. D'habitude, on fait des petites recommandations culturelles. Si vous pensez à quelque chose, on peut le. Bah, toi, Adrien, c'est quoi? Putain, j'ai trop pas réfléchi. Ah non, j'ai pas réfléchi. Non, mais Adrien peut nous le dire. Déjà, les siennes. Vous n'êtes pas obligé de les donner. Ça vous laisse le temps de réfléchir en plus si vous avez des trucs. Si vous avez des trucs, mais vous n'êtes pas obligé. Moi j'ai deux trucs. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Stuff Made Here. Et c'est un mec, un ingénieur qui, enfin, il y a plein de vidéos comme ça. Un ingénieur qui fabrique des trucs et tout et, mais lui j'ai rarement vu un mec se faire chier autant à fabriquer des trucs. C'est à dire que au début il avait commencé à il voulait fabriquer un panier de basket. Enfin, surtout au niveau de la planche, elle avait une forme concave qui faisait que tu étais obligé de marquer si tu tirais sur la planche. Ouais. Et puis ensuite, il a modifié le truc avec une. Enfin, il a poussé le projet plus loin dans une autre vidéo où il utilise une caméra de Xbox qui. Kinect, avec la, ouais, voilà, ouais. La Kinect, exactement. Qui faisait que, en gros, la planche carrément s'inclinait. Ah oui, elle bougeait pour tu vois le rebond que ça. Ah oui, d'accord. Et là, il a encore poussé le truc plus loin où en fait la planche carrément se déplace sur le mur. Donc c'est-à-dire que vraiment tu jettes n'importe où dans la pièce et t'es obligé de marquer parce que le panier se déplace. Wow, okay. Donc et le mec il s'est vraiment fait chier. Ah oui. Et en fait c'est assez fascinant de voir à quel point c'est-à-dire que le mec fabrique les trucs, fait la programmation. Enfin c'est vraiment. Ah oui, ça doit être impressionnant. C'est quoi le nom tu dis? Stuff Made Here. Stuff Made Here. Okay. Voilà. J'ai pensé à une chaîne YouTube d'un gars qui a fait son propre instrument de musique, mais c'est un truc complètement, c'est assez connu en vrai, où il y a un espèce de piano, mais il a tout fait en bois avec des rouages et tout. Ah oui. Et ça fait genre deux ans qu'il fait son truc. Ça fait genre deux ans qu'il fait son truc et qu'il montre l'évolution et ça fait vachement de vues et je n'ai absolument pas le nom donc je suis ah désolée. Merde. Et non, je l'en trouverai, je le mettrai en description. Et j'ai un autre truc que j'ai vu récemment, ça s'appelle Feels Good Man et c'est le documentaire sur Pepe the Frog. Ah oui, j'ai entendu. Donc sur son créateur Matt Fury. Et donc ça raconte comment son personnage, donc lui c'est un cartooniste américain à moitié hippie machin etc, qui faisait une BD qui s'appelle The Boys Club dont un des personnages est Pepe the Frog. Et donc c'est un truc vraiment très wholesome, enfin genre très gentil etc, et ça raconte comment le personnage de Pepe s'est fait récupérer par l'extrême droite etc. Ouais, toute l'évolution du truc, intéressant, ça, hein. Ça montre Lui, comment il a vécu le truc, comment il l'a mal vécu, il a essayé de tuer son personnage. Il l'a tué, enfin, oui. Mais tu peux pas tuer le truc. Non, mais c'est cool, justement. Il y a même, sans spoiler, il y a une sorte de happy end un peu au truc, quand même, mine de rien. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est moins cette image, l'image de Pepe the Frog est moins associée à l'extrême droite qu'à l'époque de la campagne de Trump, par exemple. Voilà, enfin, de toute façon, c'est pas vraiment un spoil parce que c'était des actualités, mais c'est les manifestants. Hongkongais, je veux pas dire de conneries, mais il y a eu des gros trucs à Hong Kong. Ils ont récupéré Pepe the Frog en fait comme symbole révolutionnaire et tout. Et du coup, ça a un peu dépossédé l'alt-right de Pepe the Frog, qui l'ont un peu abandonné et tout. Donc, malheureusement pour Xavier, c'est Crazy Frog maintenant. Extrême droite, désolé. Qui me poursuit au fil des années. Non, et c'est vachement intéressant parce que ça montre tous les mécanismes de tout le fonctionnement, toute la mémification de la haine en gros, qui est vachement intéressant. Pepe the Frog qui est archi populaire sur Twitch d'ailleurs. Et c'est justement assez intéressant de voir parce que ça crée justement des réactions différentes entre guillemets. Oui, est-ce qu'on abandonne, est-ce qu'on laisse entre guillemets, est-ce qu'on bannit l'utilisation parce que c'est associé, ça a été repris un moment par l'alt-right, ou est-ce qu'on se le réapproprie? Ça s'est réapproprié. Et en France, t'as eu ce truc là aussi avec Rizitas. Qui cartonne aux States maintenant depuis. Voilà, un an, et qui était très associé à l'alt-right française. C'est tout. Tout ça. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est aussi moins le cas aussi à l'heure actuelle qu'à une époque aussi. Ça devient mainstream un peu peut-être. Parce qu'en fait, Rizitas, il y a depuis un an, c'est. Tu sais, maintenant, sur Twitch, t'as l'extension BTTV et Franker Fazy qui te permettent d'avoir des emotes animés. Et là, aux États-Unis, surtout les gros streams US, c'est spammé de cette gueule-là. Et c'est l'emote cake, en gros, un lul qui devient cake, machin. Et c'est vraiment leur nouveau react truc. D'accord, et pour le coup, je pense que là-bas, ça n'a jamais été, il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est marrant que tu parles de PP sur Twitch parce que moi, justement, la dernière fois, j'étais en train de streamer et j'ai eu un raid de genre 600 personnes d'une chaîne que je connaissais pas. Et je vois les gens arriver et je vois quelqu'un poster un PP et je me suis dit, oh putain, c'est un stream de des gens qui viennent me faire chier quoi. J'ai un peu paniqué et en fait le mec m'a dit non on est gentil et tout machin etc. Qu'on va recevoir d'ailleurs justement je peux te dire d'ailleurs ça s'appelle Awkward Travel et c'est des gens qui c'est un couple qui sont sur un voilier. Et ils streament depuis leur voilier, ils streament leur voyage putain, et tout. C'est trop cool. C'est assez ouf. Ils arrivent à capter la 4G. Ils m'ont dit. Ils vont nous raconter. On va les inviter du coup. On va les inviter. En tout cas, on va faire un épisode avec des auditeurs. La meuf est canadienne, lui il est français. D'accord. Et il m'a dit on a 6 cartes SIM et on. voilà. D'accord. Mais c'est vachement intéressant. On va faire un épisode où on appelle des auditeurs et donc ils en feront partie pour nous raconter un peu comment. Quel plaisir de quelle vie. C'est un peu folle. Pour finir, sur le documentaire, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est évidemment tout ce truc de l'extrême droite. On voit à quel point c'est nocif pour la société à grande échelle, etc. Et c'est intéressant de voir à quel point c'est nocif vraiment à une échelle purement individuelle de ce mec-là, à quel point comment ça l'a affecté, quoi. Ça donne un peu une autre perspective de ce truc-là, à quel point ça peut être vraiment nocif à plein de niveaux. Ça met des visages un peu au harcèlement, en fait. Mais en plus, tu vois, c'est un truc bizarre de. Ouais. C'est pas vraiment du harcèlement parce que on a pas harcelé ce mec-là, mais. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est vachement intéressant. Moi, ça m'avait vraiment un peu brisé le cœur, cette histoire de Pepe the Frog, justement, le mec était. Enfin, c'est horrible, quoi, vraiment. Mais du coup, ça pense un peu les plaies de tout ça, de regarder le documentaire, même si bon, ça reste horrible. Mais je veux pas trop raconter. C'est vraiment cool. C'est sur quoi? C'est sur justement, j'ai oublié de. Non, je crois que tu peux le. Mais peut-être que aux États-Unis, je suis pas sûr. Mais il y a une plateforme. C'est eux-mêmes en indépendant qui proposent une location, je crois. Mais, sinon, mais le nom c'est quoi? Le nom de la plateforme. Oui. Les gens googliseront. Parce que je l'ai regardé. Également. Moi, je vous conseille parce que on a appris le décès de Michael Lonsdale. Aujourd'hui. C'est un de ses derniers films qu'il a fait, c'est Munich. Et moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, le film Munich de Steven Spielberg. Et alors, c'est pas du tout récent. Ah oui, mais, non, effectivement. Oui. Non, mais de toute façon, vous pouvez proposer. Je l'avais vu avec mes parents, ce film. C'est un très grand film, un très beau film de Steven Spielberg. Et voilà, donc ça ne mange pas de pain, Munich. C'est 2h40, hein, c'est vraiment un gros morceau. Mais moi qui. Alors c'est romancé, hein, mais c'est adapté d'une histoire vraie, donc des attentats qui sont arrivés à Munich et ce qui s'est passé derrière, où les services secrets israéliens ont mené leur vengeance contre des terroristes palestiniens. Donc c'est un poil touchy dit comme ça, mais le film est assez intelligent sur le fait qu'il y a un peu les deux parties qu'on écoute et sur ce que ça amène dans la haine et la guerre et ces choses là donc voilà, je vous invite à regarder ce film Munich de Steven Spielberg, qui est le film le plus un peu vénère de Spielberg. Il y a des trucs vraiment La liste de Schindler, c'était pas mal aussi au niveau Oh, il y avait des graphiquement justement, parce que la liste de Schindler des trucs émotionnels très forts. Ouais, et mais puissants. Même non, moi j'ai trouvé que c'était c'est un des films vraiment, c'est moi ça m'a vraiment choqué, la liste de Schindler, vraiment vraiment beaucoup quand je l'avais vu. Bah en tout cas j'ai trouvé que toi je sais que t'as kiffé. Toi tu peux pas blairer les nazis, t'as vu. C'est vrai. J'aime pas du tout ces mecs. Hein. Alors moi ils m'ont rien c'est fait. Des, donc excusez-moi du terme, c'est des connards quoi. Ah, les nazis c'est des connards. Ah ouais, connards, okay. Bah, toi t'aimes tout le monde quoi. Moi je trouve qu'à partir du moment où t'es poli déjà. Non mais c'est vrai. Ça se perd de nos jours. Ça se perd, ça se perd de plus en plus. Jette des mouchoirs par terre les mecs. Florence, tu as une idée de quelque chose à partager avec alors, nous? Alors, c'est pas récent, mais j'ai vu un film l'autre jour qui s'appelle Les Fils de l'Homme. Ah. Et plus Quaron, j'y repense... Quaron. Ouais, voilà. Et plus j'y repense, et j'adore quand j'ai fait une consommer une œuvre comme ça, plus tu y repenses et plus tu aimes en... Je l'avais googlisé, parce que je voulais dire ça, parce que je l'ai regardé. J'ai un truc pour toi, si tu veux. Non, mais... mais du coup, plus j'y repense et plus j'aime cette œuvre, et plus je repense au plan, et puis j'ai repris des passages sur YouTube, des extraits et tout. Et du coup, en quelle année il est sorti, du coup, comme tu avais le truc Les années 2010, en 2010, en tout cas, quelque chose comme ça. Je dirais 2010-2009. Attends, je te dis. Donc, il est pas... 2006. 14 ans. Il n'est pas sorti récemment, mais c'est rare qu'une œuvre... Enfin, il y a plein d'œuvres qui me plaisent, mais là, j'y repense. Il m'a plu quand je suis sortie. Ouais. Mais plus j'y repense et plus j'aime ce film. C'est extraordinaire. Et j'ai envie de le revoir alors que je l'ai vu il y a un mois. Donc allez le regarder. Les Fils de l'Homme d'Alphonse Cuarón. Il est sur Netflix. Il faut le dire maintenant parce que sinon les gens ils se disent. Il est soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime. Je sais plus. Mais il est dispo un peu partout. Et puis vous achetez les DVD, ça va maintenant. C'est connu. C'est un film qui est connu. MV. Ouais, moi dur à dire car niveau ciné série c'est un peu le point mort. Non, mais ça peut être jeux vidéo, littérature. Je pensais non, parce que moi là ce que j'absorbe c'est vraiment très Denis, j'absorbe des chaînes de musique. Tu peux dire ça, tu dis ce que tu veux vraiment. Non, mais sinon en termes de musique où tout le monde pourra s'éclater dessus, là il y a des ressorties HD de beaucoup de sets et d'enregistrements de concerts privés entre guillemets qui ont été faits sur la chaîne From the Basement. Ah oui, c'est comment il s'appelait cet ingé son très connu. Oui, et le studio va fermer en plus, donc on c'était l'ingé son de Radiohead, de NIN. J'ai plus son nom aussi. Mais bref, il y a From the Basement qui a ressorti justement par exemple tous les lives de Radiohead par rapport aux albums In Rainbows, Hail to the Thief. Non, pas Hail to the Thief. Amnesiac. Celui avec Lotus Flower qui était par pitié. King of Limbs. Non, King of Limbs. C'est King of Limbs. Oui. Bref, il y a plusieurs albums de Radiohead, il y a du PJ Harvey, des Raconteurs, il y a José González, il y a Sonic Youth à l'ancienne. Bref, de très très bons concerts très intimistes avec vraiment du très très bon matos, une cinématographie assez cool. Bref, c'est vraiment des bons groupes, c'est du bon son et c'est assez bien filmé, donc c'est vraiment cool à voir. Si vraiment vous êtes passé à travers des concerts Radiohead là-bas, c'est de la folie, vu que Thom Yorke entre guillemets sur des gros concerts des fois il y va un peu à la zob, il chante pas très précisément. Là pour le coup c'est très très précis et c'est magnifique tout du long, donc c'est assez fou les concerts que tu regardes au moment où les groupes ont cartonné. Et moi j'ai eu ça aussi sur effectivement les trucs genre Oasis ou enfin où tu vois maintenant Liam Gallagher tout seul et tout, quoi. Tu revois les concerts du moment où ils sont au top et tu fais ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Moi j'avais vu les Strokes en concert et j'étais un peu déçu, quoi, tu vois, tu te dis ah ouais, vous y êtes un peu plus tranquillou, quoi. Radiohead c'est je les avais vus il y a pas si longtemps. J'adore les Strokes, mais Radiohead je les avais vus il y a pas si longtemps que ça et c'était fou. Non, le truc de Radiohead c'est que Thom Yorke c'est vraiment l'artiste torturé par définition, mais en gros il arrive pas à s'impliquer dans une chanson s'il a plus aucune connexion émotionnelle avec, donc il déteste chanter Creep, il déteste chanter Karma Police, etc. Il se donne pas vraiment à fond là-dessus, tandis que les nouvelles œuvres c'est toujours un petit peu textbook chamé. Ça me fait penser à Kurt Cobain qui faisait exprès de démarrer Smells Like Teen Spirit mais ne la jouait pas. Oui. Genre il faisait le ta ta ta ta ta ta ta ta et ils arrêtaient, ce qui est extrêmement frustrant pour le public. Bien sûr. C'est ça. Antoine. Plein de choses. Là récemment je saurais pas trop te dire le bouquin là que t'avais trouvé. J'avais ça, j'avais lu un bouquin, mais après c'est des... Moi j'aime beaucoup les bouquins un peu d'aventure, un peu pour ados, tout ça. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle... quadrilogie de bouquins français qui s'appelle La Passe Miroir, qui est écrit par Christelle Dabos, et qui était, moi ça m'a, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien raconté, c'est un peu le Harry Potter à la française, on va dire. Okay. C'est un peu steampunk, un peu transphobe. C'est très TERF. Non, c'était vraiment très bien. Il y avait ça, on parlait de musique et pression musicale, je ne saurais que trop conseiller le groupe, le collectif Snarky Puppy. Ah oui. Ouais, qui est bien. Un collectif de ce qu'on appelle du jazz fusion. Même si à la base je pensais ne pas aimer le jazz il y a quelques années de ça, maintenant j'écoute beaucoup de choses qui sont dérivées de ça, y compris le jazz fusion. Vous avez un peu peur d'essayer, essayez au moins de regarder sur YouTube la vidéo de leur titre Lingus. Lingus. Et vous serez convaincu. Voilà, qui est une vidéo de 10 minutes de leur chanson qui s'appelle Lingus. Et dedans, je peux pas. En fait, c'est quoi dire, mais je peux pas spoiler ce qui se passe dedans, tellement c'est extraordinaire. Disons qu'il y a un claviériste et un batteur d'exception. Claviériste, il a un moment, mais c'est stratosphérique, c'est complètement fou. Et sinon, sur des scènes un peu proches, je serais trop conseillé des mecs comme Louis Cole, qu'on a vu justement en concert il y a un an, qui était excellent. De mecs qui parlent un peu, parce que du coup je me suis beaucoup intéressé au jazz, à sa technique et à ce qui se passe sur la chaîne jazz à l'heure actuelle, parce que pour moi le jazz c'était un peu les trucs un peu chiants qu'on peut entendre en claquant des doigts, ouais, voilà, tout ça. Alors, un bar, c'est pas du tout ça, tu vois, en tout cas à l'heure actuelle. Et t'as un mec qui vulgarise beaucoup ça aux États-Unis, enfin je crois qu'il est américain, en tout cas il parle anglais, je pense qu'il est américain ou canadien, qui s'appelle Charles Cornell sur YouTube, qui fait des vidéos qui sont à la fois très sympa pour expliquer ça et qui sont très drôles aussi. Et sur YouTube aussi, rien à voir, en youtubeur très drôle, je conseille Gus Johnson. Gus Johnson, qui est pour moi le mec qui me fait le plus rire sur la plateforme à l'heure actuelle. D'accord. Qui est à crever de rire. Gus Johnson. Il fait des sketchs. Il fait des petits sketchs. C'est dur, 40 secondes, quelque chose comme ça. Ou parfois 3 minutes dans les longues vidéos. Voilà, ouais. C'est mis en scène à la Zob, vraiment. C'est ultra. C'est vraiment pris avec le micro de la caméra. T'entends vraiment le zoom quand il zoom vraiment et tout. J'aime et déjà un peu. C'est moi, ça me fait crever de rire. Vraiment. Et c'est assez étonnant qu'on ait pas des petites vidéos parce qu'en fait, il a une idée qui est toute simple, mais juste la mise en scène est trop drôle et tu rigoles de ouf. Ouais. Et qu'on n'ait pas l'équivalent en France, en tout cas que je ne connais pas. En France, des mecs comme Freddy Gladieux peuvent m'y faire un peu penser, voilà, tu vois. C'est ça. Sur Insta, Jérôme, des fois, il fait des trucs complètement fous. C'est un peu plus poussé, on va dire. Un peu plus mis en scène. Lui, il fait ça avec son portable à l'arrache. C'est un peu à l'arrache, vraiment. Mais t'as vraiment à boire et à manger. Et il y a plein de trucs qui me font crever de rire dessus. Et je trouve ça très très très très drôle. Et sur Twitch regardez Crawling Flesh, il ne perce pas assez, je trouve qu'il est très fort. C'est voilà. Très bien, voilà. Et bon, on a mille choses. Ah, allez, peut-être une dernière chose pour faire un truc jeu vidéo, vu qu'on était Twitch et compagnie. Il y a la chaîne excellente de Game Makers Toolkit qui fait beaucoup de vidéos sur le game design et level design, et notamment si vous voulez voir des choses d'eux, c'est la série Boss Keys. Qui est vraiment génial, justement, sur des exemples de leçons entre guillemets en termes de game design, level design, très très bien monté, beaux effets, super bien documenté. Il y en a un sur Hollow Knight qui est mon préféré, parce que Hollow Knight pour moi c'est un des meilleurs jeux de ces dernières années, et vraiment super super cool à suivre, très très intelligent, trop bien. Évidemment aussi juste un dernier truc, une chaîne YouTube française excellente, Al236, que je pense que beaucoup de gens connaissent. Al236 qui parle de beaucoup en fait des univers alternatifs, beaucoup dans le détail, il va vraiment très loin et tout. Et ces vidéos sont passionnantes, extrêmement bien montées, presque un peu ASMR en vrai, dans la façon dont c'est fait. Je conseille vraiment, après c'est assez connu quand même à l'heure actuelle, je sais pas, il a quelques centaines de milliers d'abonnés, donc c'est pas mal, tu vois. Et évidemment, la BD de Flaubert aussi. Et il stream aussi, d'ailleurs. Oui, il stream aussi, Alt, tout à fait. Il stream aussi. Et justement, alors on va faire un dernier, pour se dire au revoir, un dernier tour de l'actualité de chacun. Donc vos chaînes Twitch respectives. Antoine, Daniel, live. Antoine, Daniel, live. Antoine, tout attaché. Live. Des lives assez réguliers. Voilà. Sur des choses diverses et variées. Voilà. Sinon, en termes d'actualité, c'est plus ou moins ça, mais c'est déjà pas mal. Florence, donc, qui a aussi donc ton Twitch. Ouais, ma chaîne Twitch. Faut taper quoi pour Angle droit. J'ai pris le même pseudo partout collé. Pour que les gens me retrouvent facilement. C'est une très bonne idée. Le Vortex. Le Vortex, ouais, avec du coup Montée de Linguistique et Valentine de Sciences de Comptoir et Un Créatif. un épisode tous les 15 jours où on est à tour de rôle chacun sur notre sujet, mais on apparaît tous les 4 à chaque épisode. D'accord. Voilà. Et des idées pour ta chaîne YouTube ou pour le moment déjà... Oui, ouais, ouais. J'aimerais bien faire des docus, mais tellement d'idées et si peu de temps. Mais je vous conseille ta dernière vidéo qui était super. C'est gentil. Tu parlais de la cancel culture, pardon, ouais. Tout ça, et c'est ouais. Extrêmement intéressant ce que tu y dis. Merci. MV, pareil, Twitch. Ouais, Mister MV, tout accroché. Beaucoup de projets, mais dont je ne peux pas vraiment parler, mais ouais, je suis un petit peu en ce moment, j'essaie de me sortir les doigts et de faire d'autres choses outre être rigolo en live. Donc là, je suis sur quelques projets musicaux dont je peux pas parler, je suis sur quelques projets d'événementiel aussi, donc là je me mets un peu à l'édito et la pré-prod. C'est assez cool de découvrir ça et d'essayer un petit peu de rajouter des flèches à mon arc, mais c'est cool, ça se on en parlera au fur et à mesure. Il y a l'event de speedrun caritatif pour Médecins du Monde qui devait se passer en mai, qu'on a décalé à fin novembre, mais là pour être très honnête on va peut-être encore le décaler parce que par rapport à la pandémie, puis voilà, par rapport à voilà, évidemment on l'avait décalé parce qu'on entrait dans le confinement. Là c'est peut-être encore techniquement jouable, si on peut le décaler ça m'arrangerait, parce que déjà pour pas que ça soit dans une ambiance flic et tout le monde, faire très attention et perdre la hype d'avoir un public en live pour les speedruns, etc. Ce qui est quand même excellent. Donc, à voir, mais ouais, plein de choses, plein de petites choses, des événements. Super. Voilà. Adrien ? Donc Twitch aussi, même si moi je suis plus trop, j'ai un peu perdu le rythme, j'essaie de le reprendre. Tu l'as repris là un peu quand même. La contrainte de streamer depuis l'endroit où ma femme, ma copine dort, hein, c'est un peu compliqué. Oui. Je n'ai pas une pièce dédiée, donc c'est un peu compliqué. Et puis aussi parce que j'ai repris le taf et tout, et c'est plus compliqué quoi. Le confinement c'était plus simple comme édition, voilà. C'était mieux quand il y avait le Covid. Ah, j'adore. C'était mieux avant. Rassurez-vous, il est toujours là. Rassurez-vous, ça revient. Je croise les doigts. La Bonne Auberge qui a repris tous les dimanches. Enfin non, tout le premier dimanche du mois, sauf quand c'est pas le premier, c'est le deuxième. Ouais. Comme en octobre par exemple, voilà. Ça sera pas le premier. Et puis bon, pour le cocher la case du bingo, je vais dire la série Derby Girls qui va bientôt sortir sur France TV / normalement. Nice. Et puis voilà, toujours Groom. T'as fait quoi sur la série juste ? Je joue dedans. Un des rares rôles, c'est quasiment que des rôles féminins dedans. Je suis un des mecs de la série. Ah bah enfin. Bien sûr. Ah, quand même. Et voilà, je crois que... Oui, les autres, on n'a pas le droit autres, de dire on encore. Peut pas dire encore, voilà. Eh bien, quant à moi, la BD, je vous en parle, je vous casse les oreilles avec, mais elle est sortie, bien Oli sûr. Et l'Alien, disponible chez tous les libraires, Fnac, Amazon, mes préférés les libraires, parce que bon, c'est quand même toujours mieux. Il n'y en a pas eu tant que ça d'éditer, donc je sais que Delcourt en réédite parce que vous avez un peu vidé les stocks, donc c'est quand même plutôt cool, mais on va en rééditer. Adrien, tu lèves le doigt. Non, je veux juste dire parce que... Alors... On m'a envoyé des DM à moi pour savoir dans quelle librairie ta BD était en stock. Et donc j'en profite pour dire, il y a un site qui s'appelle Place des Libraires. Ouais. Et tu cherches un livre et ça te dit dans quelle librairie à Paris ce livre-là est en stock. Ouais. Donc c'est très pratique. Ouais, pour ouais. Voilà. C'est intéressant ça, effectivement. Oui, et tu peux réserver aussi depuis le site dans la librairie pour aller chercher plus tard. Donc c'est vraiment un super, super intéressant. Et c'est seulement à Paris ou c'est national du coup ? Non, je crois que c'est national. Place des Libraires. Place des Libraires, ouais. Okay. Et du coup, c'est très pratique. N'hésitez pas, j'ai reçu un message d'ailleurs qui se voulait gentil qui me dit: regarde, j'ai caché ta BD entre deux Astérix. Je fais bah cool, comme ça les gens qui cherchent. Ils ne pourront pas la trouver. Et non, c'est super, merci beaucoup. Regarde, je l'ai mis dans la poubelle avec les amandes de chez Ada. Bonne idée, non ? Non, mais c'est cool. Là, franchement, je vois plein de gens continuer à m'envoyer des stories. Ça me fait vraiment plaisir. C'est mon premier objet que les gens peuvent avoir chez eux. Donc vraiment, ça me touche vraiment que les gens puissent l'avoir. Et donc, quand vous l'achetez et que vous m'envoyez une story, à chaque fois, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à m'envoyer des MP. Avec la BD, parce que je suis trop content de l'avoir chez vous. J'avais fait ce petit truc pour la sortie, j'avais fait le tour de Paris pour cacher des dédicaces. C'est trop cool dans les BD. Un peu chasse au trésor. Willy Wonka. Et franchement, on les a toutes trouvées. On est en train d'ailleurs de faire les dédicaces avec David, parce que du coup, en fait, il y avait un mail à l'intérieur pour qu'on fasse des dédicaces. En fait, on a fait des dédicaces. Parce que le dessinateur s'appelle, du coup, David Combet, évidemment, voilà. Bien sûr. Voilà. C'est grâce à lui que la BD a cette gueule, hein, parce que ce serait que le texte. Mais vraiment, si t'avais dessiné, ça aurait été vraiment moins bien. Une catastrophe. Plus ni moins. Non, mais du coup, j'avais mis une petite dédicace un peu impersonnelle et au dos, il y avait un mail pour que les gens puissent envoyer un mail en disant on a la BD avec une photo d'eux avec la BD. Et du coup, là, David vous fait des dessins personnalisés des personnages et tout. Et moi, je rajoute une petite bulle à la con avec une blague en rapport avec le perso et ce que les gens ont demandé. Parce que, pareil, avec le Covid, c'est un peu difficile de faire des dédicaces. Ceci étant dit, Nous serons en dédicace. Alors on a été en dédicace, que vous savez, nous on est dans le passé, donc à Lyon ce week-end. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et on est en dédicace avec David aussi à Paris le 30 octobre ou le 31 octobre. Le 30 octobre et le 31 octobre, on sera à Auxerre. Voilà. Donc on vous mettra les dates, les trucs. Mais voilà, en respect des gestes barrières, avec du plexiglas et des masques. Pas la meilleure ambiance, mais au moins on pourra vous rencontrer et c'est toujours ça de prix. Et en plus de ça, on a la sorte. Alors avec Jonathan Cohen et Jérémy Galland, on sort notre série. Attends, juste avant, je viens de voir ta BD est aussi sur les plateformes de BD numérique, parce que moi maintenant Ah oui, elle est sur Kindle et compagnie. Ouais, voilà. Ouais. Et puis sur moi, je lis les BD sur Isneo et elle est dessus. Et il y a un avis très gentil sur ta BD. Que tu ça fait plaisir. Oui, alors ça faites ça aussi, parce que moi je le dis pas, mais si vous kiffez, bon, si vous kiffez pas non plus, hein, soyez faites comme vous voulez. Non, si vous kiffez pas, le dites pas. Mais franchement, évitez de le dire. Non. Mais ouais, si vous faites remonter, mine de rien. Les notes et tout, ça joue sur le bouche à oreille, sur le site internet. Bien sûr. Donc voilà, n'hésitez. Recommandations aussi. Exactement, n'hésitez jamais. Et donc La Flamme, la série que j'ai écrite avec Jérémy Galland et Jonathan Cohen, avec Jonathan Cohen et Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Pierre Ninet, Géraldine Nakache. Enfin voilà, il y a plein de gens super. On a la date, ça sort le 12 octobre sur Canal+. Il y a 9 épisodes de 26 minutes. Et j'espère que ça aussi, ça vous plaira. Bah voilà, bah merci beaucoup. Yes. C'était une longue émission. Je l'ai trouvée très intéressante. J'espère que vous aussi. Ouais. Et bah merci d'être venu. Hein. Et vous devez avoir chaud aux fesses. Donc merci de rester si longtemps. Merci tout le monde. Ciao. Merci. Ciao. Au revoir. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.